01 42 48 5000. Merci d'avoir appelé toute la soirée. Vous pourrez continuer de le faire là dès demain sur Fond Endure. On revient à 20h, Facebook, Twitter, Love in Fun, et puis le site de l'émission loveinfun.fr. He comes from New York. Yeah, he's motherfucker. Hello, Michael. Ils t'ont relâché finalement. Oui, ils m'ont relâché, ouais. Welcome back, Michael. Il n'y avait rien contre toi ? Non, mais ça a été finalement. J'ai pu passer la douane. La femme de chambre a rien dit, non ? Non, rien du tout. Non, mais je m'appelle pas Tof. Hein. Tof, il peut rester coincé au. Non, il ira pas au Sofitel, lui, il ira dans un hôtel de merde. Il a pas d'argent. Voilà, oh, c'est ça. J'ai pas les moyens pour le Sofitel, moi. Bah, complètement, ouais. Et t'es resté bloqué 2 jours à New York, c'est ça ? Eh ben, normalement 3, mais finalement, j'ai quand même été à l'aéroport hier pour essayer de choper un billet. Et puis, bah, finalement, ça s'est bien passé. Donc, pour expliquer quand même au sous-chef, donc Lucas, qui se demandait pourquoi j'étais pas arrivé en même temps que les autres. C'est-à-dire que j'ai raté mon vol et donc du coup à cause d'une correspondance ratée, enfin bref, une histoire. Bien et comme il y a eu le bordel avec la neige à New York, bah tous les vols étaient pleins en fait. Tous les vols étaient pleins. Donc j'étais malheureux là à New York. Mais coincé, oui, le pauvre. Oh là là, quelle belle excuse. Mais on va te plaindre. Hein. Mais oh oui, le doc, tu peux me plaindre. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et bah écoute, on est quand même content que tu sois de retour. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Oui, oui. T'as vu, j'ai ramené la nouvelle mascotte de l'émission. Mais tellement. Comment le M&M's, oui, tellement j'ai dit. Voilà, c'est juste le M, hein. C'est, j'ai pas pu ramener deux. Il y en a qu'un seul. Ils sont où les M&M's là? Ah bah ils sont, bah Sandro les a bouffés. Ah bah ça, bah voilà, ça m'étonne. Ah bah voilà, ça y est, tout est parti. Faut aller sur l'Instagram de Mickaël, il met plein de photos. Ah bah j'ai mis des, oui, M&M's au coco en plus, oui. Ils étaient au top. Bon, on va les mater tout ça. Ah bah voilà. Dégoûté que tu m'en aies pas laissé, mais c'est une autre histoire. Non mais ça va venir, t'inquiète pas, je retournerai pour toi, Yarima. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, gros bisous à vous en tout cas. Gros bisous. Et puis nous on est parti, ça y est, jusqu'à 2h sur Fun. Ciao. 23h, 2h. Test. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Yeah, motherfucker. Oh yeah. Ça fait plaisir de vous retrouver là, enfin à la radio pour commencer cette nouvelle année avec vous. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'étais coincé à New York. Et donc oui, donc effectivement, ouais. J'étais à New York il y a 24 heures, ce qui est assez exceptionnel. Non mais c'est avec le recul, tu te dis, j'étais à New York, j'ai atterri à Bruxelles, je suis arrivé à la radio, c'est bien. Bon. Non, c'est pas mal, c'est cool. Bon, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça se voit pas trop. Hein. Non, ça se voit pas du tout. Va. T'as pris des couleurs même, on dirait. Ouais, ouais. C'est la neige. Il est beau gosse. La réverbération de la neige. La réverbération. Ouais. Non, oui, c'est vrai. Bon, on a mis des photos d'ailleurs sur le Facebook de l'émission. Et puis on a un nouveau dans l'équipe également, Monsieur M. Ah, il est beau gosse. T'as vu, il est pas mal. Hein. Ouais, pas mal. Il a aussi pris une couleur lui par contre. Hein, c'est dommage. Mais voilà, Monsieur M est là. Il y a la photo de Monsieur M sur le Facebook de l'émission. On hésitait à remplacer avec Tof. Oui. Bah, je pense qu'on aurait bien fait. Ouais. Ouais. Et puis en même temps, il ferme sa gueule. Il est moins cher, donc en fait, il a pas de croix avec lui. Et il a pas de crotte. Non, il est mieux. Il est mieux. Il a pas de nez surtout pour. Bah, exactement. Ouais, mais donc, j'ai appris que le nez était signe de puissance, de force, de virilité. Comme quoi, il y a des exceptions partout. Bon, je disais donc que hier, j'étais coincé à New York pour ceux qui n'étaient pas la cause de la tempête de neige. Alors, il y en a plein qui ont dit, t'as fait une photo, il n'y a pas de neige. Oui, parce qu'il a fait 13 degrés hier, il y a eu de la pluie, donc tout est parti. Et je suis content d'être parti parce qu'aujourd'hui, il faisait moins 20. Il y a une copine qui m'a dit, t'as bien fait de partir, il a fait moins 20 aujourd'hui. Bah, effectivement, j'ai plutôt bien fait, ouais. Donc voilà, je ne suis pas resté là-bas pour gratter un jour de plus, même si beaucoup l'ont pensé, mais ce n'est pas grave. Bon, pour bien commencer l'année, je me présente. Moi, c'est Mickaël. L'émission s'appelle toujours Mickaël No Limit, et puis cette année encore, évidemment, on sera avec vous de 23h à 2h du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. Et pourtant, j'avais demandé à changer d'horaire. Moi, j'avais dit ce serait bien de faire midi-minuit. Ah ouais. On m'a dit non, écoute, t'abuses un peu, on va réfléchir pour l'année prochaine. Parce qu'il y a des auditeurs qui avaient demandé, donc je me suis dit, midi-minuit, ça va. Ouais, c'est pas mal. C'est pas comme si on monopolisait la radio, quoi. Et puis il nous reste 12 heures pour dormir. Et puis après, il reste 12 heures pour dormir, en fait, finalement, nickel. Ouais. C'est ça, au final, c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, 23h, 2h tous les soirs, et puis dimanche, 20h minuit, pour passer l'antenne avec nous, et ça n'a pas changé. Vous nous appelez toujours au 01 42 48 5000, pour la Belgique, le 02 851 4x0, et vous arriverez ici comme Charlet qui est avec nous. Bonsoir, Charlet. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Bon. Bonne année. Eh ben bonne année aussi à toi, Charlet, qu'on avait eu l'année dernière, Charlet. Oui. Exact. C'était le 24 décembre, je crois, la soirée réveillon de Noël ou le 23, je sais plus. Voilà, ouais, le 24 décembre. Ouais. Le 24 décembre pour le réveillon, effectivement, ouais. Bon, t'as passé une bonne année, bonne fête, tu t'es bien amusé, t'as bien picolé, etc. Ouais, trop bien, ouais. Bon, écoute, tant mieux alors, tu nous expliqueras ça dans quelques instants. On parlera de quoi d'ailleurs, Charlotte ? Tu nous avais appelé, mais je sais plus pourquoi. C'était pour mon ex que Tof avait dragué. J'ai rien compris. Pour ton ex qui quoi ? Que mon ex, elle m'avait appelé, qu'elle arrêtait pas de m'appeler et tout. Oui, exactement, on va en parler dans quelques minutes. T'as du neuf ? Ouais, j'ai 19, ouais. Bon, alors ne bouge pas de là, Shirley. Sandro qui est là également, toujours au standard, hein, qui a pris des bonnes résolutions pour 2014. Oh, bah non, penses-tu? Non, bah non, pourtant c'est déjà le 7ème jour de l'année là. Ouais, mais pff, ok, quelle résolution? Bah je sais pas, n'importe laquelle. Tu pourrais prendre. Je sais pas, régime. Ça c'est une obligation, c'est pas une résolution. Bon, et Toff, la bonne résolution, c'est plus d'insultes qu'en 2013. Évidemment, toujours plus d'insultes. Toujours. Est-ce que pourriez intérioriser votre connerie? Cause toujours, enculé. Voilà, donc on fera d'autres appels tout à l'heure, des nouveaux évidemment. Et puis Polo, c'est quoi la résolution là pour ce nouvel an? Rien, je vais rester aucune sur ma lignée de conneries. Sur ma lancée, je vais aller à fond dans rien et bon. Puis bah, va marcher mieux. Quoi. Bon, d'ailleurs, venez nous dire hein, ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour 2014. T'as pris quoi toi, Charlie, comme résolution? Oh bah, d'être gentil avec tous mes collègues. D'être gentil avec les collègues. Bah, c'est bien ça. Écoute, bah pourquoi c'est pas. Nul. Ouais. Oui, non, c'est pas mal, gentil, ça veut dire que t'étais méchant avant, donc il y a du plus. Et si vous avez besoin d'aide aussi d'ailleurs, ou d'encouragement pour les résolutions, parce que évidemment il y en a qui ont toujours, qui décident comme chaque année d'arrêter de fumer, d'arrêter de picoler, etc., etc. En plus là, le paquet a augmenté. Non, donc, c'est demain. Demain, oui, c'est ça. Donc le paquet va augmenter demain, du coup. Est-ce que ça vous donne envie d'arrêter ou pas, justement, de fumer? Si comme Sandro, vous voulez faire un petit régime également, on peut vous aider, on peut vous suivre tout au long de l'année, hein, on fera la pesée tous les jours, pas de problème à distance. Bon, le problème, c'est qu'il faut avoir confiance, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut avoir confiance, sinon vous nous mettez. Ou alors avec une caméra, avec FaceTime ou avec Skype. On peut, de toute façon, nous on est là pour motiver après. Ouais, on est là pour motiver, ouais. C'était avec toi et ta conscience. Voilà, bah venez nous en parler en tout cas pour réagir à l'émission. Vous le faites avec le hashtag Mickaël sur Twitter également. Et puis, bah, comme la saison dernière, comme l'année dernière plutôt, on fera le top tweetos à la fin de l'émission. Si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un max de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Allez-y, bonne chance tout le monde. Et puis aussi, au niveau du son, là, je vous ai calé des trucs pas mal évidemment ce soir. Avec le son Showtech, ce sera Bouya tout à l'heure. Je vous calerai également le son qui était mon son préféré à la fin de l'année dernière et qui l'est toujours. Pharrell Williams avec Happy. Et évidemment un son que vous avez découvert hier dans l'émission alors qu'on était. Enfin que j'étais en direct de New York. Oui parce qu'avec nouveau... toi je te rappelle. Ouais mais j'étais bien. Ah bah on se doute. Ah ouais franchement j'étais bien avec mes M&M's, tout ça j'étais à la cool. Très très cool. Le son de Fatboy Slim. Voilà, Hit Sleep Rave Repeat. C'est Fatboy Slim qu'on écoutera tout à l'heure le nouveau. Puis il y aura Pitbull, il y aura Lady Gaga, Demi Lovato également. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier ce soir, n'hésitez pas. Charlie, tu voudrais écouter quoi toi? Tu pouvais choisir là. Bah tu peux d'ailleurs. Maître Gims, d'accord, ok, très bien. Et puis il y en a aussi Lucas qui est avec nous pour la colle. Lucas, tu choisirais quoi toi? Comme musique? Ouais, ah oui. Je sais pas, moi j'écoute pas trop l'électro de son main, ça, j'écoute plutôt du dubstep. Wow. Dubstep, d'accord, ok, mais ça marche aussi, si tu veux, c'est un titre, tu me demandes, y'a pas de problème. Réfléchis, de toute façon on est pas bon, on va pas s'arrêter tout de suite. Hein, on va pas s'arrêter tout de suite, donc réfléchis, je te reposerai la question tout à l'heure, c'est pas un problème. Bon, okay. Puisque t'es là, Lucas, on va se faire la colle. Allez. Eh bah c'est parti, la colle, direction les 200 euros qu'on vous offre ce soir. C'est peut-être pour toi d'ailleurs, Lucas. 200 boules, ce serait bien pour les soldes. Ah bah ah ce oui, serait plutôt bien. Pas mal même. Ah ouais. Voilà, pour vous acheter un kawaii par exemple, si vous êtes dans le sud-ouest là, avec toutes les vagues, la pluie. Non mais c'est vrai. Franchement, on sait jamais. J'ai vu que ça tombait pas mal. Et puis au niveau des vagues, là, on était pas mal. Portugal, Espagne et sud-ouest là, j'ai vu Biarritz en image tout à l'heure. C'est bien. Puis c'est bien parce qu'il y a des gens cons aussi qui se baladent sur le bord de la plage. Il y a des vagues de 16 mètres et les mecs se baladent, ils sont là, ils sont cool. Bah, c'est beau, sympa, ils sont immortels. Mais oui, voilà, bah oui, immortels, ouais. Bon, alors, du coup, Lucas fait péter la colle pour gagner 200 euros pour aller faire les soldes ou pas, hein, peu importe hein, si c'est pour les soldes ou pas. On t'écoute pour la colle. Alors, je monte, je descends, souvent je me décroche et une fois lié, je suis inséparable. Qui suis-je? Alors, répète la colle encore un coup, Lucas, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu là. Je monte, je descends, souvent je me décroche. Et une fois lié, je suis inséparable. Qui suis-je? Ok, si vous avez la bonne réponse, vous y allez maintenant. Vous envoyez tout simplement le message par SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a 200 euros à la clé si vous avez la bonne réponse. On tire au sort avant minuit. Tu restes avec nous, Lucas. On te reprendra d'ici quelques minutes encore. Ouais. Ok. Bon, très bien. Allez, bouge pas de là. Et puis, les cadeaux aussi. On a les smartphones Arcos à vous offrir, les 45 Platinium qu'on vous offrira tout à l'heure. Et tout à l'heure, on jouera également au jeu de la rupture, comme chaque mardi. Il y a une rupture. Il y a une rupture, évidemment. Ouais. Bon, j'aime bien dire ça. Voilà. Et Charlie qui est avec nous, là. Bon, Charlie de retour. Toujours là, Charlie? Oui, je suis là, oui. Très bien. Alors, dis-moi. Explique-nous un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, qui, n'était pas là, qui était pas là l'année dernière, le 24 décembre, puisqu'on a fait l'émission le 24 décembre. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai reçu les cadeaux. On avait fait les échanges de cadeaux avec les auditeurs. Ouais. On a reçu les cadeaux, les calculatrices, le pack de piles. Il y avait quoi aussi? J'ai oublié. Pack de crayons de couleur. Les crayons de couleur de Sandro sont arrivés. Ah, elle va pouvoir colorier, ça va lui faire du bien. Voilà, voilà. Donc on va envoyer les PC portables qu'on avait fait en échange. On avait fait une soirée échange de cadeaux le 24 décembre. Donc c'est bon, tout est arrivé. On va faire les échanges et on va vous envoyer votre PC portable pour ceux qui ont envoyé le cadeau, évidemment. Bon, alors Charlotte, on t'avait eu le 24 décembre. Alors réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais, alors c'était mon ex Olivia qui m'avait appelé toute la journée. Ouais. Au boulot. Ouais. Du coup, on l'avait appelé, elle était sur répondeur au début. Ouais. Et après, on l'a appelé une deuxième fois et c'était Toff qui lui a parlé. Exactement, ouais. Et du coup, elle avait demandé une photo de Toff et Toff, je sais pas si elle lui a envoyé. Non, j'ai pas reçu. Ah ben bravo! Non mais j'ai reçu. C'est toi qui devais lui envoyer. C'est toi qui devais lui envoyer, là, c'est pas elle. Ah j'ai oublié. Ah bah il a oublié, tu vois. Et l'autre, il laisse la ramène. Oui, moi je suis intéressé, ouais, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Je et puis suis que le roi du sexe. Voilà. Bon, t'as bouffon, eu... va. Exactement, complètement même. Cause toujours, enculé. Voilà. Bon, et donc du coup, t'as eu des nouvelles depuis. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté depuis? Bah, elle me demande encore une photo de Toff. Allez, on va aller à fond sur Toff. C'est improbable, ouais, ça. Ah oui, bah, c'est improbable, je confirme. Mais écoute, tu me redonneras son adresse email hors antenne et je lui enverrai. Ouais, mais va dans les trucs d'animaux là sur internet et tu prends un truc comme un pélican. Ouais, c'est ça, ouais. Une marmotte. C'est l'animal con, ouais, c'est la marmotte et elle dort tout le temps. Non, voilà. C'est une bonne idée, ouais. Bon, et donc du coup, elle continue à t'appeler et elle continue à te demander les photos de Toff. Alors elle m'a appelé juste une fois en inconnu et après elle a arrêté de m'appeler. D'accord, ah bah ça va, c'est cool. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Bon, alors reste avec nous, Charlet, parce qu'on vous avait demandé si vous étiez déjà fait harceler par vos ex ou par des mecs ou des meufs en règle générale. Appelez-nous, venez nous en parler. Appelez Sandro 02 851 4x0, c'est le numéro du standard pour la Belgique. Et puis pour la France 01 42 48 5000. Vous pouvez également nous joindre sur le Facebook de l'émission et le Twitter également. Tapez Mickaël officiel. Il y a Hamza qui dit mes résolutions 2014, c'est de tenir celle de 2013. C'est pas mal. Il y a Cheyenne. Ouais, sur le Facebook, il dit coucou l'équipe, vous m'avez trop manqué, c'est tellement mieux quand vous êtes là, bonne année, bonne santé, etc. Je vous aime trop, ça fait du bien de vous écouter, bah merci beaucoup. Et puis nous, je suis très content d'être retour aussi avec vous. Il y a Dams qui dit aussi sur le Twitter, cette fois-ci ma résolution est d'arrêter de fumer, pour oublier ça, je bricole et je fais du sport, donc j'y pense pas. Eh bah c'est bien, Dams, continue, bonne chance. Il y a Julien Liaskinkin qui dit coucou les amis, juste un petit message pour vous dire que je vais bien et que pour l'instant je ne tweete plus. Eh bah très bien Julien, on sait pas pourquoi, mais tu reviens quand tu veux. Et Let's Be Freaks, ma résolution, ne pas prendre de résolution. Ou encore Echo qui dit remplacer Toff par Monsieur M. Oui, bah, Monsieur M est le nouveau, hein. On l'entend pas beaucoup, c'est vrai, ouais. Mais il y a sa photo sur le Facebook de l'émission. Allez la voir et donnez vos avis. Facebook.com/Mickaël officiel. Exact, bon retour Mika de New York. Tu nous raconteras ici où là-bas t'es toujours aussi bon. Yvan, merci Yvan. Et Julien qui dit welcome back, merci Julien. Et Marie and Happy qui dit coucou, je pourrais avoir un message de bienvenue s'il vous plaît, celui du Corse s'il te plaît. Bonne année à toute l'équipe. Oui, alors message de bienvenue du Corse. Attends, parce qu'il faut que je le récupère. Je crois qu'il était là. Je te renculé. Oui, il était pas mal, celui-là, sur les yeux. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer au PD que tu es. Voilà, et bonne année tout le monde, comme ça c'est fait au moins. C'est fait. Ouais, exactement, ouais, comme ça c'est fait. On a bien démarré l'année là. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Bon, on fera d'autres appels avec Toff dans quelques minutes. Et puis, comme, bah oui, il n'y a pas eu la galette des rois, c'était dimanche là, j'étais pas mais là. Oui. Bah, et puis hier j'étais coincé à New York, et donc aujourd'hui, bah, on va la faire maintenant. Bah, on va la faire dans quelques minutes. Si tu insistes. Bah oui, bah, c'est ça. Charlet, reste avec nous, on va faire la rupture, le jeu de la rupture dans quelques minutes. On récupérera la colle avec Lucas, et je vous rappelle aussi que vous pouvez jouer avec nous sur le Facebook de l'émission, hein, si vous voulez gagner vos 200 €. Ça se passe maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est au cœur d'une heure sans pub. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, une heure sans pub. Et le son de Showtech qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Booyah. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the end. Le son de Showtech sur Fun Radio avec Booyah. Bienvenue tout le monde, il est 23h18, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. En 2014, ça sera certainement pire qu'en 2013. En tout cas, on fera tout pour. Il y a Cookie qui dit ma résolution 2014, vous écoutez, toujours vous écoutez. Ben merci Cookie qui est de retour. Sébastien qui dit purée, je kifferais les 200 €, bordel. Je pourrais même réveiller mes parents lorsque vous me téléphonerez. Ben Sébastien, on verra, hein, on verra bien. Sarah aussi qui dit ça ferait trop du bien de vous écouter à nouveau. M'avait trop manqué. surtout le chouchou Mika. Merci Sarah et Davers45 qui dit salut Mika. Salut à vous toute l'équipe. Et enfin, tu es de retour dans ton studio préféré. Toi, Toff et le reste, je vous kiffe. Big up à vous. Ouais, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'était quoi ça, New York, à cause de la tempête de neige. Enfin, à cause du mauvais temps et surtout à cause des retards d'avion dus à la tempête de neige. Et donc, voilà, ça s'est bien passé. Je suis de retour. Tout va bien. On est là. Les 200 euros à gagner également avec la colle de Lucas, là, qu'on va récupérer maintenant. Toujours là, Lucas ? Oui, toujours là. Très bien, bah on va en profiter pour refaire la colle du coup. Hein. Allez, c'est parti, gagnez 200 euros si vous avez la bonne réponse à la colle de Lucas. On t'écoute, Lucas. Alors, je monte, je descends, souvent je me décroche, et une fois lié, je suis inséparable. Qui suis-je ? Alors, je monte, je descends, je me décroche, et une fois lié, je suis inséparable. Qui suis-je ? On proposait une araignée ? Non. Non, qu'est-ce qu'on proposait aussi ? Une mâchoire ? Non. La réponse à la colle, c'est une femme ? Non. C'est pas mal, je monte, je descends, une fois que je suis accroché, c'est quoi l'histoire ? Je décroche une fois lié, je suis inséparable, oui. Des ballons ? Non. Il y a Evan qui proposait l'ascenseur ? Non. Non, bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, vous pouvez jouer soit par SMS, soit par Facebook, et là c'est gratuit. Vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique par SMS. Hein. M.I.K.L. les 4 lettres, espace, votre réponse. Et vous pouvez jouer aussi donc gratos sur le Facebook de l'émission. On vous attend nombreux d'ailleurs, venez nous rejoindre sur la page. Si vous n'êtes pas encore dessus, on est quasiment 320 000 ce soir là. Vous tapez facebook.com/M.I.K.L. officiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. On donne la réponse avant minuit et il y a 200 euros cash à gagner. Lucas, tu ferais quoi avec les 200 boules ? Je sais pas, je pense que j'irai acheter des fringues. Des fringues ? Eh ben écoute, c'est un bon plan, tu vas pouvoir le faire sans problème. Eh ben bouge pas de la Lucas, on te reprend tout à l'heure là. Reste avec nous, on va faire le jeu de la rupture dans quelques minutes également. Et puis on a Lenny avec nous maintenant de Pamiers. Salut Lenny ! Ouais, salut ! Comment ça va ? Salut ! Ça va, vous ? Bah tranquille, hein, on est de retour là ce soir en direct. Bah on était aussi hier, hein, mais je veux dire dans des conditions un petit peu spéciales. T'as écouté l'émission hier ou pas ? Ouais, j'ai écouté, ouais. Ah d'accord, donc ouais, un peu particulière l'émission en direct de New York avec l'équipe à moitié, ouais. Avec les trois quarts de l'équipe, hein, au final, oui. À la radio. Donc ça va, on s'est bien marré. En tout cas, moi c'était cool. Hein. Ah bon, tout ce que toi c'était cool. Hein. Ah bah, c'est-à-dire que hier à l'aéroport en partant, je me suis bouffé un Wendy's. Oh, pour ceux qui connaissent pas, c'est les fast-food américains. Oh là là, c'est dégueulasse, c'est hyper bon. Mais non, j'ai pris un triple baconator. Oh, alors je vous explique. Il y a une tranche de pain, une tranche de bacon, une tranche de viande, une tranche de fromage. Vous faites ça trois fois et puis vous mettez la dernière tranche de pain. Mais y a que toi qui bouffe ça. 1700 calories le burger. Oh, je n'ai mangé que ça de la journée. Hein, mais en plus c'est pas ouf. C'est pas ouf de quoi ? C'est pas si ouf que ça. Mais si, c'est ouf. Tu vois le truc, tu pousse un peu dessus et tu vois tout le jus qui... Oh, c'est-à-dire que t'en as plein les mains. C'est parfait, c'est parfait. Le pire à chez Wendy, c'est quand même tough quand il va manger son chili dégueulasse. Ah oui, parce qu'en fait, à la place des frites, tu peux avoir du chili, c'est énorme. Non, ça d'accord, c'est dégueulasse. T'as déjà eu la chance d'aller aux États-Unis, Lenny, ou pas ? Hein ? T'as déjà eu la chance d'aller aux États-Unis ou pas ? Non, jamais. Bon, bah le jour où t'iras, tu penseras à moi. Wendy's, hein, va goûter ça, c'est le triple baconator. C'est dans certaines villes, ils font le quadruple baconator. Mais ça, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Mais je testerai à l'occasion. Bon, alors Lenny, bon, on va parler de quoi avec toi, dis-moi, maintenant ? Bah, d'une anecdote qui s'est passée à Noël, quoi, un pote à moi. Ouais. En fait, il est donc repas de famille et tout se passe bien. Et là, il y a son gros chien, berger allemand, quoi, qui arrive avec le caniche de la vieille d'en face, quoi, dans la bouche. Non, c'est dans la bouche ? Oh merde. Ouais, ouais. Il l'avait bouffé. Porte, c'est ouf. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans la bouche ? Bah, tu vas voir plus tard, en fait. Ah, vas-y, donc, alors continue à expliquer. Je suis tout ouïe. La belle-mère, elle savait pas quoi faire, quoi. Ouais. Donc, elle décide de prendre le chien, elle le nettoie dans la douche, et là, elle escalade... C'est glauque. Elle escalade le portail de la vieille. En plus. Attends, il est cané, là, le caniche, c'est ça ? De quoi ? Ouais, il est mort. Oui. Il est mort. Oh. D'accord. Donc elle le nettoie, elle escalade le grillage de la vieille, elle remet le chien dans la niche, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le lendemain, elle croise la vieille dans la rue, ouais. Et là, la vieille toute pâle, pas bien et tout, et elle lui demande qu'est-ce qu'il y a, quoi ? L'air de rien. Oui, l'air de rien, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, l'air de rien, hein ? Et la vieille, elle lui dit, ben, je comprends pas, quoi, parce que j'ai enterré mon chien il y a 3 jours et je l'ai retrouvé tout propre dans la niche, quoi. Énorme. Tout propre. En fait, il avait juste déterré, quoi, le chien. Il l'avait pas tué, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est con alors ? N'importe quoi. Non mais c'est vrai. Hey, si vous avez d'autres histoires comme ça, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 également. Et du coup, l'histoire finale, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, la vieille est traumatisée, là, je me suis pourquoi, quoi. Wow. Bah oui, attends, elle doit croire que son chien, il a revécu. Il a pris une douche et il s'est lavé. Elle a dit, je vais être enterré dans ma niche. Pourquoi tu m'as enterré ailleurs? Ah, la là pauvre dame. Ouais, c'est clair. L'hôtel va finir folle. Grave. Bah, là, grave. Elle prend en dû à 3000%, là. Bah, complètement, ouais. Bon, bah, très bien. Bah, merci pour la petite anecdote, Lenny. Tu nous as bien fait marrer. Bah, de rien, ciao. T'as fait de bonnes résolutions, toi, pour 2014 ou rien? Non, rien. D'accord, oui, bon. Peut-être avoir la One, mais... De quoi ? Peut-être avoir la One, mais c'est cher, quoi. Ouais, bah oui, c'est cher, ouais. Et puis t'as vu, c'est un peu compliqué en termes de rupture de stock. Il y a quand même nous, on galère, hein, c'est pour te dire. Bon, bah en tout cas, bonne chance à toi, Lenny, hein. Bah merci, je passe une dédiée à mon frère, voilà. Ah bah voilà, le message est passé comme ça. Salut à toi, à bientôt. Salut Lenny. Ciao. Ciao. Dites-nous, tiens, si vous avez fait des résolutions cette année. Alors, en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir si vous en avez fait en 2013, pour un petit peu voir si vous les avez tenues ou pas. C'est surtout ça l'intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme résolution pour 2014? Donc bah appelez-nous aussi 01 42 48 5000 02 851 4x0. Il y a Kevin qui dit la réponse à la colle, c'est un mousqueton. Ah bah je sais pas. Lucas, c'est un mousqueton ou pas? Non, bah c'est pas ça. Le Buff Ferry qui dit les morbacs de Toff. Il y a Mylan qui dit un gros big up à toute l'équipe de Mickaël. Merci beaucoup. Et Mathieu également qui dit moi je suis à la Washington et j'ai goûté ton quadruple bacon à tort. Délicieux. Et au fait, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Avec plaisir Mathieu. Cause toujours enculé. Voilà Mathieu. Ah t'as vu, il est bon le béconateur, le béconateur, le béconator, pardon. Et Alice qui dit coucou, je pourrais avoir un message de bienvenue également. Merci à ma sœur qui m'a fait découvrir Mickaël No Limit. Ah bon, on la remercie également ta sœur là, on sait pas comment elle s'appelle mais on la remercie. Attends, j'ai un petit message là pour elle. Oh je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. Voilà, voilà. Et Baptiste qui dit excellent l'histoire du chien. Bah oui mais c'est clair, elle était énorme l'histoire du Klebs là. Bon ah oui, hier c'était dimanche, avant-hier c'était dimanche. Oui c'était dimanche. Je suis un peu perturbé en termes de jour. Quel là jour on est, quelle heure bah, il je est sais plus. Et comme j'étais pas là, bah on n'a pas pu faire la galette des rois. Oh. Bah oui, c'est con, donc on va la faire maintenant. Ah. Bah oui. D'ailleurs, Toff, tu veux pas qu'on appelle tes amis là pour leur dire que tu es le roi? Mais oui, je suis le roi. Peut-être pas forcément, on n'a pas encore fait la découpe de la galette, mais. Non, mais je serai le roi quand même. Ouais, bon, c'est pas sûr. Dans tous les cas, c'est moi le roi. Voilà, c'est ça. Et tu as amis, tu peux leur. Qu'est-ce qu'on peut leur faire? Bah, je vais leur demander de m'honorer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il faut qu'on m'honore, je suis le roi. Voilà. Qu'il déroule le tapis rouge et qu'il me prépare mamie, j'arrive. Bah, très bien. Aïe, oyez le roi Toff arrive. Eh oui, le voilà. Roi Toff descend. Exactement, ouais. Enfin, descend sa monture. Ouais. Bon, on va appeler des gens dans un instant. Si vous avez des numéros de téléphone à nous donner, n'hésitez pas. Bah, vous envoyez les numéros, comme d'habitude, sur le mail de Toff, toph@finradio.fr. Voilà, et juste, renvoyez pas 36 fois le même. Oui, parce que sinon, après, on se fait niquer. Voilà. Bah, c'est compliqué après enfin, à gérer. Après, donc on est connu, tout ça. Enfin, voilà, ouais. Vous envoyez une fois des gens debout encore à cette heure-ci, évidemment. Et surtout des gens un peu nerveux, comme celui-là. Cause toujours, enculé. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Bon, celui est un petit peu mou, mais il était drôle. Donc, si vous avez des numéros sympas de gens que vous connaissez qui sont un petit peu nerveux, eh bien, vous envoyez les numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Je propose qu'on mette Pharrell Williams et puis on fait la découpe du petit, de la petite galette des rois. Ouais. Allons-y. Eh oui, on va voir. À votre avis, qui sera le roi? Mais je serai le roi. Qui le portera... bouffon, on sait que c'est Toff. Ah bah oui, ça c'est sûr. Donc allez-y, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous m'ajoutez également sur Twitter. Hein. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également avec plaisir. Tapez Mickaël _ officiel, c'est aussi simple que ça. Lucas, on va te reprendre dans quelques minutes. On aura Mélissa également, là, 19 ans avec nous. Salut Mel. Salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va. T'as pris des bonnes résolutions pour cette année, toi, ou pas? Ouais, c'est pour en prendre. C'est de pas en prendre, c'est une bonne résolution. Ouais. Et à ton avis, qui sera le roi avec la galette des rois ce soir? Sandro, Toff, Polo, moi, ou même le stagiaire peut-être? Je pense que ce sera Polo, mais j'aimerais bien que ce soit Sandro qui domine un peu pour une fois. Qui domine rien du tout, elle domine le standard tous les soirs. Elle, c'est ça. Elle domine le standard tous les soirs. Elle mange à sa faim. Exactement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais voilà, je comprends pas. Oh. Non mais c'est ça, je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, j'ai tout ce qu'il faut quand je serai élu roi. Oh yeah, oh yeah. Tout est là, tout est disponible. Je suis prêt, il n'y a pas de problème. Bon, on se fait Happy Week d'abord avec Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. Juste après, on fera le jeu de la rupture avec Guillaume et avec Anton pour gagner le smartphone. C'est le Arcos 45 Platinum qu'on vous offre ce soir sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, il est 23h28. On est de retour en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Faites passer le message car oui, et oui, 2014, c'est cette année. Ça se passe que sur Fun Radio de 23h à 2h. Il se passe enfin quelque chose à la radio et merci d'être aussi nombreux tous les soirs à écouter l'émission. Pharrell Williams, c'est Happy. On écoute ça maintenant sur Fun Radio. It might seem crazy what I'm about to say. Pharrell Pharrell Williams sur Fun Radio avec Happy. Il y a Emery qui dit ça fait maintenant 3 mois que je vous écoute, j'ai pas encore eu mon message de bienvenue. Comment ça? Voilà, eu maintenant. Bon, il y a Sarah qui dit le roi ça va être Mickaël. Bon, on verra. Il y a Chippeuse Baby qui dit c'est toi le roi avec ou sans galette. Oh merci Chippeuse Baby. Oh. Julien qui dit le roi des cons mort de rire. Non, c'est je tough. Blague. Oui, c'est tough. Et Let's Be Freaks qui dit s'il me reste assez d'énergie après l'émission, je vais fumer le Ziggy Bunny. Pour rappeler que le Ziggy Bunny c'est le god hein, qu'on offre. C'est le sextoy qu'on offre encore. On en a encore à offrir ou pas? Est-ce que c'est toujours le sponsor de l'émission? Écoute, là normalement c'est toujours le sponsor de l'émission, mais on n'a pas encore été réapprovisionné. Ah d'accord, mais ok. C'est très qui, bien. Qui est sponsor teuf? Le passage du désir.fr. Voilà, bon bah très bien alors. Cassandra qui dit coucou l'équipe, tout d'abord une bonne année à vous tous. On a bien reçu notre skate, merci. Et nous, attends c'est quoi? Bon, à nous les défis pendant les soirées Cassandra et David du chéri je peux te faire cocu. Ah oui, ils avaient fait le chéri je peux te faire cocu, on leur a offert un skate électrique. Ah oui. Voilà, c'était une tuerie, la vidéo. Putain, qui traîne énorme. Encore sur le YouTube de l'émission et sur le Facebook bien sûr. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, retour avec Raphaël dans quelques minutes par rapport aux résolutions. Et on va également se faire le jeu de la rupture. Un jeu de la rupture avec Guillaume, avec Anton. Bonsoir tous les deux, comment ça va? Très bien. En pleine forme? Ouais, tranquille. Bon, très bien. Vous avez pris les bonnes résolutions ou pas pour cette année? Non. Non, d'accord, ok, pourquoi pas, c'est bien aussi. Et puis, et Guillaume? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. T'appelles de Lyon, toi? Et t'as pris des bonnes résolutions ou pas? Non. Enfin, non, des résolutions. Hein. Parfois, elles sont mauvaises, mais. Non, juste à plus arriver en retard en course, que j'en ai eu trop, là. Ah, déjà? Ouais, j'ai eu une quarantaine de retards. Ah oui, quand même, tu. Parce que 40. Depuis septembre. Ah oui, non, mais depuis septembre, il y a eu que 4 mois. Hein. 40 retards, ça fait quand même 10 retards par mois. Mais soit t'es un ouf. Et comme il y a que 20 jours, ça fait quand même la moitié du temps que t'es en retard. Et là-dedans, je ne compte pas les congés scolaires. Donc t'es quand même en retard un jour sur deux, c'est pas mal. Quasiment. Non, mais environ. Donc là, j'arrive plus en retard. Maintenant, j'arrive tout le temps en avance. Ah bah, c'est bien. Mais est-ce que ça fait. Est-ce que tu récupères du coup? Est-ce que le retard s'annule quand t'arrives en avance? Non. Ah, c'est con ça, ils devraient faire ça. Hein. C'est ça le problème. Ouais. Ils ne font pas les trucs à fond, c'est dommage. C'est comme dans certaines entreprises, c'est où t'as la pointeuse, en fait, ils t'enfument avec les quarts d'heure. Ouais. C'est-à-dire que quand t'arrives, ils te comptent le quart d'heure d'après, et quand tu pars, ils te comptent le quart d'heure d'avant. Bien sûr. En fait, tu te fais niquer d'une demi-heure sur la journée. Voilà, non. C'est ça, exactement. Bon, on va faire le jeu de la rupture maintenant. Guillaume et Anto, est-ce que vous avez bien compris le concept du jeu? Ouais. Bon, ouais. Vous allez jouer pour repartir peut-être avec un smartphone, c'est l'Arcos hein, de marque. Français. Voilà, le 45 Platinum avec Android à l'intérieur. Vous allez pouvoir faire évidemment tout ce que vous voulez, filmer, vous allez pouvoir faire des photos, vous allez pouvoir même téléphoner. C'est quand même exceptionnel avec ça, c'est beau avec un téléphone. Ah ouais, bah, c'est pas mal. Pour ça, il faut être bon. Guillaume et Anton, on va donc appeler des gens au hasard. Il va falloir leur faire une conversation de rupture. Donc pas arriver en disant il y a une rupture, parce que ça ne veut rien dire. Mais vous allez faire comme si vous quittiez votre copain ou votre copine. Voilà, genre oui, écoute, ça va plus aujourd'hui. Tu me fais souffrir, blablabla. Enfin bref, voilà, donc c'est une conversation de rupture. Vous avez bien compris le concept? Celui qui tient le plus longtemps gagne. Il y a deux manches. On commence par qui? Guillaume ou Anton? Je sais pas, Anton. Anton, bah très bien. Guillaume, on commence avec toi. C'est parti. Anton, ne bouge pas de là. Vas-y, on appelle le premier Guillaume. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, là, c'est que tu vas dire allô et commencer le jeu, d'accord? Ok. Bon, et magne-toi, hein, parce que nous, on a la galette des rois, là. Je sens l'odeur jusqu'ici, là. Ok, t'inquiète. J'aimerais bien être roi. Allez. Allez. Allô? Allô? Oui? Ouais, bonjour. En fait, j'ai vraiment quelque chose à vous dire de très important. Et là, je suis un peu tout ému, stressé de vous le dire. Je sais pas comment m'y prendre, en fait. Vous avez un peu le temps, là? Dites qu'est-ce que vous avez à dire. Bah, attendez, vous avez un peu le temps. Je reprends un peu mes souffles, que c'est un peu important à vous dire. Je sais pas par quel moyen m'y prendre, en fait. Je suis tellement bouleversé, en fait, de ce qui vient de m'arriver. C'est vraiment émouvant, là. Tu l'as compris, c'est une rupture ou pas? Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui. Je comprends pas, mais je vous écoute. Vous êtes de quelle région, là? Que là, je suis un peu ému, en fait. J'ai quelque chose à vous dire d'important, mais j'arrive pas à. On n'a pas démarré le chrono, hein, parce qu'il a toujours pas fait le jeu. Donc... Mais qu'est-ce que vous avez à me dire? Attends, je comprends pas. Je viens de rompre avec ma copine et elle m'a dit que. Heureusement que tu l'as demandé, hein. Il n'a rien compris. Quoi? Il n'a rien compris. Que, en fait, vous étiez sa mère. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une erreur. Ah, non, mais attendez, madame, je suis pas sûr, en fait, parce qu'elle m'avait dit peut-être que ça allait de vous, mais je ne suis pas du tout sûr, en fait. Bah, t'emmerde pas à la raccrocher. En même temps, tu n'as rien compris au jeu. Zéro seconde. Il fallait dire qu'il faut quitter la personne que tu as au téléphone. Oui. C'est genre, là, elle a décroché, t'aurais dû lui dire, ouais, voilà, écoute, c'est fini, je te quitte maintenant, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, et là, t'as rien. Ah ouais, j'ai cru que c'était pas obligé, en fait. Ah bah si, c'est pas que c'est pas obligé, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu, c'est obligatoire, en fait. Bon, c'est pas grave, il y aura une deuxième manche. Anton, t'as un boulevard, là, maintenant, du coup, hein. Ouais, je sais. Toi, t'as un boulevard. Bon, on y va, on appelle, même concept. T'as bien concept, toi, hein. Ouais, pas de problème. Bon, j'espère. Allez. Vas-y, tu dis allô dès que t'entends plus la musique en dessous de toi. Allez. Allô ? Ah bah il a raccroché. Bravo ! Parfait. Bravo ! Non, attends, on n'est pas enfoirés. On va rappeler un autre. L'autre il a raccroché, on est direct. Allez hop, on rappelle. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Ouais, bah. Je sais pas. Comment t'as pu me faire ça ? Quoi ? Comment t'as pu me faire ça ? J'y crois pas. Quoi, tu m'as trompé. C'est qui? Bah c'est pourquoi, quoi? Pourquoi tu m'as trompé? Parce que j'ai baisé ton père, ça te va comme réponse? Ouais, bah moi j'ai baisé ta mère. Okay, bah ok, bah tant mieux, comme ça c'est pour la deuxième bite dans le cul. Non mais arrête de faire la maline comme ça là. Arrête de faire la maline et l'innocente là, ok? Ah bah voilà, ah bah 30 secondes. Allez, 30 secondes, c'est pas mal, Anton, là. Tu t'es fait bien dégommer, là, c'est pas mal. Bon, Guillaume, donc t'as fait 0 secondes, Anton, t'en as fait 30. Tout est encore possible, hein, parce que les scores sont pas ouf non plus. On revient dans quelques minutes. Guillaume, Anton, bougez pas de là. On aura Mélissa également avec Raphaël pour parler des résolutions. On aura Lucas, qu'on peut prendre maintenant d'ailleurs pour faire la colle. Et on fera les premiers appels avec Tof dans quelques minutes. T'es là, Lucas? Ouais, je suis toujours là. Très bien, allez c'est parti, on refait péter la colle pour gagner les 200 euros. Il faut répondre simplement à la colle de Lucas. On t'écoute, Lucas. Je monte, je descends, souvent je me décroche. Et une fois lié, je suis inséparable. Qui suis-je? Voilà, donc je monte, je descends, souvent je me décroche. Et une fois lié, je suis inséparable. On proposait un nœud? Non. Non, une araignée? Non. Un élastique? Non. Un aimant? Non. Il y a Tristan aussi sur le Facebook qui proposait un cadenas. Non. David aussi sur Facebook. Salut pour la colle, c'est pas le plaisir? Non. Non plus. Une ombre? Non. On proposait des boules, c'est Mickaël. Non. Non, il y a Christophe qui proposait des menottes. Non. Non, et enfin Guillaume qui proposait une ceinture. Non. Non, d'accord, ok. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, il vous reste 20 minutes pour jouer. Alors maniez-vous, hein, il y a 200 euros pour aller faire les soldes. Bah les soldes ou autre chose, après vous n'êtes pas obligé de faire les soldes, mais en tout cas c'est 200 euros qu'on vous offre, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les gagner, vous avez la bonne réponse à la colle de Lucas, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer gratos sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je répète la colle, je monte, je descends, souvent je me décroche et une fois lié, je suis inséparable. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Lucas, on te récupère dans moins d'un quart d'heure puisqu'on donnera la réponse avant minuit. Et puis on va se faire aussi dans quelques minutes le son de Tony Junior. Tony Junior avec Track on Time, ce sera dans quelques minutes, la suite du jeu de la rupture. Et puis vous toutes et vous tous en direct, on est là sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Soyez les bienvenus et merci d'être là tous les soirs. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Fun Radio 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bien sûr. 23h45, il y a Magda qui vient envoyer son message sur le Twitter. Mickaël, du bon son maintenant. Yes, ma bonne résolution, c'est de brouter la chasse de Sandro. Ça, c'est de la résolution. Sarah sur le Twitter aussi. Heureusement que t'es revenu de New York, sinon l'émission n'aurait pas été comme avant avec Tof comme présentateur. Bah, il n'était pas comme présentateur, il était assis à ma place. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. T'as vu, je t'ai laissé des dédicaces sous la console. Ah ouais, super. Merci beaucoup, tiens. Classe la dédicace. Voilà. Thibaut qui dit pour la colle, un hameçon, même si c'est pas ça, tant pis, gros bisous et bonne année les gens, ou une ceinture. Bah ni l'un ni l'autre, Thibaut. Et Choupette qui dit juste un petit message pour vous dire que j'adore Fun Radio. Vous êtes la meilleure radio, pour un grand merci à vous tous. Mais merci Choupette, c'est Adeline qui avait envoyé le message. Et Kevin, tu m'offres le bonhomme M&M's. Il y a qu'en Amérique qu'on peut trouver ça. Bah oui, je sais, ouais, justement. D'ailleurs, si vous voulez le voir, notre nouveau co-animateur qui ne parle pas beaucoup, comme vous avez pu le remarquer, c'est Monsieur M. Il est sur le Facebook de l'émission. Allez voir facebook.com/MIKL officiel et vous pouvez aussi le voir sur le Twitter et sur l'Instagram. Instagram, venez ajouter moi, je vous ajouterai également. Tapez Mickaël underscore officiel, j'attends vos messages évidemment avec impatience. La suite du jeu de la rupture dans quelques instants avec Guillaume et Anton, vous êtes toujours là tous les deux? Guillaume, Anton? Ouais, ouais, c'est bon. Très bien. Bon, alors Guillaume qui a fait 0 seconde parce qu'il n'a pas compris le concept et Anton qui en a fait 30. Donc tout est à refaire encore, rien n'est perdu, il n'y a pas de problème. Avant de faire la suite du jeu de la rupture, je propose qu'on fasse le premier appel avec Toff. Ah, allons-y. Bah ouais, puisque comme c'est galette des rois et qu'on va la bouffer dans un instant hein, pour savoir qui sera élu roi ce soir. Oui, on sait c'était dimanche mais on n'était pas là. Donc bah du coup on va faire le premier appel, tu vas te faire passer pour un roi et tu veux qu'on t'accueille tel que... Mais oui, j'ai tiré la fève, je suis le roi. Voilà, mais tu n'as pas vraiment encore tiré mais enfin on va voir. Bon, on fait le premier appel, tous les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va? Allons-y. Et bonne nouvelle aussi, c'est la nuit sans pub là. Ah, retour. C'est bon ça. Exactement, jusqu'à 2h du mat, on est pépère. Allez, premier appel maintenant, restez bien là Guillaume et Anton. On vous reprend juste après. Et la colle avec Lucas également à suivre. Allez. Ah non, je pensais que ça avait décroché. Mais... Allô? Oui, bonsoir madame. Ah oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Mais très bien, et vous-même? Bah, ça va bien aussi. Bah, tant mieux, je vous l'appelle parce que j'ai tiré la fève. Je vous passe Jean-Marie. Hein. Oui. Merci, bonne soirée. Bah, vous aussi. Et bonjour à madame. Bah, évidemment. Claude, oui. Salut Claude. Oui, bonsoir, c'est Toff. Comment tu vas? Mais ça va bien. C'est ça qui va... C'est pas Claude. Hein. Non, c'est Toff. Toff? Oui. C'est le roi Toff parce que j'ai tiré la fève et donc je suis le roi. Ah d'accord. Voilà. Et donc maintenant je voulais venir tirer la reine. Pardon? Non, je voulais venir chez toi pour tirer la reine. Oui d'accord. Voilà. Et alors? Bah et alors je voulais savoir quand est-ce que je pouvais passer quoi. C'est qui ça? Qui? Claude. Mais non c'est pas Claude. Non c'est Toff. C'est pas Claude. Non c'est Toff. Je demande si c'est Claude. Allô? Oui. Qui est à l'appareil? C'est Toff. Non, c'est Claude. Oh bah écoutez, là, alors on ne connaît pas. Ben non, on ne se connaît pas, mais je suis le roi parce que j'ai tiré la fève. Et donc maintenant, je voulais venir vous tirer, hein, comme vous allez être ma reine. Alors, Granger, c'est dommage. C'était compliqué, là. Oula. Non. Très compliqué. On va rappeler encore un coup, quand même. Gentil. On rappelle. Attends, bouge pas, on rappelle. Allez. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui, d'accord, mais vous appelez comment? Mais je m'appelle Toff. Et alors? Bah, Toff, et alors oui. Bah, comme je suis le roi et que j'ai tiré la fève, maintenant je veux venir tirer votre femme. Ah, d'accord. Voilà. Va te faire foutre. Eh ben va te faire foutre, t'es très bien, bah tant mieux, on va faire tout, plutôt ça comme ça alors. 23h49 sur Fun, on fait d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez envie de nous envoyer des numéros de téléphone de gens comme ceux-là là, un peu bien quoi, un peu barré, un peu nerveux éventuellement, en tout cas debout encore à cette heure-ci, n'hésitez pas, direction le mail de Toff, toph@funradio.fr. On écoutera tout à l'heure le son d'Eminem. Il y aura Eminem avec The Monster. Je vous cale aussi un de mes sons préférés pour l'instant qu'on a découvert hier alors que j'étais encore en direct de New York, Fatboy Slim. Hit, sleep, rave, repeat. Je vous le cale dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis aussi évidemment, Tony Junior avec Track Anthem. C'est ce qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. En attendant, il y a toujours la galette des rois qu'on va bouffer dans quelques minutes aussi. Ah. Hein. D'abord la galette des rois ou d'abord la suite avec le jeu de la rupture? C'est difficile. Bah la bouffe. D'abord la bouffe. Ou la rupture? Bah je sais pas. Bon, on peut faire les deux. La bouffe ou la rupture sans... Oh, la rupture. La rupture, oui. Bon, la bouffe juste après alors, d'accord, ok. Bon, Guillaume et Anton, on fait la suite maintenant. On était à 30 secondes pour Anton, 0 pour Guillaume parce qu'il n'avait pas compris le concept du jeu, ça arrive. Hein. Ouais. Bah ouais. Bon, je rappelle qu'il y a toujours un smartphone, c'est l'Arcos 45 Platinum qu'on vous file de plus de 150€ qu'on vous offre ce soir. Celui qui sera le meilleur repartira avec l'Arcos. Le principe est donc simple, je vais le répéter encore une fois. Il faut appeler des gens au hasard et leur faire une discussion de rupture, comme si vous quittiez votre mec ou votre meuf par téléphone. Même si ça se fait pas, c'est mal, mais il faut le faire pour gagner. Celui qui tient le plus longtemps a gagné. On garde évidemment le meilleur score des deux, ce qui veut dire, Anton, comme tu as fait 30 secondes, que si Guillaume, au prochain appel, fait moins de 30 secondes, et bien il a deux fils perdus. Exactement. Et si Anton, tu fais plus de 30 secondes sur cet appel-ci, on gardera le meilleur score, d'accord? Ouais. Bon, allez hop, Anton, comme t'as fait 30 secondes pour gagner un minimum de suspense, on va donc rappeler avec toi, c'est parti. On appelle quelqu'un au hasard, garçon, fille, vieux, jeune, on D'accord, sait pas. Pas de problème. Et il faut faire mieux que 30 secondes du coup. Allez, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi, tu dois dire allô. Allez. Et ça va plutôt mal. Je crois qu'on va enlever la deuxième manche parce qu'elle nous porte toujours la poisse. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va appeler un autre. Hop là, on enchaîne en ton. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Ok. Oui. Oui, allô. Oui. Comment vous avez pu me faire ça? Pardon? Comment vous avez pu me faire ça? Je vous ai vu. Avec l'autre homme, je vous aimais, moi. Qui êtes-vous, madame? Déjà, je suis pas une dame, je suis un monsieur. Et j'étais votre époux. Arrêtez de faire l'innocent, s'il vous plaît, madame. Expliquez-moi. Oh, ils sont pas vous bons, m'avez hein. trompé. La voix. Allô? Pas mal. Allô. Je suis votre époux. Eh, hey, pas mal. Tu crois en 1767? Mais oui, ma chère. Et donc, alors, enfin, bon. et donc, attention, tu as fait 30 secondes au premier appel, Anton, et là, t'as quand même vachement été meilleur, hein, faut le savoir. T'as fait 31 secondes. T'as gagné une seconde. Bon, Guillaume, tout est possible encore ouais. pour toi, d'accord? Tu fais plus de 30 secondes. Si tu fais 32 secondes, tu gagnes. Ok. Puisqu'il a fait 30 secondes. Sois bon. On y va, c'est parti. Sois bon. Et donc, faut y aller. Fais comme si c'était ta meuf que tu quittes. Hein. Même si c'est un mec qui décroche, on s'en fout. Mais je suis pas obligé de dire direct. Si, direct, tu dis, voilà, il faut qu'on s'arrête, etc., etc. Putain, avec la question qu'il m'a posée, là, j'ai peur. Et il est parti. Hein. Ah, merde. Non, attends, ça nous vaut merder là. Bon, on rappelle. Donc je répète, hein, tu dois dire, tu fais une discussion de rupture. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ouais, ouais, je peux le dire au bout de 10 secondes. Fais comme tu veux. Ouais, fais comme tu veux. Comme tu sens. Ok. Allez, on y croit là. Allez, décroche. Prends le premier rupture de l'année, dis donc. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Oui, en fait, je voulais vous dire juste parce que en fait, en ce moment, ça va pas très bien. Donc, c'était pour dire que, en fait, ouais. C'était fini, quoi, en fait. D'accord. Donc, voilà, c'est pour savoir ton avis. Ça te dérangeait pas qu'on se quitte comme ça, si brusquement, pour la nouvelle année, les bonnes résolutions que. Parce qu'en fait, vous avez fait un faux numéro. Non, pas du tout. C'est moi. Je me reconnais pas. J'en ai vraiment marre là, en fait. Là, je voudrais qu'on change de relation, tout simplement, voilà, c'est tout pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis d'accord, ça marche, bonne nuit. Pour qu'on change, allez. Hop là, ouais. Raccrochage au nez, dis donc. Raccrochage au nez violent quand même. Hein. Bon, comme quoi, il n'y a pas de justice. 42 secondes, bravo Guillaume. Oh, merci. Allez. Yeah. Et pourtant, merci. Dieu sait que tu n'as pas été très bon. Oh là là. Ouais. Et je me suis rattrapé là. Ah bah oui, enfin plus ou moins. J'avais compris le principe, mais je pensais que je pouvais le dire un peu plus tard en fait. Ah bah non, parce qu'à un moment tu vas pas faire une discussion de 3 heures non plus, hein, tu vois. Ouais. Bon, ouais. Anton, malheureusement, t'as quand même fait 2 appels, ouais. Hein, 2 bons appels, mais 2 courts en l'occurrence, hein, puisque moins de 32 secondes. Anton, c'est perdu, ouais. C'est pas grave, tu repars quand même avec un pack fun, on va te filer ça au standard, je te repasse Sandro. Et puis bravo Guillaume, l'Arcos donc le 45 Platinum pour toi d'une valeur de plus de 150€. Salut à toi Guillaume. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir. Salut à vous deux, à bientôt. Allez, salut. Ciao. À bientôt. Salut. On va se faire la colle avec Lucas dans quelques minutes. On va reparler des résolutions là, avec Raphaël, notamment de Macon. Salut Raphaël. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, tranquille. Bon, soirée, donc tout va bien. Eh ben tant mieux. On va parler des résolutions dans quelques minutes avec toi. Ouais. Bon, nickel. Très bien. Tu vas nous raconter tes petites tes résolutions. Qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Qu'est-ce que t'as pas fait surtout. Et ce que t'as pas fait évidemment. Mais avant cela. Attendez, parce que je me suis un peu éloigné. Mais avant cela, c'est l'heure de la galette des rois. Ah, le grand moment. Alors, Sandro. Sandro. Sandro. Oui. Galette des rois. Allez, hop, je te donne le plus gros morceau. Hein. C'est normal. Bah oui. C'est normal, honneur aux femmes. C'est normal. Voilà, on ne voit pas la fève. Là, pour l'instant, je ne sais pas si c'est toi. Allez, hop, Sandro. Voilà. Ouais, c'est une tarte entière qu'elle a. Eh, j'ai coupé en 4, on est 4. Évidemment, Le stagiaire n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est un stagiaire. Attention, Tof. Oui. Non, non, non, j'ai coupé en quatre. Je ne sais pas du tout où est la fève. Je n'ai rien vu. T'as pas triché, dit-elle avec la fève qui déborde de thé. C'est vrai ? T'as la fève ? Mais non. Mais non. Attends, bah j'espère que non. Bah mange. Et ne gâche pas ma surprise. Et Polo, la fève. Le quartier là, le quartier. Ah, il m'a donné un petit morceau. Bah tu veux l'autre ? Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Bon, allez, on y va. Bon, bah moi je l'ouvre en direct. Faut trouver la fève. Mais l'ouvre pas, mange. Non, je peux pas. Ouais, mais bon, ouais. Bon, on y va. Bah moi j'ai pas la fève. Alors, mais vous le savez déjà ? Bah non, je sais pas, on est en train de manger. Ouais, bah c'est pas. Bah, elle est pas mauvaise. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Mais arrête, je te l'ai débordé. Non. Putain, mais pourtant j'ai coupé, j'ai rien senti. Non, non, elle est en dessous. Elle est en dessous. Elle est en... Ouais, regarde, elle est là. Ah putain. Elle était là. Mais te, te réjouis pas trop vite parce que la légende veut que quand t'as la... gagné la fève, tu rachètes une galette. Ah ouais. Ah, c'est pas grave, je peux en racheter une. Voilà. Ouais, et après, il faut la bouffer. Hein. Ouais. Elle est pas mauvaise, hein. Ouais, ouais, elle est bonne. Hein. Elle est pas mal. Eh, pas mal. En plus, c'est à dire qu'il elle nous a offert et tout, il nous a invités. Non, ouais, c'est bon ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis lui, il en a pas. Bah lui, il en a pas, non, bah non, il bah pas, non. Il bah. A pas de... On l'emmerde, c'est un stagiaire. Oh, l'enculé. Tu te rappelles où tu viens ? Non, bon. Tu rigoles pas. C'est ça, c'est ça. C'est pour toutes les fois où il est pas allé nous chercher le café. Bon, il y a Alexo qui dit ils sont tellement mauvais au jeu de la rupture. Bah j'avoue qu'ils étaient pas très très bons, mais on rejoue la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas. Bon, on va se mettre Tony Junior avec Twerk Anthem. Tu bouges pas, Raphaël ? On parle des résolutions avec toi dans quelques minutes. On va récupérer Shirley aussi. On aura Lucas avec la colle. Et puis les 200 euros toujours à gagner sur le Facebook de l'émission hein, si vous voulez les choper. Les 200 euros facebook.com/mikl officiel. Tony Junior, on l'écoute maintenant. Je vous l'avais promis, au cœur de la nuit sans pub, c'est Twerk Anthem maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mikl No Limit. On est là jusqu'à 2h 2014. Et oui, on est ensemble sur Fun Radio. Prévenez vos potes, c'est sur Fun Radio qu'il se passe enfin quelque chose la nuit. Bah, c'est pas compliqué, avant il y avait rien. Donc ouais. Voilà, donc là, il se passe enfin quelque chose. 23h 2h sur Fun. Il est minuit sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, c'est Mikl No Limit. Il y a un message qui est arrivé, Alexou qui dit mort de rire, les mecs au téléphone qui croient que c'est Claude, c'était épique. Ah bah oui, avec toi à l'instant. C'est Olivier Claude. Qui dit aussi, salut la team, ça fait plaisir de vous retrouver après tous ces longs jours. C'est pas la galette qui va arranger Sandro pour son régime. Ah non, bah, maintenant elle est reine maintenant. Ouais. Hein. Et puis il y a un message qui dit, vous êtes trop fort sérieux, tous les soirs je suis mort de rire. Bisous les loulous, merci à toi pour le message. Et Train Lover qui dit, tu nous avais manqué, content que tu sois de retour. Et oui, il a bel et bien été aux États-Unis, pas comme vous les haineux, vous sentez pas visé. Ah oui, parce que non, parce qu'il y en a plein qui ont cru que en fait je me foutais de vous. C'est-à-dire que j'avais fait une photo de la vue que j'avais quand j'étais hier quand on faisait l'émission en direct de New York. Et donc bah, c'était une vue où on voyait les bâtiments de New York et il n'y avait pas de neige. Et bah ouais, on a vu sur TF1 qu'il y avait plein de neige. En fait tu te fous de nous, c'est une vieille photo. Non mais en fait sur TF1 ils se sont foutus de vous parce qu'ils ont mis des images de vendredi. C'est ça, il a neigé jeudi en fait entièrement. Et puisque j'étais là-bas aussi, donc il a neigé tout le jeudi, c'était violent. Et puis en fait vendredi il n'y avait rien, samedi il n'y avait rien, dimanche non plus. Donc voilà. Et hier il faisait 13 degrés, donc forcément et plein de pluie, donc tout est parti. Ouais. Donc c'est juste TF1 qui s'est foutu de votre gueule à diffuser des images de jeudi et vendredi en fait, tout simplement. Donc oui, on était bien là-bas. Il est donc minuit, on écoutera tout à l'heure le son comme promis d'Eminem avec The Monster. Je vous calerai aussi Fatboy Slim. Hit Sleep Rave Repeat. Et puis bah, je vous l'avais promis aussi Pitbull, Kesha. Ce sera Timber sur Fun Radio. Et on est au cœur de la nuit sans pub, donc plus de pub toute la nuit sur Fun Radio. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez délirer avec nous, on est là jusqu'à 2h. Bah vous prenez votre téléphone hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On parle ensemble jusqu'à 2h du mat. On va parler des bonnes résolutions avec Quentin, on va parler des bonnes résolutions avec Raphaël, avec Mélissa. Il y aura Julie dans quelques minutes, Shirley qui est toujours avec nous. Et on va se faire un dernier coup, la colle, avant de donner la bonne réponse. Allô Lucas. Oui. T'es toujours là ? Oui, c'est bon. Très bien. Alors attention, on fait péter la colle maintenant pendant que Sandro se prend en photo avec sa couronne. Et elle se prend en photo avec son téléphone pour la mettre sur le. Oui, bon, on a bien compris. Bon, heureusement que c'est pas pour toi personnellement. Oui, je mets ça en fond d'écran. Je suis là, je suis la reine. N'importe quoi. Oui, photo de profil, évidemment, Lucas. Bon, on y va, c'est parti. Fais péter la colle une dernière fois, s'il te plaît. Alors, je monte, je descends. Souvent, je me décroche. Et une fois lié, je suis inséparable. Bon, si vous avez la bonne réponse, je vous donne on va vous offrir on va clôturer le jeu, on va vous offrir l'Arcos 45 Platinum dans 5 minutes. Si vous voulez vous inscrire, il vous reste donc 5 minutes. Vous envoyez MIKL les 4 lettres espace la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique et gratos également sur le Facebook hein, vous pouvez jouer facebook.com/MIKL officiel. Il y a Tristan qui proposait une sangsue. Non. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Le paresseux, c'est l'animal. Non. Un stalacite. stalactite, je dirais plutôt. Ouais. Hein, ouais. Non. La crotocu. Non. Non, on propose un yo-yo. Non. Et Johan qui dit la lune. Non. On pas le rapport. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc allez-y. Hein. Et Mickaël, suivi de la réponse, soit... Sandro, parce que donc elle a un iPhone en fait, et donc elle retourne son iPhone ouais. pour se prendre en photo alors qu'il y a une caméra en frontale. Ouais, mais en frontale, je suis moche avec l'éclairage. Ah ouais, bah ouais. Alors là, ah non, mais alors d'accord. Hein. C'est un truc de fille. Ah ouais, c'est pas ça. Comprendre, Mike. Ouais, mais j'ai pas compris alors. Non, effectivement. Mais la visibilité, elle est moins jolie, il y a moins de pixels. La visibilité, moins de pixels. Tu comprends rien, Mickaël. T'es pas une femme, tu peux pas comprendre. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, si vous avez la bonne réponse, je monte, je descends, souvent je me décroche, et une fois lié, je suis inséparable. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, bonne chance tout le monde, la réponse dans moins de 5 minutes. Et je vous ai écrit également la colle hein, sur le Facebook si vous voulez la lire. Il y a peut-être ça, peut-être plus facile hein, en la lisant. Donc facebook.com/MIKL officiel, c'est pas plus compliqué que ça. On va parler des teubés également, la teubé de la télé maintenant. Là. Ah, ils nous ont manqué les teubés pendant les vacances. Hein. Ah oui, oh, on s'est senti seul. Ah bah, complètement. Aussi bêtes, hein. Ils sont bah, complètement, ouais. Hein, complètement. Et ça, c'est dans l'amour et dans le pré. On a retrouvé un ancien candidat qui regrette d'avoir trouvé l'amour au final. Nous l'habiller quand même. Et attends, c'est pas fini, tu sais qu'après il va falloir penser aux chaussures. Non, mais ça fait déjà un veau là. C'est vrai en plus, hein. C'est la misère. Eh bah c'est la misère, mais il a bien fait de participer lui à l'émission, c'est bien. Ah bah oui, mais non, il a une femme qui lui prend tout son pognon. Voilà, et donc vendredi tout est permis, il y a Arthur qui se lâche un peu avec Arnaud de sa mère. Après une danse très chaude d'Alexandra Rosenfeld, écoutez. Il m'a dit j'adore cette émission parce qu'on s'amuse et on peut mater des culs. J'étais un peu choqué sur l'instant. Ça m'a fait vraiment, j'ai trouvé ça un peu vulgaire. Mais en fait tu as dit exactement ce que tous les hommes devant leur télévision ont pensé pendant que tu dansais. Ils se sont dit, mon Dieu, qu'elle est bonne. Eh ben voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et puis dans les princes de l'amour, là, c'est un des candidats qui est un petit peu, mais légèrement en stress. Je suis là aujourd'hui, Sébastien, c'est pour apprendre à te découvrir. Enchanté. Enchanté. Delphine. Sébastien, bon bah du coup, ça fait plaisir, moi. J'espère qu'on pourra faire plus connaissance dans l'aventure. Voilà, il était pas du tout en stress lui, hein. Il était bien calme, bien tranquille, bien pépère. C'est bien parce que on voit que le stress de ça marche bien finalement hein, chez les filles. Mais toujours. Mais totalement, toujours, t'es un peu stressé, ça tout ça marche bien. Tu fais semblant un peu oh là là, et après elle te plaît, bah ouais. C'est le top. Exactement, attends, il y a Julie qui est avec nous. Salut Julie. Comment ça va Julie? Ça va. Ça va, oui, t'as l'air de bien aller, effectivement, Julie. Ah bah on sent qu'elle est au taquet, on sent la pêche, la joie, le bonheur. Ah ouais. Exactement, ouais. Julie, t'aimes bien les mecs timides ou pas toi? Comment? Est-ce que t'aimes bien les mecs timides? Non. Non, tu préfères les rendre dedans? Ouais. D'accord. Je préfère qu'ils soient dedans direct. Ouais, non, ça ira, c'est pas ce qu'on a voulu dire. C'est rendre dedans, genre tu dragues. Enfin bon, tout le monde a compris sauf toi de toute façon. Bon, on va parler de quoi dans un instant avec toi, Julie? De mon ex. Qu'est-ce qui va pas? J'ai appris qu'il m'avait trompé et il voudrait ressortir avec moi. Mmh. Mais je voudrais voir s'il est. C'était possible qu'il y ait une fille qui l'appelle et qui fasse un peu, on va dire, la chaudière. Et bien sûr. Si elle est prête ou pas. Évidemment, Sandro fera ça avec brio. Avec qui? D'accord. Avec brio dans quelques minutes. Ou une auditrice si elle veut. Oui, ou une auditrice, oui, pourquoi pas après, hein, on verra. Mais bon, pour le coup, on a déjà eu l'occasion de le faire avec Sandro, c'est toujours bien passé. Voix biatch. Hein. Voilà, voix biatch. Sauf s'il y a une meuf qui veut le faire, éventuellement, bah, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, Julie, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes, reste avec nous. On va parler des résolutions également. Donc, alors, Raphaël de Mâcon, alors, hein, t'es de retour. Ouais, je suis toujours là. Parfait. Bon, alors, quelles sont les résolutions que tu as décidé de prendre? Bah déjà, en 2013, j'avais décidé d'arrêter de fumer. Ouais. Je l'ai tenu une semaine, ça. Bravo. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Et puis, donc, cette année, j'ai repris cette résolution. La première, c'est donc d'arrêter de fumer. La deuxième, c'est d'arrêter de fumer la première. Tout simplement. Comme ça, j'en tiens une sur deux, c'est déjà pas mal. Ouais, La dernière. Et la dernière, c'est surtout d'arrêter de faire le con avec les filles, enfin, du moins, de faire le connard. Ah, bah, il devrait faire ça aussi, Tof, tiens, non? Ouais, j'y ai pensé, mais non. Ah bon? Ah, ouais, en fait, j'y avais pensé, je me suis dit, ouais, je vais faire ça cette année. Toute la journée du 31, j'y ai réfléchi. Et en fait, le premier, je me suis dit non. Ah, ouais, je suis un enculé avec les meufs, autant rester, hein. Hein? Ouais, exactement, mais c'est ça. Bah, voilà, mais c'est ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais quand tu dis, je suis un enculé avec les meufs? Ah, je sais pas, je suis beau parleur quoi, et au final, j'obtiens un peu ce que je veux, quoi. Ouais, en fait, tu les enfumes juste pour coucher avec elle. Ouais, mais pour nous, c'est ça, ouais. Ah, d'accord, ok. Non, mais voilà, au moins, comme ça, au moins, ça le mérite d'être clair. Mais est-ce que, contrairement à Tof, tu es franc avec elle? Est-ce que tu leur dis, voilà, moi, c'est que pour une nuit, j'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de faire d'histoire? Alors, non, pas du tout. Ah, donc t'es comme Tof, t'es l'enculé, tu leur promets mon émerveille, tu couches avec elle et puis tu les vires comme des sous-merdes. C'est la femme de ma vie et tu vois là. Oh, t'es vraiment un connard. Putain, Raphaël, pourquoi tu fais ça? Mais je sais pas, c'est dans ma personnalité. J'aime bien plaire, j'aime bien profiter. Non mais d'accord, mais surtout qu'il y a des filles qui sont dans le même délire, qui veulent que des plans cul, ou tu sais, qui veulent juste coucher, qui veulent pas. Ça m'appelle. Bah oui, non mais d'accord. Mais pareil, mais moi d'abord. Ouais, qu'elle m'appelle, moi d'abord. Non mais tu vois pourquoi aller faire de la peine et à celle qui cherche le prince parce charmant. Parce que c'est un lâche. Voilà, parce comme que le prince charmant n'existe pas. Exactement, c'est un gros égoïste. Bah c'est ça, arrête. Ouais, ah bah ça c'est sûr, un jour ça va te retomber dessus, tu vas voir, ça c'est clair. Mais je suis le roi Tof, je peux venir vous honorer. Ouais, bah tu parles, ouais, le roi des cons, ouais, c'est surtout ça en fait. Bon, et donc Raphaël, donc toi c'est les bonnes résolutions, ce sont celles-là. Il y a Quentin également qui est avec nous de Charleroi. Salut Quentin. Allô Quentin. Allô, oui. Comment ça va? Salut. Meilleur vœu à toute l'équipe de la radio. Eh bah merci, bah bonne année à toi aussi. Ah bah bonne année aussi. Bon alors Quentin, c'est quoi tes bonnes résolutions? Et moi déjà pour de 1. Je vais trouver un travail au Canada. Au Canada? Ah oui, c'est... Au Canada? Ah oui. Parce que j'ai opté pour mon PVT pour trouver du travail au Canada. Parce qu'en Belgique, c'est la question. Attends, c'est quoi? J'ai pas compris. Parce qu'il y en a des deux qui a sa radio allumée, là. Oui, un PVT. C'est quoi, ça? Bah, en fait, c'est pour travailler au Canada et pour avoir un permis de travail. D'accord. Mais moi aussi, je peux faire un PVT. Ben, comme j'ai vu, moins 50 degrés aux États-Unis, c'est ouais. Pas... Et du coup, t'as changé d'avis, ouais. Tu veux plus y aller. Oh là là, il fait trop froid là-bas. Non. C'est pire. C'est pire au Canada. Hein. Ouais, oui, c'est pire, bien sûr, c'est pire. C'est 4-5 mètres de neige. Ah ouais, mais c'est tout le temps. Enfin, c'est dingue. C'est pire que la Belgique. Ben oui, mais tu veux faire quoi là-bas? Ben, technicien informatique. D'accord. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas, écoute. Hein. Et t'as fait toutes les démarches? Tout est en ordre là? Ouais, tout est en ordre. Bon, ben. En avril. Ah ça y est, c'est fait, tu pars. Ah oui, hein. Ah d'accord. Ah bah nickel, bah félicitations Quentin, on passera te voir hein, du coup hein, si t'es au Canada. Ah bah hein. Oui. Tu vas dans quel coin? Tu vas dans quel coin? Montréal. À Montréal. Ah, parfait. C'est parfait. Eh bah très bien, ah, bon, oui. on passera te voir et puis tu t'oublieras pas le service au Velin, hein, si tu vas. Non, ça y a pas de problème. Voilà, service au Velin, c'est le drive en fait, hein, c'est le drive-in si vous allez par exemple au McDo, un truc comme ça. Pour l'aller, il faudra payer 2000 euros alors. Ah quand même. Ah oui, ça n'est pas donné. Hein. Bon, on passera peut-être pas tout de suite. Alors, on va pas attendre. Hein. Mais sinon, tu connais, tu peux prendre des billets d'avion moins chers. Hein. Ah, je sais pas où. Michael va t'aider. Ah bah parce que 2000$ pour aller jusqu'à Montréal, comment te dire que t'es passé sur les plus gros escrocs du monde? En fait, tu te les mets dans le cube bien profond là. Ouais. Ou alors tu voles en business. Mais ils font ça pour pas rester au pays quoi. D'accord, j'ai pas très bien compris l'histoire, Quentin. Mais déjà, t'as un téléphone de merde, Quentin. Donc, c'est pour ça, en fait, ça va être parce qu'il a déjà tout revendu, donc il a plus qu'un téléphone pourri avant de partir quoi. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance, Quentin. Bah merci. Bah avec plaisir, tu reviens quand tu veux, salut à toi. Ça va, salut. À bientôt. Et on va faire le gagnant bientôt. Également, là, le gagnant dans quelques secondes sur Fun Radio avec la colle de Lucas qu'on avait prise. Raphaël, je te remercie de passer. En tout cas, tu reviens quand tu veux. C'est avec plaisir. En tout cas, petite dernière question. C'est dis-moi. Juste une idée comme ça pour la colle du soir. Moi, je pensais aux portes d'ascenseur. Ça peut tenir, en fait. Je me dis que ça peut être. Ça peut. Pour la colle. Ouais, ça peut, ouais, mais c'est pas ça. Ouais, okay. Merci. Voilà. Mais c'est bien essayé, hein. C'est bien essayé quand même. Ouais. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, bah, salut à toi, Raphaël. À bientôt. Salut, ciao. Charlotte, dans quelques instants, on va la récupérer. Julie qui veut tester son ex, on va la récupérer dans quelques minutes également. Et puis on va donner on va appeler le gagnant ou la gagnante là pour la colle. T'es toujours là, Lucas? Oui, toujours là. Très bien. Allez, c'est parti. On appelle le gagnant ou la gagnante. 200 euros à la clé. Donc, si vous aviez la réponse à la colle de Lucas, je monte, je descends, souvent je me décroche et une fois lié, je suis inséparable. Il fallait donc vous inscrire soit par SMS, soit via le Facebook. On y va, on appelle le gagnant ou la gagnante maintenant. Si la personne qu'on appelle décroche et répond bien à la question, elle gagne et tu perds, Lucas. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagnes. On y va, c'est parti, Lucas. Je te souhaite bonne chance. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Benoît, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment ça va Ben? Ça va super. Bon, tant mieux, t'as une réponse éventuellement à donner à la colle de Lucas, que Lucas va répéter bien entendu, vas-y Lucas. Je monte, je descends, souvent je me décroche, et une fois lié je suis inséparable, qui suis-je? Alors Benoît. La fermeture éclair? Lucas. Ah, mais il a raccroché. Dommage. Non. Oh, le mauvais perdant. Oh là là. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Bon bah Benoît. Oui. Ah bah bravo, hein, le Larcos 45 Platinum, le smartphone avec Android est pour toi, Benoît, bravo. Et puis bah du coup on a perdu Lucas, lui, dès qu'il a donné la bonne réponse, il dit ouais, je me casse moi. Je vais dormir, attends, moi j'ai cours demain, et qu'est-ce qu'il pense là? Je vais pas rester là pendant 3 heures. Bon bah félicitations en tout cas Benoît. Le smartphone est pour toi, je t'en prie, tu vas retourner le smartphone, je dis de la merde, c'est 200€, je dis n'importe quoi, le smartphone c'est à l'heure, c'est 200€ pour toi, autant pour moi. 200€ pour toi, félicitations Benoît. Tu vas faire quoi avec les 200€? Bah faire les soldes, on va dire. Bah c'est fait pour, donc vas-y, fais-toi plaisir, pas de problème. Salut Ben. Salut. Et bonne soirée à l'écoute de Fun, à bientôt. Salut Benoît, Charlie, on va le récupérer dans quelques minutes. Julie comme promis. Et puis on a reçu des numéros de téléphone là sur le mail de Top. Plein, je ne sais plus où les mettre. Bah voilà, on va faire les appels dans quelques minutes. Le temps d'écouter Eminem et Rihanna avec The Monster. Je rappelle que donc comme c'était dimanche, la galette des rois, Top se fait passer pour un roi et veut ce qui lui est. Je veux mon dû. Je veux mon dû de roi. Exactement. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde et rejoignez-nous également. Hein. Continuez à venir liker la page. On vous attend tous les soirs évidemment de plus en plus nombreux. On est quasiment 320 000 ce soir. Donc facebook.com/MIKL officiel. Voilà, prévenez vos potes demain également au bahut, hein, même vos collègues également au travail, s'ils sont pas encore fans de la page et fans de l'émission, eh bien qu'ils viennent écouter 23h-2h, c'est tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, et le dimanche de 20h à minuit sur Fun Radio. Le son d'Eminem à l'instant sur Fun Radio, c'était avec Rihanna, on aura Fat Boy Slim avec Hit, Sleep, Rave and Repeat. Il y a Grégory aussi qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit qui est disponible et gratuitement d'ailleurs sur le... sur Apple, hein, sur iTunes. Vous tapez Mickaël No Limit pour la télécharger, c'est gratuit, vous pouvez écouter l'émission en live. Vous pouvez également d'ailleurs aussi envoyer plein de messages, réagir à l'émission, jouer d'ailleurs et être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Et Grégory qui dit salut à tous, j'écoute depuis ce soir, c'est juste énorme, je kiffe, l'application Mickaël No Limit est trop bien, bravo à tous, continuez, merci Greg. Julien aussi qui dit la franchise ça peut être bien des fois. Il y a Let's Be Freaks qui dit je tiens quand même à dire que c'est un scandale en 15 jours de vacances, pas une venue de Toff chez moi pour me souiller. Ouais c'est vrai. Ouais, que... Je suis désolé, ouais, j'étais très occupé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va passer bientôt. On devrait faire une des dernières émissions de la saison à Marseille. Ouais. Donc, comme je sais que toi t'es à Nice, Let's Be Freaks, Toff s'engage à venir te souiller cette date-là. À te fourrer non-stop pendant une demi-heure. Exactement. Il te non-stop, limera. Tout comme à tu fait. Le mérites. Devant, derrière, en haut, en bas, partout. Voilà, Stéphanie Nick est sur une croix, dans une cave. Exactement. Avec et tout, plaisir. Et tout ça offert par passagedudésir.fr qui fournira tous les accessoires. Voilà. Stéphanie Nick, il dit je suis d'accord avec Sandro, la caméra frontale est pourrie. Oui, non, mais d'accord, ok, mais de là à se mettre dans l'autre sens, c'est bizarre. Dylan qui dit on vous aime, nous aussi on vous aime, Dylan. Benjamin aussi qui dit tu peux me présenter Karima, je voudrais la draguer, j'ai 18 ans, je suis romantique. Ah, ah oui, c'est vrai que Karima recherche toujours elle l'amour. Recherche un homme. Enfin, que je sache, la non, non, a priori elle recherche toujours, on va parler dans le bureau. On l'appelle pour la spoiler un peu. Bon, on va la garder pour demain, on va l'appeler demain. Tiens, on va l'appeler pour demain. Jinka ouais. aussi qui dit il y a moyen de tirer la reine maintenant qu'on sait qui c'est. Oui, c'est Sandro la reine. Ça y est, la photo, bah, file la photo là, je vais la mettre sur le Facebook. Mais en fait, attends, j'ai pas eu le temps de la faire. Oh là là, mais t'as traîné dans le couloir avec le stagiaire pendant 2 heures. Non, mais Polo il sait bien les faire. Ah, le stagiaire sait pas? Non, il fait n'importe quoi. Non, mais il faut expliquer comme aux auditeurs qu'elle a essayé de faire la photo à sa place au standard, qu'elle est allée au bout du studio pour essayer de faire la photo, ça n'a pas marché. Non, non, non, dans le studio à la place au standard, il n'y avait pas la bonne lumière, c'était trop sombre. Elle va dans le couloir, là, il y a trop de lumière, ça ne va pas non plus. Donc bref, c'est pas gagné quoi. Non, mais c'est vrai que l'éclairage est pas terrible. Hein, non, qu'elle est relou. Non, mais il y en a une là, mais bon, voilà. Quoi. Est-ce possible d'être aussi relou? C'est dingue. Ah oui, encore. Ah oui, mais je me regarde encore une fois, je me regarde et je me regarde. Bon, on va faire, on va parler avec Julie, on va faire le test dans quelques minutes là pour. Bah, elle veut tester son ex. Il y a Mehdi qui voulait donner son avis également. La Mehdi qui appelle d'Algérie là, ça va Mehdi? Oui, salut. Comment ça va? Salut Mehdi. Comment ça va en Algérie? Ouais, ça va, très bien, il fait chaud. Ah bah t'as bien de la chance. T'appelles d'où? T'appelles d'Alger ou d'ailleurs? Oui, d'Alger. D'accord, ok, et tu nous écoutes via internet quoi, via l'application ou via le site? Non, moi je vous écoute depuis la télé. Depuis la télé. Ah oui, avec la boxe. Bah oui. Ah, je savais pas qu'on nous captait qu'on le captait via les box ADSL en Algérie. Ah bah c'est bien, mais je savais pas. Bah voilà, bah écoute, comme ça au moins je me coucherai moins con ce soir, c'est très bien. Bon, bah alors bouge pas Mehdi, tu voulais réagir à Julie avec les ex dans quelques instants, bah reste avec nous. D'accord. On va d'abord se faire un petit appel avec Toff, hein, je le rappelle, puisque bah c'est la galette des rois, hein. Enfin c'était dimanche mais on l'a fait aujourd'hui, puisque hier j'étais coincé à New York et dimanche on n'était pas là. Et donc bah du coup Toff n'a pas été élu roi mais il se fait passer comme tel. Oui, je suis le roi et malgré donc, tout. Voilà, et donc on appelle chez les gens et bah tu veux ton dû quoi. Exactement. Voilà. Je suis le roi. Je tiens à être traité comme un roi. Tété, ouais, c'est ça. Tété, oui, je vais être tété. Tété comme un roi. Bon, on y va. On appelle maintenant. C'est parti. Je rappelle que si vous avez des numéros à nous donner, n'hésitez pas. Toph@funradio.fr. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. C'est qui à l'appareil? Oui, c'est le roi à l'appareil, monsieur. Ben, monsieur, ne soufflez pas, enfin. Vous devriez être content que je vous appelle. Bon, j'ai votre numéro, ça tombe bien. Attendez, je le note. Oui. Je vais appeler le commissariat, ça tombe bien. Mais pourquoi vous l'appelez le commissariat, monsieur? Ah, parce que ça me plaît. Attendez, bougez pas, je le note. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai tiré la fée avec Je suis le roi, je voulais venir pour voir si votre femme pouvait m'honorer. Voilà, regardez, voilà, j'ai votre numéro. Je vous fais rappeler par la police, excusez-moi, un instant. Ah, excusez-moi un instant, je vais vous faire appeler par la police. Mais malheureusement, la police ne le rappelle pas, j'ai l'impression. Bah oui, mais c'est ça, hein. Bon, attends, on va le rappeler quand même, hein, des fois que... Hop, retour chez le monsieur, là, hop, direction la police. Oui, c'est pas beau de mentir, monsieur. Allô, le commissariat? Oui, bonjour. C'est pour vous signaler un appel malveillant. Oui, le numéro, oui. C'est celui que vous avez envoyé. Oh vous avez déjà fait coordonner, merci. Oh, le l'acteur studio. Oh, quel acteur. Oh là là, l'acteur studio. L'acteur, on va le rappeler quand même. Hein. Oui, on essaie de le rappeler. Oui, monsieur de la police. Oui, monsieur le commissaire. Non. Non, mais il décroche plus maintenant. Il a peut-être peur. Il est en communication avec la police. Oui, bah peut-être, oui. Bonjour. Oh, merde. Oh, merde. Oh, déception. Quel relou. Ouais. J'espérais qu'il nous fasse encore une petite, un petit sketch. Ah, ouais. Oh, je suis déçu. Mais tant pis. Il aurait pu essayer d'appeler la gendarmerie. Bah oui, ça aurait été bien. Les services secrets. L'armée. Ah, l'armée. Bah voilà, le FBI. Exact, le FBI, tout à fait. Et non, ça c'est pour l'armée, ça. Bah oui. Bon, donc si vous avez, du coup, envie de donner des numéros de téléphone à Toff pour qu'on les appelle encore avant 2h du mat ce soir, eh bien n'hésitez pas, vous envoyez un mail à Toff, toph@funradio.fr, avec les numéros de téléphone de personnes encore debout à cette heure-ci, bien entendu. Et on se fera un plaisir de les appeler d'ici quelques minutes. Il y a Julien qui envoie un message sur Twitter qui dit une émission en direct de chez Let's Be Freaks. Eh bien, pourquoi pas, ça peut être pas mal, ça. Avec Toff qui se fera fourrailler. Ah, il fait un signe de cravache, il veut exactement, se faire fouetter, ce porc. Tout à fait. Christopher aussi qui dit je viens de découvrir il y a 10 minutes, je peux plus me passer de vous. Bah, c'est gentil, Christopher, merci à toi et bienvenue. Et le prince Nadia qui dit coup de pelle pour moi, 1h20 de retard, mille excuses. Ouh, ah, bravo, bah ouais. Tu l'as mérité, le coup de pelle, je te le confirme. Retour donc avec Julien qui est avec nous. Julie, t'es là? Julie? Oui, là. Ah, très bien. Est-ce que t'as Twitter, Julie? Non. Non, t'as pas Twitter. Bah, il serait temps de te mettre à la page, hein, Julie, là. Hein. Ah, bah ouais, mais Juju, alors bon, sinon tu peux pas jouer au top Twittos. Et du coup, tu ne peux pas repartir avec ton sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, c'est dommage. Donc, je rappelle qu'il faut être. Ouais, j'ai pas donné de numéro ce soir, donc il faut être premier. On va jouer ça, sauf si le premier a déjà gagné, à ce moment-là, ce sera le second, et ainsi de suite, évidemment. Et jusqu'à ce qu'on ait un perdant. Exactement. Bon, alors, attention, top 5 Twittos maintenant, top Twittos, numéro 5. Si on arrêtait le jeu là maintenant, ce serait qui? Félicia. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. Numéro 3, Magda. Magda. Numéro 2. Julien. Numéro 1. Let's Be Free. Qui est de retour en pleine forme pour 2014, hein, et elle a envie de se faire souiller par Toff. Ah, oui. Et moi, je pense que cette année, ce sera l'année. Ce sera l'année du souillage. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Et je. Eh ben, il est heureux, hein. Je crois que je peux m'associer avec Polo. Ouais. Je m'avance peut-être. Il me dira si je m'associe. Dites-moi. Je pense qu'on pourrait s'associer pour payer le billet aller-retour à Toff à Nice. Oh, c'est s'il trop bon, s'engage c'est trop à souiller bon. Les Let's Be Freaks. Eh ben oui, bien sûr, je mettrai de mes deniers personnels de parfait. Ma moi de même. Bourse, moi de cuir. Même. Voilà, nous allons casser le petit cochon. Voilà, on va casser la tirelire et on enverra Toff à Nice. Pourquoi tu, quand tu dis on va casser le petit cochon, tu regardes Sandro comme ça? Vous allez la faire. Je dis non. J'ai pas, elle était facile. Il faut pas se dénigrer, Sandra. Non, c'est vrai. Belle. Mais elle était facile. C'est une magnifique femme. Bon, ouais. Allez, Toffutos, on donne les résultats avant 2h du mat. Et je rappelle que celui qui sera numéro 1 ou celle qui sera numéro 1 repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Et pour gagner, envoyez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël sur bah vous mettez votre message, vous mettez le hashtag et Mickaël et puis vous le postez hein, sur Twitter et puis bah celui qui sera ou celle qui sera élue meilleure auditrice de la soirée ou meilleur auditeur de la soirée, la plus influente en tout cas sur le Twitter de l'émission, repartira avec son sextoy. Bon, Julie, alors t'appelles de l'Aveyron, de Rodez pour être précis, et toi tu veux tester ton ex. Ton ex t'a trompé comme tu nous l'as dit. Oui. Bon, et mais tu vas pas te mettre une balle là hein. Mais non. Ah d'accord. Je suis à l'internat, du coup je parle pas trop. Ah d'accord, ok. Parce que comme t'avais l'air au bord du suicide, je me dis putain, on va la perdre en direct. Et pendant ce temps-là, Polo est en train de mater les photos d'Elisa sur Twitter. Hein. Il s'est dit oh putain, il y a une bonne. Il t'a crié en flingue. Ah, je le vois là sur son écran. Mais, ouais, mais toi, attends, tu vois l'écran de Polo, mais moi je vois l'écran de Toff et Toff fait pareil. Ah oui, mais ça va être un problème, c'est deux pervers. Ils sont en train de chiner des meufs les deux. Voilà. On chine rien du tout. C'est Elisa et son famille, ça commence par un D. Voilà, comme ça elle le saura, elle se reconnaîtra. Non, elle est bien. C'est une nouvelle auditrice. Ou pas, je sais pas, je viens de là, enfin j'étais là et puis j'ai vu, j'étais là, c'est, la page s'est ouverte toute seule. C'est le menteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais perturbé. Bah, ça doit être ça, donc son, voilà, son doigt glissé, ça a ripé, ça a ouvert la page. Elisa D, donc bon, alors Julie, donc il t'a trompé, t'étais avec lui depuis combien de temps? 6 mois. 6 mois, ok. Il t'a trompé après combien de temps? 3 jours. 3 mois. Ah oui, non, ah, mais 3 mois, enfin c'est quand même la moitié. Hein. Il t'a trompé avec qui? Tu la connais la meuf ou pas? Oui, son ex. Avec son ex? Non. Ouais, mais les ex, ça sert à ça, tu sais, quand t'es un peu en déprime, tu les appelles et... Oh. Bah oui, mais c'est quand ça. T'es seul. Genre, oui, là, tu remets un peu de pain dans le four. Mais je comprends. Merci, pas. Quand t'as quelque chose à bourrer, pourquoi tu vas aller bourrer ailleurs? Non, mais je comprends pas. Merci. C'est pour c'est, changer. C'est très classe. Parce que les mecs sont cons. Ah. Non, alors je t'interdis de faire des généralités. Non, mais c'est vrai. Il y en a des plus cons que d'autres. Non, mais déjà, effectivement, ouais. Et puis, tous les mecs sont pas des enculés. Hein, c'est. Ouais. Il faut pas faire comme Toff, par exemple, tu vois. Il y a la majeure partie quand même. De quoi? Il y en a une majeure partie quand même. Bah non, pas forcément, je suis pas d'accord. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux sur le marché qu'à une certaine époque. Sur le marché. Quoi, tu veux dire qu'il y a plus de gays qu'avant? Non, de mec infidèle et compagnie, quoi. Mais non, mais c'est pas. Mais c'est parce que lui, ça la ramène. Ça se savait moins, je sais pas. Ça se sachait pas, ouais. Ça se sachait pas. Ouais, parce que. Non. On va t'offrir un bicherel, Sandro. Ça se sachait pas. Ça se sachait pas. C'est tous les moyens de communication. En fait, on sait tout. Avec Twitter, avec Facebook. Mais oui, c'est ça. Ça a été la perte de Toff. Mais oui, tu peux plus tromper personne. Tout tranquille. Tu peux plus baiser tranquille. Bientôt, je vais être obligé d'être fidèle. Voilà. Ça, c'est la fin d'une époque. Mais oui. Et pour nous, les meufs, on peut plus coucher avec nos patrons pour avoir des promotions. Ils sont tous pédés. Exactement, ouais. Et bah oui, non mais c'est vrai. Ouais, elle peut plus là, c'est on terminé. Maintenant avec vous qui pouvez essayer. Ou alors faut quoi. Que tu te mettes un goût de ceinture. Non mais c'est vrai. Ouais, si ça les branche, je suis bah, pas sûr. Bah tu devrais essayer, ouais. Va te faire enculer, salope. Voilà, ça tu devrais essayer aussi, pourquoi pas. Ouais. Bon, et donc Julie, tu veux qu'on teste ton ex, mais si t'as trompé, pourquoi tu veux revenir avec lui? Mais non, parce que lui veut se remettre avec moi, parce que moi du coup, je lui fais plus confiance. Bah oui, c'est normal. Voilà, et du coup, je voudrais voir si notre fille l'appelle, etc. Est-ce qu'elle le chauffe un peu, il y va, quoi. Bah écoute, à mon avis. Donc là, il t'a dit qu'il voulait retourner avec toi. Oui. Mm-hmm. D'accord, ok. Bon, eh ben écoute, pourquoi pas, on peut essayer de l'appeler. Alors on va l'appeler dans quelques minutes. Juste avant, oui, on va prendre. Juste, vous lui dites pas que c'est Fun Radio après. Évidemment que non, Julie, d'accord. Bien entendu. Bon, il y a Mehdi d'abord qui voulait donner son avis là. Mais là, Mehdi, t'es là? Oui. Bon, alors Mehdi d'appel d'Algérie, d'Alger pour être précis. Et donc, ouais. Je rappelle que si vous voulez nous appeler en dehors de la France ou de la Belgique, puisqu'il y a un numéro spécial pour la France et la Belgique, les autres, vous faites le 00331 42 48 5000 si vous voulez nous joindre. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus aussi. Si vous appelez du Canada, si vous appelez de Suisse par exemple, ou de n'importe où ailleurs, hein, même si ça parle pas forcément français, c'est pas grave. Hein. On est numéro 1 mondial. Eh ben numéro 1 mondial. Alors surtout si vous parlez anglais, vous appelez le standard, c'est Sandro qui va décrocher. Vous lui dites Hey girl, I wanna fly, I'm gonna rain. Elle va gérer bon, l'anglais. Hein. Bah grave, hein. Évidemment. Mais je comprends. How are you? I'm fine, thank you. Oh là là! Elle a étudié toutes les vacances, hein. Ah ouais, du what happens? No, thank you. Why? Because I'm so big. I'm so big. My head said yes, but my ass said no. Yes, okay. Mais là, il a bien raison. Bon, alors, You speak very well English. Yes, you speak a good English. Oh, little bit. Yes, ouais, bit. Ah, ça c'est tough, la bite. La bite, oui. Le gros connard va te faire enculer. Voilà. Bon, alors, Julie et Mehdi. With my pleasure. Mehdi. Ouais. C'est quoi le conseil? Alors, est-ce que tu voulais donner un conseil ou juste raconter une histoire, Mehdi, par rapport aux ex? Plutôt lui donner un conseil. Ah bah très bien. Alors donc Julie qui veut tester son ex puisque il l'a trompé aujourd'hui. Bah il est comme un con. Il veut la récupérer et donc bah, elle a plus trop confiance évidemment. Et donc elle veut tester sa fidélité pour voir si malgré qu'il ait dit je veux retourner avec toi, est-ce que s'il y a une meuf qui arrive, hop, il va céder ou pas. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Mehdi? Bah je voulais lui dire que si elle veut retourner avec, ça sert à rien parce que lui s'il veut retourner avec, bah, il en a un intérêt spécifique, donc ça sert à rien. Si elle retourne avec, il va pas hésiter à la retromper encore une fois. Eh bien sache que je n'ai rien compris à ce que tu me dis. Non, si, moi j'ai compris. Il dit que quelqu'un qui a trompé retrompera toujours. Ouais. Et... pas d'accord avec ça. Moi si. Non, ouais, non, je suis pas d'accord. Après, ça dépend. Il y a deux possibilités de tromper. Il y a celui ou celle qui trompe volontairement, qui a vu une meuf, machin, ou un mec, et qui y va, et puis après, il se dit, bah, je me suis pas fait griller, je continue. Puis après, il y a celui ou celle qui était en soirée, n'importe quoi, qui avait un verre dans le pif, qui n'a pas réfléchi, qui le lendemain se dit, putain, j'ai fait une connerie, et bah, du coup, ne le refera peut-être plus. Mais c'est pas parce que tu l'as fait une fois que... c'est pas parce que tu roules un jour avec une Ferrari que tu vas rouler tous les jours avec une Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si t'en avais l'occasion. Bah même pas, figure-toi. Ah bah tu vois, comme quoi. Tes comparaisons marchent. Non mais ça dépend quelle est ma voiture. Si j'ai une 2 chevaux, évidemment je préfère la Ferrari. Mais si j'ai une voiture que je kiffe, même si j'essaye une Ferrari parce que je l'ai louée une heure là, tu vois, je l'essaye, bah, je vais peut-être kiffer, hein, j'ai kiffé une heure et puis après je vais la ramener et moi je récupère ma caisse. Mais si le mec il dit je te la laisse, la Ferrari. Bah je la revends. Mais c'est le principe du club échangiste, hein. Tu vas avec ta meuf, tu la mets dans un coin, t'en testes une autre et puis tu repars avec ta meuf. Ah, super, ouais, génial. Mais non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que t'as trompé une fois que tu vas d'office tromper deux fois ou trois fois ou plus. Ouais. Tu vois, après il y a les moyennes, hein. Heureusement t'en fais là pour faire monter la moyenne. Bien sûr, moi je fais monter toutes les moyennes. Ah bah tu m'étonnes. Enfin, sauf celle de ta bite apparemment. Ça dépend des jours. Paraît-il, ouais, nous, j'ai eu oui dire. J'ai eu oui dire. Mais moi j'ai proposé à Polo plusieurs fois de la faire monter pour qu'il puisse sentir, mais il veut pas. Donc. Ouais, c'est vrai. Sentir pour un chlingue à ce point, ta bite. La foi, mec. Bon, Mehdi. Ouais. Et donc pour toi, on devrait même pas l'appeler l'ex, ça sert à rien, il a trompé une fois, merci, au revoir. Bah oui, ça sert à rien. Parce que s'il a la même façon de penser que Toff, ça sert à rien. Ah bah ça c'est sûr. Mais après, voilà, peut-être qu'il a fait une erreur, peut-être qu'il s'est fait monter la tête par son ex, on sait pas exactement. Et au-delà de ça, ouais. il peut très bien se méfier de l'appel. Si je l'appelle, il va se méfier, le mec. Normalement, tu te méfies, tu dis ouais, c'est bizarre, une meuf qui m'appelle pour me chauffer, on se connaît pas. Donc il va pas rentrer dans le jeu, il va se méfier. Bah ça t'auras pas dépend. Ta réponse pour autant. Ça dépend. Si le mec il est en chien, il se méfie pas. Non mais ok, mais si jamais il me dit non, tu seras rassuré pour autant? Pas forcément, parce que regarde. Bon après moi. Ou t'as essayé, enfin, de toute façon, j'avais la peur, donc... Non, mais on va essayer, ça c'est pas un problème. Mais tu vois, par exemple, moi je suis pour le coup, je suis tellement parano. Que si j'ai une meuf, tu vois. En fait, si c'est trop facile, c'est qu'elle en fume. Toujours. C'est pas normal qu'il y ait une meuf qui arrive. Ça peut arriver. Mais une meuf qui arrive, que tu sois bien ou pas bien, n'importe quoi, qui arrive et qui dit ouais, bah voilà, écoute, moi je t'ai vu, je te kiffe, ça te dirait qu'on couche ensemble une fois. Il y a un truc derrière. Tu te dis bon, t'es tenté de dire oui, mais tu te dis c'est pas normal. C'est comme si un mec. Ouais. Mais, ouais. Juste quand elle appelle, faut qu'elle dise qu'elle s'appelle Flora parce que je crois qu'il y a une fille Flora qui le chauffait, etc. Donc oui, mais tu vas vite remarquer que c'était pas une bonne idée parce que ça veut dire que si elle le chauffait, ça veut dire qu'ils se connaissent un minimum en termes de voix, en termes de tout et que. Elle habite à Paris. Bah ouais, ça peut pas marcher parce que si lui lui pose une question d'une conversation qu'ils ont eue ou n'importe quoi, bah Sandro pourra pas répondre. Donc on va se faire griller direct. Écoute, t'inquiète pas Julie, laisse faire les professionnels. Ne t'inquiète pas, nous sommes là, nous allons gérer la situation. C'est un métier. Exactement. Tu ne bouges pas Julie ? Non, je bouge pas. On fait ça dans quelques minutes. Mehdi également là, on va faire ça dans quelques instants. Mais Benny, reste avec nous, on va appeler le mec. Comment il s'appelle le mec de ton mec, ton ex Julie ? Bastien avec un G à la fin ? Avec un G, non, avec un L. Ah ouais, je sais pas, comme tu dis Basting, je sais non, pas. Basting. Bon, bah très bien. Et puis il y a Shirley qui est toujours avec nous là, dis donc. Hey Shirley, désolé, hein. Vraiment, tu sais quoi Shirley, c'est grave. Je t'ai oublié. Oh bah ça arrive, non, hein, écoute. Je préfère être franc, tu vois, je vais pas dire oh, on a 100 000 appels. Non, je t'ai oublié. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. D'ailleurs, regarde, je vais m'en mettre une dans la gueule, c'est la première de l'année. Merde. Parce que ça, c'est pour moi, c'est gratuit, je te l'ai mis. C'est mon doigt qui a. Je prendrai un rendez-vous avec Sandro. Ah oui, bah pas de problème, hein, si tu veux. En plus, elle a mis sa couronne de reine. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de l'enlever. Et la photo est où? Bah, Polo, il est faite. Oh putain, c'est pas gagné, je vous le dis, moi. C'est pas gagné. Ah ouais, parce qu'il faut que tu me l'envoies, hein. Oui, bah je vais la mettre sur le Facebook là dans quelques minutes, t'inquiète pas. Il y a la photo d'ailleurs du nouveau co-animateur qu'on n'a pas encore beaucoup, qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre beaucoup ce soir. Discret. Monsieur M. Ouais, voilà. Il est tout mignon, il est là, il ne ressemble pas du tout à Toff. Hein, non. Mais pas du tout. Donc si vous voulez le voir, il est sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Tu l'as vu toi ou pas, Julie? Moi j'ai vu, ouais. Très bien, Charlène, très bien. Merci, Charlène, de m'avoir sauvé, hein. Parce que bon, Julie, comment te dire que. Elle veut qu'on appelle son mec, stress, hein. Le reste, c'est tout. Elle veut juste son mec. Ouais, le reste, c'est complètement fermé. Bon, c'est rien. Julie, reste avec nous. Mehdi, bouge pas. Charlène, bouge pas. On va se faire le son, comme je l'ai promis, de Fatboy Slim, maintenant sur Femme Radio. Hit, sleep, rave, repeat. On est au cœur de la nuit sans pub et cherchez pas ailleurs. Aucune autre radio ne vous propose des nuits sans pub. Sans pub, que le son d'Enflore et tous les délires en direct jusqu'à 2h du mat. Pour nous appeler 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0 et bien sûr sur le Facebook et Twitter, vous tapez MIKL officiel pour nous rejoindre. Le son de Fatboy Slim à l'instant sur Fun Radio. Hit, sleep, rave, repeat. Bienvenue, 8h41, on est en direct. Il y a Johan qui dit, si vous raisonnez comme ça, il y a beaucoup plus de salopes également. Oh. Oui, c'est vrai, ouais. Johan qui avait envoyé un message depuis l'application Mikael No Limit qui est disponible sur iTunes, hein, gratuitement. Vous tapez Mikael No Limit pour iPhone, iPad et iPod. Ça va suivre également sur Android. Il y a Super Miss aussi depuis l'appli qu'il y a. Et ciao toute l'équipe. Vous appelez en Suisse aussi. Je kiffe votre radio de malade. Oui, bien sûr, avec plaisir. Laisse ton numéro et puis sinon, tu nous appelles. 00 33 1 42 48 5000 si vous appelez en dehors de la France ou de la Belgique. N'hésitez pas, Donovan qui dit j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année, malheur. Oh, c'est rien, Donovan, mais bonne année à toi et merci beaucoup d'y avoir pensé. Ludwig qui dit pour appeler du Canada, ça coûte un bras. Oui, c'est vrai, Ludwig, mais à côté de ça, tu nous appelles, tu dis de quoi tu veux parler, on te rappelle direct derrière. Hein. Quoi, ils ont pas les trucs gratuits sur les fixes? Ah, sur les. Je sais pas, je sais qu'ici on peut, mais après là-bas, je sais pas. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous appelez directement, enfin, vous appelez au standard, on vous prend en direct et puis on vous rappelle. Donc, quand vous traînez l'antenne pendant une heure, c'est à nos frais, hein, c'est pas au vôtre, hein, rassurez-vous. Let's be freaks, qui dit avec moi, tu vas apprendre à m'être fidèle, Toff. Oh bah je n'en doute pas. Hashtag coup de fouet. Ah oh bah avec plaisir. Ah bah oui, Stéphanie, ah oui, qui fouette dit, moi. Ouais, vous voulez pas plutôt payer un billet à Toff pour la Corrèze, c'est moins cher. Oui mais c'est pas grave, avec Let's Be Freaks, une grande histoire qui donne depuis faire, longtemps. Je peux faire une tournée, hein. Oui, Corrèze, faire le Toff Tour. Marseille et hein puis voilà, on fera le Toff Tour. Voilà, oui, on fera un Toff Tour. Je vais à Toff Tour. Tous les jours, je fais l'émission en direct d'une ville différente. Oh bah génial, oui. C'est pas parce que ça a marché hier depuis New York qu'on va faire ça tous les soirs. Hein. Ah merde. Oui, bah comme tu dis, ouais. Bon allez, on est toujours en direct sur Fun Radio, c'est ça. Minuit 43, avant de. Bah on va faire l'appel avec Julie et son ex, là maintenant. Sandro est prête. Ah là, j'ai pas mon cash, je suis en train de mettre la photo avec ma couronne. Je suis pas prête du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Eh ben il faut draguer son mec. C'est par le mec téléphone de Julie qui s'appelle Bastien. Bastien et ouais mais j'ai eu son numéro comment par un pote. Attends parce qu'on a perdu qu'est-ce Polo qui vient de tomber par terre. C'est passé mec. Ah non, j'ai eu un problème d'écran. D'écran, t'es, tout tombe, c'est un problème d'écran. Bon donc Julie, ouais, effectivement, où est-ce qu'il aurait pu le rencontrer ou le connaître? Par Adrien Sanchez. Par Adrien, et c'est quoi, c'est un ami, son meilleur ami, c'est qui? C'est son meilleur ami. D'accord, donc Adrien qui aurait fait le numéro de téléphone. Aurait pas de... Ouais, tu sais, oui. genre il est célibataire, etc., tu vois. Et, ouais. Et Adrien, je le connais comment, moi? D'une soirée... On s'en fout, tu dis que t'es une copine, t'es d'accord. Une copine d'Adrien, ouais, tout simplement. Et puis voilà, t'es une meuf qui cherche quelques plans à gauche, à droite, tu veux ah, pas t'installer. Plan cul, hein, d'accord, ok. Ouais, plan cul, tu dis que tu veux pas t'installer et que son pote a dit que, bah, comme toi, comme lui était célibataire et qu'il était. Il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est beau gosse? Bastien? Oui, Bastien, oui. Bastien. Bastien. Il est comment? Il est physiquement c'est comment? Un brun, c'est un homme boy. Ça, oui, bon, on est bien avancé avec brun, ça, mais yeux je veux dire. Oui, de corpulence, il est plus grand, petit, moyen, gros, mince, j'en sais rien. Gras. Il est plutôt petit et tu peux pas donner plus d'infos quand même, un petit peu plus précise? Il est grand. Ouais. Il est très musclé. D'accord. Musclé, d'accord. Ouais, les yeux marrons. Attends, parce que Sandro se touche là actuellement. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, grand brun musclé. Ah, vous êtes grand. Ah, oui. Il fait de la sécurité, il est pompier, il fait de la muscu. Ah, très bien. Ah, c'est bizarre, ça. Pompier, ouais. Il fait de la sécurité en même temps. Bah oui. Oui. Ouais, on il est pas infirmier, plombier aussi. En fait, il est acteur de film porno. C'est ça. C'est ça l'histoire. D'accord. Il a quel âge? De pizza. Il c'est a ça. Quel âge? 20 ans. D'accord. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Donc, tu dis que son pote, là, lui, t'a donné son numéro parce que comme il était célibataire et qu'il allait en plutôt beau gosse. Je lui parlais du bal des pompiers de fin d'année. Si tu veux, rentre pas trop dans le détail, il sert à rien. Ouais, parce que je vais me manger toute seule. Voilà, complètement. Bon, on y va, on l'appelle. Julie, tu restes, au standard oui. Et puis, on va essayer de caler un petit rencard avec Sandro, hein. Tu m'as dit que je m'appelais comment, moi? Bon, on s'en fout. T'appelles pas Sandro ou Sandra, hein, mais appelle-toi. Ah, ce sera plus simple, hein. C'est quoi son prénom, le prénom qui kiffe, Julie? Je sais pas. Bon, on va mettre Sandra, parce que sinon on va s'embrouiller. ouais, ça sera mieux. Elle va plus savoir qui c'est, yeah. De qui elle parle. Ou alors Jennifer. Jennifer? Non, Jennifer. Jennifer. Non, c'est Jennifer. Non. Jennifer from New York. On dirait que je viens du Nord. Non, Jennifer from LA. Non, Jennifer from Dunkirk. Jennifer from Dunkirk. Non, Dunkirk. Dunkirk. Non, Dunkirk. Dunkirk. Dunkirk. Dunkirk. Dunkerque. Ah, Dunkirk. Elle était persuadée que c'était une grosse ville aux États-Unis. Oh la cruche. Oh là là. Hey, je suis la reine ce soir, arrêtez. Ouais, la reine des cruches, ouais. Ça c'est clair. Hein. Oh là là. Dunkirk, bon, c'est où ça aux États-Unis? C'est tout près de LA. Je crois que c'est un truc branché de ouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, t'inquiète, c'est entre Miami et LA. Voilà, oui, c'est quelque part par là. Plus bon, allez, Sandra, c'est mieux. Bon, allez, Sandra, ça, Sandra. Non, Sandra. Sandra from LA. From Chicago. Sandra from LA. Ouais, bon, enfin, Sandra from Paris, ça ira très bien. Ouais, from bon. Lille, ça ira. Ouais. Bon, on y va, Julie, on y va, on l'appelle maintenant. Bah écoute, j'espère pour toi que ça ira. Hein. Bon, donc j'ai un peu la pression quand même. Ouais, si jamais il commence à draguer Sandro, je t'en mettrai à l'antenne et tu pourras l'insulter comme quand tu veux. Tu me fais un signe, je lui dirai, je te passe non, quelqu'un. Non. Ah bah non, elle veut pas qu'il sache. Hein. Ouais, rock'n'roll ou pas, Julie, là? Non. Oh, Julie. Oh non. Bon. Non. On l'appelle, on va gérer, t'inquiète. Allez, c'est parti. Ça marche. Et là, ça va être le répondeur, on aura fait tout ça pour rien. Ah. Déjà, ça sonne. Jennifer from Dunkirk. From Nancy. Oh, ouais. Je laisse un message ou pas? Ouais. T'as pu faire, c'est Nancy de Nancy. Ah, tu vas me perturber. C'est bien sur la messagerie d'Eva, là, ce message. À la fin de votre message, si vous avis, le numéro n'est pas bon. Tapez dièse. C'est quoi cette voix là, Julie? Mais je sais pas, je vous avais pas pris le bon numéro. Attends, je te reprends. Ah putain, c'était sûr. Vous êtes sur le numéro d'Eva. Je dis ça, c'est la voix de son ex, il est toujours dessus, donc ça s'appuie un petit peu. Bon, avant de récupérer avant de vérifier le numéro de téléphone, du coup on fait encore les appels avec Taf? Mais allons-y. Allez, bah c'est parti, on y va, alors c'est parti. Je rappelle que Toff n'a pas été élu roi avec la fève, hein, mais non, c'est pas grave. Il s'est autoproclamé roi. Oui, voilà, j'ai fait un coup d'état. Exactement, le roi un coup d'état. Des enculés, et donc du coup, on appelle des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr depuis tout à l'heure. Et donc on appelle des gens parce que tu veux ton dû. Je veux mon dû de roi. Exactement. Je veux être traité comme tel. Tété, deux fois ça fait déjà tété, que tu le fais. Hein. Bon, on y va. J'ai envie d'être tété. Oui, bah j'ai compris, ouais. Allez, on y va, c'est parti. On appelle maintenant sur un numéro que vous nous avez envoyé. En espérant que... Allô ? Oui, bonsoir madame. C'est qui ? Oui, c'est le roi madame. C'est qui ? C'est le roi. Oui, le roi, c'est ça, allez, va te faire un duo. Et non, mais madame, j'ai tiré la fève, je suis le roi. Oui, c'est ça, allez, ciao. Rappelez plus, je vous le dis. Hein. Bah attendez madame, je suis le roi, vous pouvez pas me parler comme ça. Non, si elle peut là, visiblement, d'ailleurs elle l'a fait. Elle a l'air, ouais. Bon, on va la rappeler, on va la rappeler. Oui, bah je te confirme, oui. Hop là, retour. J'ai l'impression qu'on était dans le sud, là. Sans certitude, mais... Ouais, si, sud. Oui, j'écoute. Oui, excusez-moi madame, j'étais au téléphone avec votre fille qui s'est très mal comportée. Oui, mais que voulez-vous s'il vous plaît? Mais je suis le roi madame. Oui, le roi de quoi? Bah le roi qui a tiré la fève. Ah. Et donc du coup je voulais venir chez vous pour que je puisse être honoré en tant que roi. Ah oui, mais alors là il faut trouver une autre porte parce que... Parce que quoi? Non, parce que là, c'est pas possible, voilà. Bah, pourquoi c'est pas possible, madame? Bah, non, parce qu'il y a des choses qui sont pas toujours possibles. Bah, attendez, voilà. Attendez, madame, Vous savez, avec tout le monde qui est ici, vous pouvez trouver ce qu'il vous faut. Bah oui, mais attendez, madame, moi je suis le roi, j'ai tiré la fève, veux être honoré. Mais bon, mais vive le roi, allez, bonsoir. Eh bah oui, vive le roi, madame, mais allez, que je sois honoré. Allô? Sandro vient mettre la photo avec sa couronne, Facebook est en panne. Ah zut. Ah oui, je pense que les serveurs ont refusé la photo de Sandro. Ouais, bah en plus, ouais, même celles qu'on a faites avec Polo, elles sont horribles, donc on va mettre une au hasard. Ah hein. Oh, putain, bon, on rappelle. Facebook, il a vu la photo, il est parti au courant. Ah bah oui, c'est clair. C'est méchant. Bon, on y va, on rappelle encore un coup. Allez, ouais, vas-y. Allez, c'est parti, on y va, on rappelle. Non, attends, laisse-moi rappeler. Allô? Oui, excusez-moi, madame, mais... Non, mais écoutez, maintenant, vous arrêtez de nous appeler, ça suffit, hein, je veux pas être... c'est bon, hein? Allez, au revoir, monsieur. Mais non, attendez, madame, je suis le roi, je dois être honoré comme tel. Non, mais d'ailleurs, je suis votre plaisanterie, monsieur, attendez... Allô? Oui, monsieur. Qui êtes-vous, là, exactement? Ben, je suis le roi, monsieur. Ben, le roi, alors vous restez chez vous, vous régnez dans votre pays, ou dans votre royaume, et vous nous laissez tranquille. Ah ben non, monsieur, attendez, voilà. Alors, au revoir, monsieur. Attendez, moi, j'ai tiré la fève, je veux être honoré, monsieur. Et d'ailleurs, arrêtez de m'appeler monsieur, appelez-moi Sire ou Monseigneur. Allô? Non, mais il est parti. Sire ou Monseigneur, c'est le mec qui se... Bah, là, c'est normal, tout, là. Bon, attends, on rappelle encore un coup, là. Hop, c'est reparti. Allô? Oui, excusez-moi, je ne comprends pas comment vous pouvez le prendre comme ça. Moi, j'ai tiré la fève, je suis le roi, je veux être honoré. Mais je m'en fous, moi, de votre fève, je m'en fous. Allez, fêtez votre fève avec vos amis, mais pas, n'importunez pas les gens comme ça. Mais je n'importune pas les gens, monsieur, j'ai tiré la fève, je suis le roi, j'ai le droit. Vous m'importunez! Alors arrêtez, s'il vous plaît. Mais non, monsieur, moi, je n'arrête pas. Je veux être honoré, monsieur. Bah, écoutez, alors comment vous appelez, s'il vous plaît? Vous allez m'appeler Monseigneur, car je suis le roi. Bah. Hein? Et ensuite, je vais venir chez vous et votre femme va m'honorer comme il se doit. Monsieur. Non, Monseigneur. Si vous continuez, hein, j'appelle la police. Mais maintenant, arrêtez-nous de vous importuner. Mais attendez, monsieur, je suis le roi, vous n'avez pas le droit. Ah bah si, il a le droit. Arrêtez-nous de nous importuner. Oui, on va aller l'arrêter, alors il n'y a pas de problème. Bon, je lui envoie la police immédiatement. Bah oui, on appellera d'autres numéros tout à l'heure. Si vous avez des numéros à proposer de Jean Cordebois à cette heure-ci, vous allez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis si vous voulez discuter avec nous également, hashtag Mickaël, n'hésitez pas, vous le placez un maximum sur le Twitter. Vous nous rejoignez également. Si vous me suivez sur Twitter, je vous suivrai également. Tapez Mickaël_, c'est le petit tiret en bas. Mickaël_officiel. Il y a Antoine qui dit Tof est le roi des cons, oui, ça on savait déjà. Et Let's Be Freaks, il dit te têterai sans problème, très cher amour. Oh bah, j'en ai voilà. De la chance. Eh bah t'as vu, Tof, tout est bon là. Ah tout, oui. Tout vient d'un point qui sait attendre. Ah oui, tout est bon dans la Lesbi Freak. Exactement. Il y aura Kesha dans quelques minutes sur Fun Radio. Ce sera avec Pitbull, hein, ce sera Timber. Voilà, je vous le cale tout à l'heure. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein, vous tapez évidemment là aussi hashtag Mickaël. Et puis, bah, j'allais dire, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook, mais sans panne Facebook. Là, il n'y a plus rien qui marche. Non, c'est bon, c'est reparti. C'est bon, c'est reparti. Ah, ça y est, ça remarche. D'accord, ok. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook, donc facebook.com/Mickaël officiel. N'hésitez pas. Ah oui, effectivement, ça marche. On est du coup 319 000. Là, venez nous rejoindre. N'hésitez pas à faire venir vos potes également, vos amis, bien entendu. Bon, Julie. Oui. Voilà, on a récupéré. Donc, est-ce qu'on avait le mauvais numéro du mec? Bah, c'est pas du tout les mêmes numéros en fait. Ah oui, effectivement, oui. C'est-à-dire que là, c'est particulier là, Julie. Hein. Bon. Je vais me tromper. Bah oui, mais là, parce que c'est pas du. Il n'y a pas un seul numéro qui a la même place. Hein. Si, à part 06. Mais je veux dire, sinon, là. Bah, c'est un bon début. C'est oui, un bon c'est début. Vrai. Bon, donc Julie qui nous a appelé parce qu'elle est sortie avec un mec pendant 6 mois. Il l'a trompé après 3 mois. Il est reparti avec son ex. Aujourd'hui, c'est fini. Et bah, il veut récupérer Julie. Sauf que Julie, forcément, n'a plus confiance. Et donc, elle voulait qu'on teste son mec à l'antenne. Qu'on l'appelle en direct pour voir s'il va se faire tenter par la première inconnue qui passe en lieu alias Sandro. La d'accord petite salope. Et oui, bah tout à fait, ouais. Exactement. Ouais. Va te faire enculer, salope. Voilà, c'est ça, exactement. Espèce d'enculé. Voilà, oui. Bon, Julie, on y va, on l'appelle Bastien, c'est parti. Sandro qui l'appelle maintenant, on récupérera Charles juste après. Et puis, bah vous en direct, hein, si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est parti, ça sonne. Allez. Pour l'instant, il... Je réponds. Ouais, mais c'est pas gagné, Julie. Hein. Allô? Allô? Allô, Bastien? Oui. Oui, salut, excuse-moi de te déranger, tu dors pas? Non, c'est bien. Je suis désolée de t'appeler à cette heure-ci, mais en fait, j'ai hésité à t'appeler toute la journée et j'ai une copine qui m'a conseillé de le faire quand même. Donc voilà, je me suis permise de t'appeler. En fait, c'est Adrien, il m'a donné ton numéro. Et c'est qui? C'est Sandra, mais tu me connais pas en fait, je suis une amie de d'Adrien. Oui. C'est bien ton meilleur pote? C'est ça. Bon bah c'est cool, déjà il m'a pas fait une sale blague. Et en fait ouais. Voilà, il m'a parlé de toi, en fait tu es célibataire. Ouais. Il m'a parlé de toi, il m'a dit que toi aussi tu l'étais, que voilà, on pourrait peut-être éventuellement faire connaissance. Ouais. Et pourquoi tu m'appelles en privé? Ah bah j'ai pas fait attention. Bon d'accord. Mais je peux te donner mon numéro si tu veux, plus tard je te le donnerai plus tard ouais. Si t'es intéressé en tout cas pour qu'on puisse discuter, faire connaissance et pourquoi pas se rencontrer. Ouais, ouais, ouais. Et bien ce qu'on fait c'est que tu m'écris de même parce qu'en fait c'est vrai que je suis un peu au lit là. Ah t'es au lit hein? T'es tout seul dans ton lit? Oui, un petit peu. Ouais, ouais. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Non, je rigole, je plaisante. Mais parce que moi aussi je suis couchée en fait. Je suis toute seule dans mon lit. Ouais. T'habites où toi? J'habite... Bah toi t'es d'où? Adrien m'en a parlé vite fait. Ouais. T'es de quel côté toi? De quel côté d'où? Il m'a dit que tu étais t'étais pompier. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est vrai? Oui c'est vrai, t'as dit un peu trop de triche. Non mais je l'ai questionné à fond en fait. Quand il m'a dit que t'étais pompier, que t'étais brun, assez musclé, moi c'est ça m'a chauffé direct en fait. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de faire ça en général. Je suis un peu gênée, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Ouais, t'avais raison. Bah ouais, il faut profiter de la vie. Ouais, par contre, il m'a pas dit, t'as quel âge? 20 ans. T'as 20 ans, d'accord, ok. Parce que moi, je suis un peu plus âgée, ça te dérange pas? Non, non, ça dérange pas. Des fois, il y en a qui tentent et qui ont rien quand même. Et qui ont quoi? Qui n'ont rien quand même. Bah c'est pour ça, moi, j'ai préféré me jeter à l'eau. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Au pire, tu me dis non, quoi. Mais bon, si t'es... Pardon? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai entendu. Non, je disais effectivement, tu as raison, qu'il ne tente rien à rien, et au pire, tu me dis non. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, si t'es intéressé, bah c'est cool, on peut faire connaissance, on peut se rencontrer. Par contre, moi, je suis un peu plus âgée, mais ça me dérange pas que t'aies 20 ans. Ouais. Donc moi, j'ai 25 ans, ça te dérange pas? Non, non, du tout, non. C'est vrai? Ouais, ouais. Bon bah écoute, tu veux que je te rappelle un autre jour? Ben demain. Tu veux que je te rappelle demain vers quelle heure? Je sais pas, comme tu veux. D'accord. Pas. Mais toi tu as pas de copine en ce moment, on est d'accord hein? Non, non, on est d'accord. D'accord, ok, parce que j'ai pas envie, les mecs qui sont pris, enfin ça m'intéresse pas trop. Même si je dis pas que ça va être un truc super sérieux ou quoi, mais j'ai pas envie de foutre le bordel. Ouais, non, t'inquiète. Bon bah c'est cool, bah écoute je te rappellerai demain alors. Ça marche. Bon bah bonne nuit. Allez, tout seul dans ton lit. Ouais. Salut. Bah oui. Avec regret et d'amour. Oh là là. Ouais, c'est fait hein. Nous sommes tous réunis mes amis aujourd'hui pour célébrer le départ. C'est la couple de Julie. Par contre, Sandro a pris le numéro, elle va vraiment l'appeler. Hein. Mais non, il a 20 ans, je peux pas. Oh, arrête. Il est trop jeune. Bon, bah oui, je pense que tout est dit, Julie. Hein. Quel enculé. Mais en même temps, t'es pas avec lui, là, pour l'instant. Non, non, mais bon, l'autre, il est quand même derrière son cul en disant « Oui, mais j'ai envie de te récupérer, blablabla, blablabla, bla, bla, tu es la femme de ma vie. » Bah ouais, mais alors là, pour le coup, je le défends. Il veut la récupérer, mais si elle le fait attendre, lui, à côté de ça, il va pas passer à côté de plan. Ah non. Attends. Hey, Julie, polo at funradio.fr. Allez, on en parle plus. Venge-toi. Tu m'envoies tout et puis je m'occupe de c'est toi. C'est ça. Non, ben voilà, ben, tu voulais savoir. Maintenant, tu sais, Julie, hein. Ouais, merci. Bah écoute, avec plaisir, vous savez, si on peut rendre service. C'est toujours avec plaisir. Et vous avez remarqué que Sandra, elle l'a bien fait. ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Alors ouais, les meufs, elles font ça tout le temps, quoi. Et t'as vu l'enfant, t'es dans quelle ville, toi? Ouais, mais t'es pompier. Hop là. Bravo, bravo. Ni vu ni connu, je t'en fume. Voilà. Je voulais juste dire à Julie, si t'as besoin d'un petit décrassage de temps en temps, n'hésite pas. Paul est déjà passé juste avant là. On est disponible. Décrassage, lui, il parle de cheminée, des trucs comme ça. C'est décrassage et fils avec Polo, Top et Polo. Entreprise familiale. Et fist. Décrassage et fist. Entreprise, ils vont venir avec leur petite camionnette blanche. Tu sais, avec des salopettes. Avec des salopes. C'est ça. Bonjour, je viens pour faire le nettoyage, décrassage. À la mode moderne. Voilà, rassurez-vous, le service est gratuit. Ah hein. Bah oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon, bah dis donc, dis-toi que toi, ton mec, il t'a quitté pour une raison un peu, un petit, enfin, pas à la con, dans le sens où il est parti avec son mec, mais dis-toi qu'il aurait pu faire pire encore. Et tu sais comment? Et bah comme un Italien qui a préféré aller en prison plutôt que de rester avec sa femme. C'est-à-dire qu'il en avait... Non mais c'est vrai, c'est l'histoire sur laquelle je tombais. C'est le mec, il en avait tellement marre qu'il est allé se dénoncer pour un trafic de drogue et il a demandé au juge de le mettre en tôle avant le jugement. Non mais c'est ouf. Donc venez nous dire ce que vous avez déjà trouvé comme excuse pour casser votre couple. Ça peut être un bon plan, ça. Venez nous en parler. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. On attend vos appels maintenant. Et puis avec le hashtag Mickaël sur le Twitter et pareil aussi tous vos messages qu'on lit bien sûr en direct sur le Facebook de l'émission facebook.com/Mickaël officiel. Je te fais des gros bisous, Julie. Oui, merci beaucoup et bonne année au fait. Eh ben merci à toi et bonne année aussi. Bah au moins tu vois, tu démarreras la nouvelle année avec un vrai mec. Voilà, des bases saines. Quand tu le trouveras, quoi. Polo et Fun Radio pour y faire. C'est ça, bah oui. Salut Jules. Au revoir. Gros bisous et merci à Mehdi également d'être passé là, qui nous appelait en direct d'Algérie. Mehdi, gros bisous à toi et bonne et embrasse tout le monde à Alger. Merci, d'accord. Ça roule. Je peux passer une petite pub. Oui, bah vas-y, oui. Une pub de quoi? C'est pour mon compte Twitter. Bah vas-y. C'est DJ Comax. DJ Comax, c'est ça? Ouais. Bah, ah oui, mais oui, t'es souvent sur Twitter en plus. Moi, je savais pas que t'étais d'Algérie. D'accord, ok. Ouais, c'est souvent. Eh bah très bien, bah voilà, DJ Comax sur le Twitter, pour le rejoindre, il n'y a pas de problème. Il est sur le Twitter de l'émission aussi, si vous n'avez pas pu écrire correctement le nom, sans problème. Salut à toi, Mehdi. Salut. Allez, à bientôt, et puis tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis bah les autres, hein, venez encore, appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. On écoute le son de Kesha maintenant, tiens, ça paraît un bon plan ça. Kesha, on écoute avec Pitbull, c'est Timber. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, 23h, 2h, tous les soirs de la semaine. Il se passe enfin quelque chose à écouter la nuit. De toute façon, avant, il n'y avait rien, donc c'est pas compliqué. Et c'est Kesha et Pitbull qu'on écoute. It's going down, I'm yelling timber. Kesha sur Fun Radio avec Pitbull, c'était Timber. Et on écoutera aussi tout à l'heure le son de Lady Gaga, je vous l'avais promis hein. Merde, celui-là. Ouais, parce qu'autre on l'avait déjà mis. Lady Gaga avec Do What You Want. Et un son que vous nous avez fait découvrir aussi il y a quelques semaines maintenant, pour pas dire moi, New World Sound. Avec The Flute, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio tout à l'heure, donc restez bien là. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah, comme d'habitude, vous appelez, vous demandez, on vous le mettra avec grand plaisir. C'est vous qui gérez, hein, prenez le contrôle de Fun. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, c'est le numéro du standard depuis la Belgique. Si vous voulez nous appeler, il est 1h06, on est toujours en direct. Il y a Cyril sur le Facebook qui disait Alessandro, t'assures. Il y a Valentin qui dit ça promet d'être drôle. Ah bah ça l'a été, hein. Enfin pas pour ouais. Julie, mais pour Noé. Et Geoffrey qui dit hey, c'est la première fois que je vous écoute et j'adhère. Merci pour cette nuit pleine de rire. Avec plaisir, Geoffrey. Merci d'écouter. D'ailleurs, t'es le bienvenu. Johan sur l'application Mickaël No Limit qui dit si Toff est le roi, Polo le bouffon du roi pour l'interrogation. Avec plaisir. Voilà, c'est ça. Et de Gogo4845 qui dit Mickaël en train de faire mes 20 feuilles de maths en écoutant. Eh ben, ça va être beau le résultat final demain, je pense. Hein. Félicia qui dit je suis un walk and wallman. On appelle Jean-Pierre Sauzer ce soir, Mickaël. Oh. Félicia, je suis fatigué là. Non, pas tout. Non, mais c'est vrai. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on l'a eu hier déjà en direct de New York. Ouais. Live from New York. Et voilà. Et donc déjà, il m'a fatigué hier. Il m'a fatigué. Donc demain, voilà. Si vous voulez demain, mais ce soir, point trop en feu. Hein. Donc parce que je rappelle que hier on était coincé. Enfin moi en tout cas à New York. Du coup j'ai fait le chemin. J'ai atterri à Bruxelles. Je suis venu jusqu'à la radio, etc. Donc je suis mort. Et donc voilà. Donc Jean-Pierre Sauzer plutôt demain. Oui, c'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Mais on l'appellera, hein, vous inquiétez pas, on va pas l'oublier, il y a pas de problème. On va encore faire un ou deux appels, Toff. Mais avec plaisir quand tu veux. Bah très bien, on va récupérer Aurélien dans quelques minutes également qui est déjà là. Tiens, salut Aurélien. Salut. Allô. Aurélien. Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Bon, bah tant mieux Aurélien. On va parler de quoi dans un instant avec toi, dis-moi. Bah on va parler de moi. De quoi? On va parler de quoi? Mais c'est-à-dire, de quoi exactement? Bah, je suis tombé amoureux, en fait, du mec de ma meilleure amie. Oh! Mais c'est attends, explique-moi comment ça se passe. Ouais, alors, pas mal, le mec était là? Bah, en fait, si tu préfères, j'habite dans le sud. D'accord. Et ça justifie le fait que tu tombes amoureux du mec? Bah, en fait, j'habite dans le sud, si tu préfères. Avant, j'habitais à l'endroit où je suis maintenant. Je suis habité dans le sud, je suis remonté. Ma meilleure amie, elle était avec un mec et je tombe amoureux de lui. Oh! D'accord. Bon, écoute. Mais bon, lui, il est pas un peu au courant, tu vois. Oui, bah, j'imagine. Bon, alors attends, Aurélien, on va en parler dans quelques minutes, ne bouge pas de là. Et du coup, tiens, par rapport à Julie tout à l'heure, toi, et l'histoire avec l'italien, t'as jamais eu ce genre de truc, là? Qu'est-ce que t'as déjà fait comme, trouvé comme excuse pour rompre avec ton copain ou ta copine? Bah, mon copain, parce que moi, je suis homosexuel. Ouais, bah, peut-être que t'étais pas gay, t'étais peut-être pas gay avant. Bah, c'est pour ça que je pose. J'ai pas toujours été gay, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce que t'as déjà trouvé comme, comme excuse pour virer ton mec? Pour virer mon mec? Ouais. Bah, c'est vite fait, tu envoies un texto, tu dégages. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est, ouais, toi, t'es expéditif fais... comme mec, quoi. Ah ouais. C'est pas d'excuses, bah, pas de... Tu vas pas chercher une chichi, ouais, ouais, mais t'as bon, raison. C'est pas bon, hein. Non, mais oui, mais t'as raison, évidemment, ah ouais, évidemment. C'est pas bon sexuel ou... Voilà, tu te dégages. Ouais, ouais, bah voilà. Ah non, il a raison, c'est pas bon. Au moins, c'est bon. Clair, tu vois, y a pas de... Au moins, le mec ou la meuf, en l'occurrence, là, le mec, sait à quoi s'attendre, tu vois. Il va pas, voilà. Il va pas garder un petit espoir ou quoi. Quand il vient me voir, il sait à quoi s'attendre. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah j'ai bien compris. Ah bah là, on voit bien, là. On l'a bien vu, ouais. Bon, bah alors Aurélien, reste avec nous, ne bouge pas. On va récupérer Charles dans quelques minutes également, comme promis. Et puis, nous avons reçu un mail d'une auditrice, a priori, qui veut qu'on appelle un Corse. Nous avons reçu un numéro, apparemment ils sont chauds là-bas. Ah, toujours les Corses, c'est des gens sympathiques. Et ils attendent tof. Heureux, voilà. Prêts à plastiquer leur prochain. Tout à fait. Et donc je rappelle que bah, c'était la galette des rois. D'ailleurs, je vais mettre la photo de Sandro, parce que une heure après, je l'ai enfin reçu. Ah, mais ça marchait pas, j'arrivais pas à l'envoyer. Non, mais c'est ça, ouais. Et c'est pas parce qu'on l'a retouché sur Photoshop, hein, c'est pas vrai. Ah hein, non, c'est, pas c'est... du tout, ouais, rien c'est à voir. De brut, a, hein. Au final, on a pris la première qui avait été voilà. Prise. Hein. Et puis au final, vous allez voir qu'on n'a pas retouché sur Photoshop, hein, ou alors on est très mauvais. Ah, on est les pires utilisateurs de Photoshop, tu sais. C'est clair. Bon, donc on va appeler, tu vas te faire passer pour un roi qui veut son dû. Évidemment, je suis le roi, j'ai eu la fève, je non, suis le roi. Non, t'as pas eu la fève, c'est Sandro qui l'a eu. Bah oui. Bah oui. J'ai volé la fève, je suis le roi. Oui, plutôt comme ça alors. Bon, c'est parti, on y va, on appelle en Corse maintenant. Merci à celle qui nous a envoyé le numéro. Enfin, je dis merci. Ça se trouve, ça n'a pas décroché, on verra. Non, encore, ça décroche toujours en général. Ouais, la prochaine. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai tiré la fève. Oui, alors ? Ben, donc maintenant, je voulais, ben, comme je suis le roi, maintenant, je voudrais venir tirer la reine. Je vois pas le rapport, monsieur. Ben, votre femme, elle est disponible ou pas ? Je trouve ça un peu trop vulgaire, vous comprenez ce que je veux dire? Ah pas du tout monsieur, attendez, je suis le roi. Écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Moi, si vous voulez, je descends en bas de chez moi, vous venez me voir et on va s'expliquer. Là, ce sera un peu plus correct, parce que par téléphone, moi j'aime pas trop parler comme ça. Bah oui, mais monsieur, attendez, moi je suis le roi, j'ai tiré la fève, j'ai le droit de oui, tirer la reine. Vous êtes le roi, je vous dis pas de quoi, parce que je suis poli monsieur, ok? Au revoir monsieur. Bah non, attendez monsieur, un peu de respect, et d'ailleurs appelez-moi monseigneur. Ah non non, il a pas envie de t'appeler monseigneur je crois, hein. Enfin, tout de suite en tout cas. Vas-y on le rappelle. Bah oui on va le rappeler, ouais, 30 secondes, hop là c'est parti, on y va, on rappelle. Et je vais mettre la photo de Sandro en mode reine, hein, sur le Facebook dans l'émission là dans quelques secondes. Facebook.com/MIKLOfficiel, Instagram et Twitter également. Allez. Oui monsieur, oui. Ça ne se fait pas de raccrocher au nez du roi. Écoute-moi, tu commences à me les gonfler sérieux Graham. Alors écoute-moi, tu t'arrêtes vite fait, ok? Mais monsieur, attendez, je suis le roi, j'ai droit à des privilèges. Tu as que ça à faire à plaisanter comme ça? Mais moi je... j'ai pas le cœur à plaisanter, ok? Mais je plaisante pas, monsieur. Alors, vous me laissez tranquille, vous êtes bien gentil, ok? Mais je suis bien gentil, voilà. Mais je suis arrêtez le roi. Arrêtez de déconner, s'il vous plaît. Allez emmerder d'autres personnes, mais ne m'emmerdez pas, vous êtes gentil, ok? Au revoir, monsieur. Eh ben, au revoir, monsieur. Voilà, au moins c'est fait, il n'a pas le cœur à ça. Ah bon, bah ça arrive, on se pas très bien. Bon, bah c'est parce qu'il n'a pas été roi, je pense. Ouais, ça doit être ça, il doit voilà. Être jaloux. Ouais, bah peut-être. Bon, ça y est, la photo de Sandro en reine est sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Hein, donc si attention, vous la voyez pas, tout est là. En reine, la femme du roi, pas le reine. Ah oui. Du roi, du Père Noël. Voilà, donc si vous voulez aller voir, facebook.com/MIKLOfficiel. Vous pouvez également nous ajouter, hein, si vous voulez, sur le Twitter, tapez c'est Mickaël underscore officiel. Et sur Instagram aussi, si vous m'ajoutez, je vous suivrai bien sûr également. Vous tapez Mickaël officiel. Il y a Clem qui dit un petit Cry Me a River, please. Ah, putain, pourquoi pas, tiens, un petit Justin Timberlake, yes. Cry Me a River. Ah, c'est pas mal. On mettra ça peut-être pour partir, tiens, Clem. Et Félicia qui dit, bah, moi, je l'ai largué assez simplement. Je l'ai fait craquer en l'énervant pour de la merde. Et, pareil, je dis, non, mais tu comprends, tu veux vivre en Nouvelle-Zélande, moi, je te suivrai pas. Il vaut mieux qu'on se sépare. Et après m'avoir dit que j'étais un monstre cruel et méchante, il m'a dit, on n'a rien à faire ensemble. Oui, mais Félicia, en même temps, s'il voulait se barrer en Nouvelle-Zélande, tu vois, c'est pas comme si le mec, il voulait partir, je sais pas moi, tu sais, de Marseille à Nice, quoi. Hein, oui, c'est... Genre, c'est juste à côté, Marseille Nice encore, hein, mais la Nouvelle-Zélande, c'est sûr que c'est quand même pas facile. Tu peux pas partir là-bas sur un coup de tête. C'est sûr. Hein, c'est plus compliqué. Encore les États-Unis, ça passe encore, je pense, hein, tu peux encore gérer un petit coup de tête, mais la Nouvelle-Zélande, c'est quand même de l'autre côté, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même 25 heures de vol. C'est juste une galère, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ben, venez nous dire comment est-ce que vous avez viré votre copain ou votre copine. Quelle est l'excuse que vous avez trouvée? Donc l'Italien, lui, a préféré se dénoncer à la police. Oui. En disant qu'il faisait du deal, des deals de drogue et qu'il voulait être enfermé parce qu'il n'en pouvait plus de sa meuf. Ouais, mais au moins il est tranquille là-bas. Ah bah oui, là ça, c'est sûr, effectivement. Si ça se trouve, il s'est peut-être même découvert une nouvelle sexualité. Ah bah oui, là il a la paix là. Bon, et Shirley, on va quand même te récupérer, hein, parce que sinon tu vas finir par m'insulter. Shirley, donc on avait eu le 24 décembre pour Noël, qui nous avait appelé parce que il se faisait harceler par son ex. Ouais. Et donc Toff l'avait appelé en direct. Il s'est fait draguer par la meuf. Oui. Voilà. Du coup, la meuf maintenant te harcèle plus, mais te prend la tête pour avoir une photo de Toff. Voilà. Alors, c'est une solution temporaire, parce que là, pour l'instant, elle ne sait pas quoi il ressemble. Mais le jour où elle verra à quoi il ressemble, elle va forcément revenir te harceler. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah oui. Parce qu'elle va être prise de vomissements, poussée de boutons. Voilà, c'est ça, la maladie, violent, ouais. Et puis elle va décéder, quoi. Elle va décéder voilà, dans l'heure. C'est ça, et en fait, il va y avoir du sang qui va partir, tu sais, elle va pleurer du sang. Tu seras son antidote. Et voilà. Après, il y a un alien qui va lui sortir du ventre, enfin un truc. Ça va être dégueulasse, ça va être une horreur, ça va être horrible. Totalement horrible. Bon, et donc du coup, tu disais que t'avais des nouvelles, toi, parce que elle continue à t'appeler autant qu'avant ou pas? Non, pas souvent. Ah bon, bah voilà, donc t'es plutôt tranquille. Voilà. Et donc, tu t'es en train de me faire comprendre que je t'ai tenu 2h15 dans le standard pour me dire qu'en fait tout va bien. En même temps, j'ai entendu Sandro et tout. Oui, t'as entendu Sandro aussi, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, parce que t'as envie de te taper la reine? Voilà, ouais. Ah bah très bien, tu peux bourrer la reine si tu veux. Comme l'endroit là, bourre la reine. Ah bah, je veux bien. Tu veux bien? Mais est-ce que tu es roi? Parce que seul le roi peut bourrer la reine. Bah oui, j'ai eu la fève aussi. Ah, t'as eu la fève aussi? Eh ben, voilà, magnifique. Si tout le monde a eu la fève, on est au top. Bourrez-vous voilà. Les uns les autres. Le nouveau couple royal est élu. Charlie, Sandro. Voilà. Ça va être comme la reine d'Angleterre, Sandro. Elle va jamais lâcher le trône. Ouais. Voilà, c'est ça. Je lâche pas ma place. Ouais, bon, enfin, elle a déjà tous les jours le trône, hein, aux chiottes, hein. Elle s'installe bien, là. Ah, c'est mon trône. Ah, bah oui, là, je confirme, effectivement. Bon, bah merci, Charlie, d'être passé en tout cas, hein. Est-ce que je pourrais faire une dédicace? Oui, bah écoute, je serais quand même un enculé de te dire non alors que t'as attendu 2h15 dans le standard. Non. Vas-y, Shirley. Bah, je vais faire une dédicace à la bande à Kiki des Marseillais. Bah, très bien, le message est passé sans problème. Salut, à bientôt! À bientôt. Salut, salut, ciao à toi. Salut. Bye. Et puis, ah oui, bonne nouvelle également, c'est vrai que je n'en avais pas encore parlé, mais on va venir faire une émission en direct de chez vous à la maison. Ah, donc on cherche un endroit pardon, je croyais que c'était de chez nous. Non, pas de chez nous, de chez un auditeur ou une auditrice. Si donc ça peut si être vous une voulez... grosse salope, ça nous arrange. Oh, oh là là. Non, c'est Toff, Toff, arrête de faire ça, il a remonté ma voix. Ouais, ouais, t'es vraiment ça, un enculé, Toff. Ce gros connard va te faire enculer. Vous savez, non, je sais pourquoi toute l'après-midi il est venu à 14h au bureau et il s'est amusé à remonter ma voix, Toff. Non, je voulais juste ajouter un truc après ce que va dire Polo. Ce qui est bien, c'est qu'elle aime la double peine. Oh, mais c'est dingue ça. Donc, si vous avez un appart, une chambre, si les vieux sont d'accord qu'on fasse et des l'émission, capotes. Et des capotes. La gueule. Si vos vieux sont d'accord qu'on fasse l'émission en direct de chez vous, hein, dans la chambre, dans le bureau, dans le salon, enfin peu importe. Eh ben, n'hésitez pas, on va faire l'émission comme ça, toute l'équipe. Et puis, si vous voulez venir avec des potes, vous serez les bienvenus aussi. Mais on sait pas encore où. Donc, si vous voulez qu'on vienne chez vous plutôt que non, t'as ferme ta gueule. Ça sert à rien. Surenchérir là. C'est vrai parce que j'avais un truc là, j'en ai rien à foutre. C'est bon, la double PD, c'est bon, j'ai compris là. Donc, personne va vouloir nous recevoir maintenant. Ouais, bah ça c'est clair. Donc si vous voulez qu'on vienne faire l'émission en direct de chez vous, je mettrai un post sur le Facebook demain. Et puis bah inscrivez-vous et puis bah voilà, on essaiera un peu partout, hein, en France, en Belgique, en Suisse, on pourra aller en Suisse, au Canada. Non, en Suisse, c'est pas mal en ce moment. Hein, avec la neige et tout, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ou alors, au Canada, hein, il fait moins 50. Hein, on sera bien là-bas. Pas mal, on fera et puis, il y a plein de Canadiens qui nous écoutent là. C'est pas mal. Ouais, ou alors, Réunion aussi. Hein, pas chipoter non plus dans le détail. Hein, Réunion, pas de problème. D'ailleurs, je tiens à remercier un auditeur de un Réunionnais. Comment il s'appelle, t'offre ah, c'est énorme. Il nous a envoyé deux ananas, des fruits exotiques directement dans une grosse boîte de la Réunion. Des litchis, des mangues. Des litchis, des mangues et tout. C'est la folie. Mais je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié. J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai oublié. Comment? Frédéric. Eh ben Frédéric, merci beaucoup. Ouais. On va faire les photos maintenant avec les ananas. Énormes les ananas. En plus, j'adore. Ouais. J'adore les ananas. Donc c'est les deux ananas sont pour moi. Hein. Pas plus loin. Je vous laisserai les autres si vous voulez. C'est pas un problème. Les donc, autres quoi donc merci beaucoup. Bah, les autres fruits. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment super gentil. On vous mettra les photos là. Donc à la Réunion, ce serait bien d'aller chez Frédéric. Hein, vu que ça a l'air sympa chez Frédéric en plus. Bah, ne fût-ce que pour le remercier, c'est la moindre des choses. Voilà. Stéphanie qui dit moi, je cherche un moyen de jeter un mec avec qui je sors même pas. Oui, c'est bizarre ça, Stéphanie. C'est un complexe, c'est compliqué. Ouais, c'est bizarre. Sauf si tu parles de Toff, peut-être, je ne sais pas, mais à ce moment-là, c'est compliqué, effectivement. Bon, donc du coup, on va faire l'émission en direct de chez vous. Si vous avez envie, qu'on vienne s'installer à la maison le temps d'une émission, ce sera un dimanche soir. Hein, donc comme ça, on termine pas à 2h du mat, on fera un 20h minuit. Un dimanche soir, si vous voulez qu'on vienne chez vous, vous êtes les bienvenus avec vos potes également, sans problème. On en parlera évidemment dès demain soir à partir de 23h sur Fun Radio et sur le Facebook de l'émission également. On va s'écouter Lady Gaga maintenant sur Fun Radio. What you want. On fera d'autres appels. On va récupérer Aurélien dans quelques minutes là, qui a kiffé sur le mec de son meilleur pote. Non. Normal. Non, de sa meilleure amie, de sa sœur. Non. Son mec, de sa mère. Sa meuf. De sa meuf. De oui, sa meuf. C'est de sa meuf, c'est oh, ça. C'est encore pire. Eh ben, c'est encore pire. On en parle dans un instant après Lady Gaga. C'est la nuit sans pub. Mickaël No Limit sur Fun. Le son de Lady Gaga sur Fun Radio avec Do What You Want. Il est 1h22 sur Fun. Il y a Julie qui envoie un message depuis l'application Mickaël No Limit là, qui est disponible gratos sur iTunes. Salut, je veux m'inscrire à l'avance pour que vous soyez chez moi pour faire l'émission. J'habite à Cognac, le trou du cul du monde, ou de Toff d'ailleurs, mais il faut venir quand même. Il y a trou du cul, on aime bien. Eh ben voilà, c'est ça, exactement. Et ça peut être un bon plan. Qu'est-ce que tu cherches, Toff, encore là? Le couteau, il est là. Il est là, il est gros comme une maison là. Il est là, on voit que lui, on voit que le couteau. Non, parce qu'on nous a ramené des galettes. Il veut saigner Polo là. Il veut se débarrasser du vieux. Il y a Dean aussi qui dit venez dans le Jura, je vous accueille avec plaisir. Il y a le prince Talia qui dit je vous accueille sans aucun problème. Je suis toute seule dans ma maison, j'adore l'idée en tout cas. Super concept, Mickaël. Bah écoute, de rien, le prince Nadia. Mister Steven qui dit ça. Bah, en fait, ça fait 3 ans que je veux faire ce truc. Ça fait 3 ans que j'ai envie de faire une émission en direct de chez un auditeur ou une auditrice. Et donc, du coup, on peut enfin le faire. Donc, on y va là, c'est parti. Allons-y. Il y a Mister Steven qui dit ça peut être pas mal ça, l'émission en direct de chez quelqu'un. Bah oui, depuis qu'on a fait l'émission hier en direct de New York, je peux vous dire qu'on peut le faire partout. Hein. Abdou qui dit double péné à la carbonara. Bon, je me casse. Ok, Abdou, bonne soirée alors. Hein. Salut à toi, Abdou, à bientôt. Bon, allez, tous vos messages en direct, vous les balancez maintenant. 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. On fait encore des petits appels, Toff? Mais quand tu veux, moi je suis allez, prêt. C'est parti, puisque Toff, c'est. Le roi. Je suis le roi. C'est octroyé le statut de roi. Oui, j'ai fait un coup d'état. Un coup d'état, exactement. Ouais. Et donc, du coup, on appelle depuis tout à l'heure tous les numéros que vous nous avez balancés. Il y a beaucoup d'appels ce soir parce qu'on a eu beaucoup de numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, puisque il appelle en disant qu'il veut son dû, quoi, en fait, tout simplement. Bah, je veux mon statut de roi, qu'il soit honoré. Tout à fait. On avait appelé en Corse tout à l'heure, là, ça s'était plutôt mal passé, hein. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais moins pire que d'habitude hein, pour un appel en Corse. Oui, hein, je l'ai trouvé un peu mou. Ah oui, c'est vrai, oui. Le gros connard va te faire enculer. Voilà, c'est ça. C'était pas ça, mais enfin bon, pas loin quoi. Bon, allez, c'est parti, on y va. Je sais pas du tout où on l'appelle là, mais on appelle. Et puis on récupérera Aurélien juste après. Bougez pas. Allez, Aurélien. Non, Aurélien, on va le prendre dans un instant. Allô. Ah. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai tiré la fève. Bon, mais c'est très bien. Bah oui, mais donc... Je n'aurais plus qu'à mettre la couronne. Allez, bonne soirée, hein. Oui, mais je voulais venir tirer la reine, monsieur. Ah oui, mais il est parti, là. On n'avait plus qu'à mettre la couronne. Bon, on va le rappeler. Je pense qu'il n'avait pas tout compris. En même temps, il nous a pas laissé le temps. Petit enculé. Allô? Oui, mais attendez, monsieur, parce que maintenant que j'ai tiré la fève, maintenant je veux venir tirer la reine. Bon, écoutez, vous appelez pourquoi? Ben pour tirer la reine, monsieur. Comme je suis le roi. Alors, vous allez tirer qui vous voulez. Arrêtez de m'appeler de suite. D'accord. Mais votre femme, elle est ça vous va ou ça vous va pas? Bah non, ça me va pas, monsieur. Bon, alors maintenant, vous arrêtez de m'appeler. J'ai pas envie de discuter avec vous. Bah c'est oui, clair. Mais enfin, monsieur, moi j'ai tiré la fève, je suis le roi. Bon, écoutez-moi, espèce de petit con. Tu vas arrêter. Mais enfin, monsieur, vous pouvez pas m'appeler petit con, appelez-moi monseigneur ou appelez-moi sire, mais enfin, je suis le roi. Ah non, il a raccroché, c'est dommage. Écoute, petit con. Petit con. Mais il est pas mal celui-là, écoute le petit con. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure, encore avant 2h du matin, rassurez-vous. Il y a Let's Be Freaks qui dit ma porte vous est grande ouverte, la team, et pas que ma porte pour toi. Mais est-ce que la porte de derrière est ouverte? T'inquiète pas. Je pense qu'elle s'est ouverte toutes les portes. Ouais, il y a Valoche qui dit venez à Toulouse, j'ai une maison et de la place, mais venez surtout avec le roi Toff. Oh là, quelle horreur. Merci Valoche. Et Franck qui dit elle est célibataire, la reine, beau gosse de 35 ans avec du bon matos, si tu veux monter téléphone, Sandro, avec plaisir, ma belle. Oh, avec ma belle. C'est dommage qu'il ait rajouté bon matos et compagnie, c'était pas obligatoire. Bah, bon matos, c'est peut-être les biceps. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas forcément la bite. Ah, j'ai l'esprit mal placé. C'est parce que Sandro, directement, elle pense, elle ou pense alors, à c'est ça. Du vrai matos de. J'entends ça toute la journée. Non, mais c'est un vrai matos de plombier, des trucs comme ça. Il a des déguisements. Ouais, voilà, c'est ça. Il est peut-être bien. Bastien qui dit hello, venez faire l'émission en Suisse à Genève. Pourquoi pas, c'est bien ça. Il y a Ariel aussi qui dit, vous pouvez venir faire l'émission chez moi à condition de ne pas emmener Toff. Ah, ben voilà, Ariel. Elle a quelqu'un qui a du goût. Il y a Johan avec l'application qui a envoyé son message, là, avec l'application Mickaël No Limit sur iPhone, iPad et iPod. J'habite à la frontière suisse, venez avec vos snowboards, vous êtes les bienvenus. Enfin, pas Toff. Ah ouais, mais moi j'ai la planche en plus, évidemment, on peut venir avec plaisir. Ou alors on prend Toff et on le met en bonhomme de neige. Et on s'en sert de snow, on fait de la luge sur sa tête. Ou en bonhomme de neige. Ouais, mais j'aime bien l'idée, moi. Tu mets une carotte sur le pif. Non, justement, avec Toff, t'as pas besoin de mettre de carotte. Ah oui, le nez, t'as marre. Attends, moi j'ai. je suis auto-carotté. Auto-carotté, exactement. Bon, allez, Aurélien est avec nous, donc de l'Aisne. Aurélien, t'es là? Aurélien. Ouais, je suis là. Ah, voilà. Alors, Aurélien, tu nous avais appelé parce que tu es tombé amoureux du mec de... J'ai oublié. Non, du meilleur pote de sa... Non, du mec de sa meilleure amie. Du mec de ta meilleure amie. Non, ouais, le mec de ma meilleure amie, ouais. C'est ça, exactement. Bon, et t'es la meilleure amie depuis combien de temps? Bah, c'est ma meilleure amie depuis 15 ans, tu vois. Ah ouais, moi, donc... j'étais parti dans le sud et je suis revenu et elle avait un mec, quoi. D'accord, ok. Bon, mais lui, donc toi t'es amoureux de lui, mais ça se trouve, lui, il est pas gay du tout. Bah, je sais pas, je voulais lui demander ce soir, justement. Ah, tu veux qu'on l'appelle en direct? Ah, bah, très bien. Bon, ça. Mais attends, parce que juste, parce qu'elle est avec lui depuis combien de temps? Bah, elle est avec lui depuis 5 ans. Ah ouais, quand même. Une question importante, non, mais tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Faire quoi? Je sais qu'il y a un petit peu moyen avec lui, tu vois. Ah, donc il serait bi? Tu veux lui faire quoi exactement, en fait? Je sais pas, bah. Mais je vais l'appeler! C'est une déclaration normale. Non, c'est ça, d'accord. Ouais, mais après, une fois que tu l'auras déclaré. Bah, après, on verra ce que ça fera. Non, mais dis-nous, parce qu'il y a un moment donné, nous, on connaît pas. Donc vous êtes deux pervers, en fait. C'est un truc de ouf, quand même. Mais non, mais. Il s'appelle Christophe. Et il s'appelle Christophe. Ah, il s'appelle Christophe. Pas besoin de l'appeler, il est là. Tu rigoles, mais parce que. Mais j'ai pas dit le contraire. On a Toff aussi. Lui aussi, recto verso, si tu veux. Ah, mais il n'y a pas de Toff, là. C'est Christophe. Non, mais d'accord, oui, je sais. Mais lui aussi, recto verso, si tu veux. Non, mais lui, il est recto vers moi, c'est tout. Mais tu vas lui faire quoi? Ben, moi, je vais lui faire une déclaration. D'accord. Et après? T'es plutôt passif ou actif dans le couple? Moi, après, c'est ma meilleure amie, j'espère que l'acceptera. Après, voilà. Ouais. Tu as éludé cette question quand même. Hein. Est-ce que tu es plutôt passif ou actif dans le couple? Je suis actif, moi. Ah, bah, toi, voilà. T'es intéressé encore une fois. Bah oui. Ah, moi, je suis actif, moi. Bon, écoute, bah très bien. Je suis un peu constipé en ce moment, ça fera peut-être. Non, Toff, putain. C'est plutôt actif ou passif? Bah Toff, il est passif, lui, il fait que ça, lui, il se met à quatre pattes, mais il attend. Actif, Toff, t'inquiète. Ouais, oui. Bon, et du coup, quand tu dis que tu penses qu'il y a une ouverture avec lui, qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, si tu préfères, on a été au restaurant la semaine dernière. Bah, moi, je préfère en rien, moi, je m'en fous. C'est pas gentil, ça. Mais non, mais je rigole. Ouais, je sais. Non, mais j'étais au restaurant la semaine dernière au chinois et il m'a fait des petits trucs, tu vois, j'ai vu que voilà. D'accord, ok, tu as vu que voilà et tu as vu que voilà. Ça bon, vient. J'ai vu. Non, mais j'ai vu que tu vois. Bah, t'as senti que ça pouvait glisser, quoi. Voilà, c'est ça. Ça glisse. Parce que le mec, ça fait quand même 5 ans, donc très bien. Et il s'appelle comment le mec? Patrick. Patrick, d'accord. T'as donné le numéro de téléphone à Sandro? Non, je l'ai pas donné. Non, bah attends, bah, je vais te le donner. Je te repasse Sandro, Aurélien, là. Bouge pas, on va l'appeler dans quelques minutes, le Patrick. Et Christophe, c'est qui dans l'histoire alors? Il y a. Quoi, Christophe, c'est qui dans l'histoire? Bah, c'est le mec de la meilleure amie. Oui, ah, oui. Patrick, alors c'est qui? C'est qui Patrick? Qui vient nous dire Patrick? Ah oui, oui, effectivement, oui. Attends, ramène-le de ramène-nous là, ramène-nous-le. Aurélien! Ouais? C'est qui Patrick? Bah, c'est le copain de ma meilleure amie, si tu préfères. Et c'est qui Christophe? Christophe, mon frère, et voilà. Mais après, je peux parler trop comme ça en antenne. Appelle Patrick. Bon, on va l'appeler parce que je pense qu'on peut se marrer. Bon, bouge pas Aurélien, reste avec nous. Il y a un message de Mr. Steven qui dit: logiquement, un bon roi obtient tout ce qu'il veut, donc Toff n'est pas un bon roi vu qu'il n'a rien. Oui, pas faux, Mr. Steven. Ouais. Et Nico aussi, qui a envoyé son message depuis l'application Mickaël No Limit, que vous pouvez télécharger gratos sur iTunes. Venez chez moi, appelez 20 pour votre émission en direct, c'est aussi le trou du cul du monde. Mais je vis dans un bar-resto. Nico du 22, si tu nous prends par les sentiments. Alexou qui dit: mort de rire, Toff, tu es dégueulasse, putain de constipé de merde. Non mais c'est vrai, là pour le coup c'est scandaleux, c'est la honte. C'est pas immonde, c'est au-delà de l'immonde. Ouais. Moi? Non, t'as fait immondice. Ouais. Voilà, c'est encore au-delà de tout là. Au-delà de... Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Oui bah moi non plus je comprends pas, effectivement. Ah bon, tiens, c'est assez bizarre. Tiens, puisqu'on était là-dedans. On va aller dans le caca. La transition n'est peut-être pas forcément énorme. Est-ce que vous mangez des trucs bizarres? Je ne mange pas mon caca. Non, mais ça, j'espère bien. Non, mais parce que Toff, par exemple, il bouffe des crottes de nez. Oui, ouais. J'adore ça. Voilà. Et à mayo ou ketchup, c'est l'horreur. Et il mange en plus. Mais oui. Bah oui. Celle qui colle c'est pas. C'est ça qui fait le truc. Voilà, c'est ça. Et il y a une américaine, en fait, qui bouffe, elle, des matelas. Alors, elle mange des vrais matelas en mousse. Donc là, elle entame son 8e. Et l'avantage, évidemment, c'est que ça périme pas. Donc ça, c'est cool. Et elle peut en garder pour le lendemain. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous mangez des trucs un peu bizarres. Sandro, toi, tu dois manger des trucs bizarres, toi, non? Moi, non. Allez, je fais le régime du con. Non, je mange de tout. C'est bien mon problème. Mais par contre, j'avais une prof, elle bouffait ses craies. Ouais, en plein cours. Ouais, j'ai l'impression que je me souviens de ça aussi. Et, moi. Et pas que les craies, elle bouffait, elle s'attaquait aussi aux feuilles. Tu sais, les feuilles A4. Mais c'est un truc de malade. Parce qu'elle était stressée, la pauvre, elle en pouvait plus. C'était enfin, de là à bouffer du papier. Zep. Elle en pouvait plus, la prof. Et elle mangeait, ouais, la craie. On dit la vérité et après elle s'est suicidée. Non, j'espère pas. Bah oui, c'est mieux, ouais. Bon, donc dites-nous, venez nous dire si vous mangez des choses étranges, du papier, bah justement on en parlait, des plantes, des objets, n'ayez pas peur d'appeler hein, pour nous en parler, il n'y a pas de problème. Mais tu manges quoi toi? À part mes crottes de nez, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, les après. Pieds de porc, ça fait grossir alors. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, non, moi je mange tout le cochon, mais ça c'est pas. Ça reste de la bouffe à peu près traditionnelle. Ah bah. Des pieds, des pieds, mec. Des pieds de porc. Tout rempli de gélatine dégueulasse. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon à la vinaigrette là. Oh là là là. Oh là là. Je connaissais rien. Ouais, bon, c'est ce qui est mauvais. Ah, j'ai de la langue si vous voulez. Non, ça ira. Moi, on va envoyer un petit peu de la langue de porc. Non, c'est pas de la langue de porc, c'est de la langue de bœuf. Parce que la langue de porc, c'est pas bon. Ouais, langue de porc, il y a rien à manger. Comment est-ce qu'on peut bouffer une langue? Tu vois, t'as la langue là, tu commences à bouffer. C'est super bon, tu fais un bouillon et tout, après ça te fait de la soupe, enfin bon, une histoire. Ouais, bah je préfère pas savoir. Et donc, tout ça pour dire que quoi? Tout ça pour dire que j'avais une prof qui. Enfin, c'était une prof qui bouffait des plantes. Enfin, tu sais, j'entais les espèces de plantes vertes, elle en avait une sur son bureau, et en fait, son tic, c'était de la sucer pendant le cours. Donc, du coup, ça excitait Toff. C'est ça qui est traumatisé, le petit. Ouais. Oui, non, parce qu'elle était démesurée, cette prof. Hein, je vais baiser aussi. Elle était aussi large que grande. Oh là là, mais t'as vu ta gueule? Oui, mais je suis pas aussi large que grand. Oui, mais enfin, t'es aussi con que con, hein, par contre. Hein. Oui, ça oui. Ça, de ce côté-là, on est tranquille. Bon, on va appeler le mec dans un instant, Aurélien. Tu restes avec nous. Il y a Emery aussi qui dit: si vous venez chez moi, vous aurez pas besoin de voyager loin, j'habite à Paris. Ah oui. Ça a vu comme ça, effectivement. Note pourquoi pas après. On peut encore tirer les câbles par la fenêtre de la radio. Oui, c'est ça, on va mettre un câble juste dans la rue en face. Donc on écoute 2000 Levato maintenant sur Fun Radio avec Neon Lights, où on est au cœur de la nuit. Sans pub évidemment sur Fun Radio. Comme tous les soirs, de 23h à 2h, c'est ici que ça se passe sur Fun Radio du lundi au jeudi. Et évidemment également le dimanche soir de 20h à minuit, il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Il y a Julie aussi sur l'application qui dit: moi je mets du Nutella dans du jambon blanc. Oh du Nutella dans du jambon blanc. Par contre, à base de Nutella, ils font ça souvent chez les Japonais. Tu sais, c'est des boules de riz, des sushis, en fait. Des sushis. Voilà, ouais. Et dedans, ils mettent du Nutella. Ouais, et ça, au ça début, me choque peut-être un peu moins. Encore c'est que, faut super voir. Bon. Ouais. Oh, ouais. C'est une tuerie. Oh l'horreur. Oh. Bon, dites-nous si vous bouffez des trucs bizarres. Là, on en parle jusqu'à 2h. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et je l'ai promis, le son de Demi Lovato maintenant, c'est Neon Light sur Fun Radio. It's freaking out. Be still my heart, 'cause it's freaking out. Demi Lovato sur Fun Radio, Neon Lights. Il est 1h38, on est toujours en direct. Hein. Venez délirer avec nous, on est là jusqu'à 2h sur Fun Radio, comme tous les soirs. Il y a Granville qui dit: venez en Martinique, ça vous changera le soleil tous les jours. Bah, moi j'en viens, pas de la Martinique, mais du soleil tous les jours, donc ça plutôt cool, mais avec grand plaisir en Martinique. En Martinique, bah, ça très bien. Ça très bien, on va aller directement. Oui, par contre, il va falloir que tu baisses le rythme, mon garçon. Ah bah oui, là, on va pas speeder tout le monde. Là, mon garçon, tout va bien, on a tranquille. tranquille. Oui. C'est la match unique. Attends, qu'est-ce qui t'a, oui. Tranquille, tranquille. Ben écoute, Grandville, avec plaisir. Un warm coco et ça repart. Ah bah très bien. Mais tu mettras une pina colada. D'accord. Très bien, je le prendrai la semaine prochaine. Ah oui, hein, te presse pas. Voilà, Stéphanie qui dit j'ai déjà fait manger à ma soeur des crêpes avec de la confiture et du saucisson. Elle a trouvé ça bon. Quelle horreur. Pourquoi pas. Note, moi j'aime bien par exemple, ce que j'aime bien c'est genre Pizza Hut ou n'importe où, mais bon, Pizza Hut, pizza hawaïenne. Oh. Et puis, tu sais, quand tu la manges pas complètement, tu la fous au frigo et le lendemain matin au petit-déj, froide. Mais c'est dégueulasse. Ah, si, moi j'ai bouffé avant. Alors, rappelons que la hawaïenne, il y a de l'ananas dessus. Il y a de l'ananas, ouais, c'est ça, c'est exactement, ça. Ouais. Il y a Julie qui dit putain, 2000 Lovato, Mickaël, je t'aime. Je savais pas que tu avais accepté de la passer, mais ça fait trop plaisir. Oh. Bah oui, Julie, bah, en même temps, je l'ai mise déjà depuis l'année dernière, hein, Julie, là. Il faut écouter plus souvent, Juju. Il y a Valoche qui dit et moi, c'est du tartare dans du jambon blanc. Mmh. Oh là là. Oh. Le prince là, qui dit moi, je mâchouille mes crayons de papier, je ne mange pas, mais j'adore les avoir dans la bouche. Et TheGogo4845 qui dit moi, je bouffe du papier, c'est bon. Il y a Dédé qui dit moi je mange du kilomètre et en grande quantité. Et Johan qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit. En cours, je mâchais des boules de scotch. Ah ouais, c'est original ça. Bah appelez-nous encore, hein. Qu'est-ce que vous bouffez des trucs de en particulier? 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0 depuis la Belgique. Aurélien. Le retour, Aurélien qui est en kiff sur le mec de sa meilleure amie qui voulait l'appeler en direct là, qui avait un petit peu perdu la boule puisqu'il ne connaissait plus son prénom. Hein, ouais. Christophe, Patrick. Ou Patrick. Donc comment il s'appelle alors? Vraiment le mec que je kiffe? Ouais. Patrick. Patrick. Bon, donc on l'appelle maintenant alors? Ouais, allez, vas-y. Ah bah moi c'est comme tu veux, moi je... Non, allez, vas-y, tu veux pas, on te force pas nous. Hein. C'est ça, moi. Ouais, je vais lui dire, vas-y. Bon, allez, on y va. C'est parti, Aurélien. Vas-y. Allez, hop. Il faut pas que ma meilleure amie réponde. Ah bah ça, après, on peut pas savoir. Hein. Sinon, tu lui dis salut, je me suis trompé de numéro, on te rappelle. Bon, l'histoire du... Parce qu'il est, il nous entend plus. L'histoire du prénom, ça paraît bizarre. Allô? C'est la meilleure amie, dommage. Ouais. Perdu. Ouais. Je pourrais parler à Patrick, s'il te plaît. C'est Aurélien? Ouais. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, tranquille? Bah ouais, ça va, et toi? Bah ouais, ça va, toi? Tranquille, mais je voudrais parler à Patrick, s'il te plaît. Et toi, ça va? Ok, vas-y, je te le passe. C'est important. Et toi, ça va? Merci. Ça va, et toi? Ah. Allô? Allô, Patrick? Ouais, bien ou pas? Ouais, ça va, bien, ça va. Tranquille, et toi? Ouais, ça va, mais j'aurais un truc important à te dire. Quoi? Bah, tu vois, les dernières fois qu'on était au resto au chinois? Hein? La dernière fois qu'on était au restaurant chinois. Ouais. Il s'énerve, il sait même pas quoi. Il y a des trucs entre nous, tu vois. De quoi? Il y a eu quoi? Bah, des trucs entre nous, tu vois. Enfin, je sais pas si t'as remarqué moi, mais c'est quel bord je suis et j'ai senti des trucs. Avec toi. Je sais pas ce que t'as senti, ça y est. Bah, je vais être honnête. À part quand je me suis déplacé vite fait, je t'ai tapé la chaise contre ton genou, sinon je me rappelle pas de ce que t'as senti. Bah, voilà, moi, j'ai senti fait des gros trucs films, et moi, je suis amoureux de toi, je veux dire, Patrick. Quoi, pardon? Je suis amoureux de toi. T'es amoureux de moi? Oui. Tu te fous de ma gueule, quoi, là? Bah, je rigole pas, Patrick, je te le dis, après, j'espère que... Ça fera pas bizarre avec Lucie, mais je préfère le dire, quoi. J'espère que ça fera pas bizarre avec... Non, ça va passer crème. Ah bah oui. Bah, Lucie, normalement. Voilà, elle va rien dire, elle est cool. Moi, je suis amoureux. Ah ouais. Je suis Lucie, c'est ma femme. Lucie, c'est ma femme. Je suis son... Non, c'est pas grave, c'est pareil. Rien avec moi, voilà, il y a rien d'autre à faire. Hein? Tu m'as jamais fait du pied? Non. Bah après peut-être vite fait, mais sinon voilà. Peut-être alors, vite alors, fait. Alors Patrick, toi, peut-être que tu sais pas ce que tu es, mais tu y es. Arrête un peu de. Mais il est sérieux. En gros, tu me dis ça. En gros, tu me dis ça au téléphone. Mais pourquoi tu me le dis Lucie, pas en face? Lucie, l'entend là. Bah ouais, l'entends. Mais pourquoi tu me le dis pas en face? Mais pourquoi tu mets le haut-parleur aussi là? Il y a pas le haut-parleur, c'est parce que tu sais très bien comment elle est Lucie. Lucie, elle est derrière moi à chaque fois. Elle écoute. Oh putain, là, il a Gestapo derrière, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère me dire comme ça, c'est tout, c'est... Voilà. Mais j'hallucine! Non, mais arrête. Bah, vas-y, dis-lui qu'elle arrête, c'est tout. Je préfère le dire. C'est bon, après. Et toi, comment tu te ressens? Bah, moi, je sais pas, moi, tu... Y'a rien avec moi. Non, ça, c'est cool. Voilà, point. C'est... Là, t'es en train de me saouler, quoi. C'est... Ah, tu m'as pas dit non, tu m'as pas dit oui. Mais si vous bougez, Non, mais attends, mais c'est pour toi. Mais non, c'est une blague, en fait. C'est une blague que t'as pas. Mais je te promets, Patrick, c'est la vérité. Mais tu m'appelles comme ça pour me dire ça normal, quoi. T'es amoureux je de moi. Je préfère te le dire devant tout le monde plutôt que te le dire, voilà, c'est tout. C'est pour, voilà. Moi, quoi, je suis sûr de mes sentiments, Patrick. Il y a qui avec toi? Il y a qui avec toi? Bah, il y a la radio, gros. T'es défoncé, en fait. Tu dis devant tout le monde, en fait. T'as vu là les gens et tu dis la merde. Je suis pas défoncé, et là, à cette heure-là, t'es sur fin de radio, mon pote. Quoi? En plus, tu me dis ça à fin de radio, normal, quoi. On va le laisser guérir, ouais. Comme d'habitude. Il a mérité. En tout cas. Bah, c'est Patrick Marol. Il est con, le il le balance. C'est sérieux? Eh, va te faire enculer, sérieux. Tu fais des trucs comme ça, t'es un fou. Bah, Patrick, désolé. Ouais. Allô? Ouais, tu fais... Eh, Aurélien? Patrick, écoute-moi. Je veux plus me cacher. Ouais, bah c'est trop tard, il vient juste de raccrocher. Juste au moment où tu dis je t'aime, il raccroche. Pas de bol. Mais il raccroche jusqu'au moment où je t'aime. Bah oui, juste avant. Donc il a pas entendu. On le rappelle? Bah, c'est dégueulasse, ça va, on rappelle. Bon, attends, on va rappeler. Bon, hop, c'est parti. On y va. Allez. Tu veux une musique romantique? Ouais, ils ont mérité, ils ont mérité. Une musique de... Eh, tu connais... Oui. Roy. Allô. Roll, je sais pas quoi. Allô. Ouais. Ah, laisse tomber. Vas-y, allô. Ouais. C'est qui, là? C'est Lucie? Non. Ah ouais, c'est Lucie. Tu peux me passer Patrick, s'il te plaît? Non, c'est l'autre. Ah non, ça ne passe pas, t'es fou. Bah, pourquoi? Mais rassure-moi, t'es défoncé. Ben non Lucie, non mais j'ai tout à dire à Patrick important, franchement. Je sais tout. C'est soit t'es défoncé, soit c'est une blague, ou alors tu déconnes là. Ben non mais franchement, fallait que je le dise, c'est tout. Désolé Lucie si je te fais du mal, mais franchement, fallait que je le dise, c'est tout. Alors mais tu peux lâcher l'affaire, je te le dis tout de suite. Ben qu'est-ce que t'en sais déjà? Ben je le sais, c'est tout. Tu as demandé s'il était d'accord? Ben bien sûr. Allô, déjà, dis pas comme quoi t'es amoureux de moi comme ça devant toute la France. En plus, tu dis mon prénom, tu dis n'importe quoi, t'es pas amoureux de moi. Tu veux juste, c'est que du cul. Et en plus, tu sais pas quoi, c'est ton cul, il a servi à plein de bites. Et là, maintenant, tu m'appelles pour dire que t'as merde. 30 classes. Va te faire foutre. Dis pas que t'es amoureux de moi alors que t'es pas amoureux de moi. Bon, Toff, prends la place, là. Va te faire enculer, bouge, parle pas avec toi. Il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Bon, il est reparti. Bon, ben Aurélien, je pense que ça a l'air compromis, hein. Non, mais pourquoi c'est comme ça? Ah bah ça, après, écoute, ça a l'air plutôt compromis. Parce que la radio, il a peur. Bah oui, mais il le savait pas au tout début qu'il était à la radio, donc moi je pense qu'il est juste pas gay, en fait, hein. C'est dommage, mais non, c'est comme ça. Non, moi les coups de pied dans le pied, je l'ai senti il y a deux ans. Mais regarde, parfois avec Polo, on met des gros coups de pied dans le cul de Toff, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité, c'est juste pour le dégager, tu vois. Non, mais Toff, c'est pas des pieds que j'ai envie de mettre dans le cul. C'est quoi? Je dis rien, je suis à la radio. Oui, bah tu peux, t'inquiète pas, c'est pas, tu peux tout dire. C'est mettre ma... Hein. Allez, on va faire vite fait, parce qu'il y a des enfants à la radio. Ta main, ton doigt, ta langue. Ma langue, ma bite, ouais. arrête, ça va l'exciter, là. Il y a le téton qui pointe, là. J'ai le téton qui se frise, là. Alors qu'il est, Patrick, à mon avis, il a la bite qui mord, hein. Je sais pas. Mais peut-être que c'est avec sa copine, hein, qui est en train de border, on sait pas. Non, mais sa copine, laisse tomber, gros. En même temps, c'est ta meilleure amie, donc t'es donc... C'est ma meilleure amie, justement. Je sais de quoi elle est capable. D'accord. Elle va avoir des femmes, elle. Ah d'accord, ok, bah voilà l'histoire, tiens. Pourquoi j'étais voir Patrick à ton avis? C'est parce que vraiment je savais qu'avec ma meilleure amie c'était mort, sinon jamais j'aurais été voir Patrick. D'accord, bah parce que maintenant c'est bien, c'est comme ils écoutaient la radio apparemment, maintenant ils sont au courant de tout. La radio, tant mieux qu'ils écoutent Lucie, t'as été voir les femmes, bah moi je vais voir ton homme. Voilà, et bah comme le message est passé. Bon bah tiens-nous au courant Aurélien. Ouais, y a pas de soucis. Allez. Bon, ça roule. Salut Auré, à bientôt. Allez, vas-y, salut, ciao, bonne ciao soirée. À toi Aurélien, merci à toi. Et tu reviens quand tu veux. On va prendre Anthony dans un instant. David aussi, là, qui voulait qu'on parle de ce qu'il bouffe, de trucs un peu bizarres. On va faire ça juste après le son de The Flute, maintenant sur Fun Radio, The New World Sound. Il y a Simon qui dit, moi je bouffe des chats. Sur l'application Mickaël de Limite, il y a également 69 degrés sur Twitter qui dit, mort de rire. En fait, moi je dors à 18h quand je bac du school et je me réveille pour Mickaël. Et après je finis avec mes devoirs. Ouais, c'est original ça, c'est plutôt original. Allez, bonne nuit, il est 1h48, c'est la nuit sans pub. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Le son de New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Il est 1h51, il y a Bamba qui dit j'aime mâcher de la mousse mais je ne la mange pas. C'est encore mieux heureusement. Ariel qui dit chocolat plus viande crue plus fromage. Si tu mâches pas ça passe tout seul. Ouais, mais enfin c'est un peu de pas mâcher quoi. Mélanie qui dit je bouffais des fois des serviettes en papier petite. Oh. Ok Mélanie. Il y a Frédéric Alba qui dit venez à Charleroi, c'est beau, il neige jamais. Ouais parce que même la neige quand elle atterrit elle se dit oh putain. Oh, oh merde c'est Charleroi. Ouais. Oh, on rigole. D'ailleurs, le meilleur endroit de Charleroi, pour moi, c'est le Nirvana. C'est un bar qui se trouve tout près du stade de foot. Ouais, c'est parce que ça fait pas Charleroi, en fait. Non, mais franchement, c'est bien. C'est une petite terrasse et tout à la cool. Bon, là, maintenant, il fait un peu froid, mais je veux dire, en été, c'est cool. Et puis surtout, ils font des cocktails. C'est-à-dire qu'ils ont une carte. Il y a 6 ou 7 pages. Rien qu'avec ça, c'est la folie totale. Et Jean-François aussi qui dit mange des chipolatas cuites avec du vin rouge. Oh. Et Julie qui dit je sais pas si c'est plus bizarre que mon jambon, mais je mets du fromage sur des chips. Je mets ça au micro-ondes. C'est trop bon. Oh. Ah ouais, ça a pas l'air terrible là comme ça, mais bon, on continue à en parler. Tiens, maintenant avec Anthony qui est avec nous de Charleroi justement. Salut Anthony. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va tranquille. Tu connais le Nirvana? Hey, j'espère qu'il vous fera un verre gratuit hein, quand j'y retournerai. Le Nirvana là, Charleroi, tout près du stade. J'ai entendu parler, mais j'y vais jamais. Ah bah il faut y aller, c'est bien, c'est génial. Tout est noir et il y a des petites loges. Des petites loges. Oui, c'est pas un bar à pute, hein. C'est... Non mais vu comment c'est vendu comme ça par Polo, t'as l'impression qu'il y a une meuf mais qui non, va arriver. Mais en fait t'as plusieurs étages, on dirait des apparts. Ouais c'est ça, ça exactement. Fait des petites loges, c'est génial, j'adore. Si tu veux que tu tires un coup un peu rapide, il y a moyen. Ouais c'est t'attends super. Que le serveur enfin, c'est pas prévu. Moi je suis en train d'essayer de négocier un verre, tu viens de tout niquer là. Mais pas mais du tout. Raison. Je suis sûr que les serveurs ils savent très bien qu'il y a des gens qui font des trucs bizarres là-haut. Ça c'est deux choses différentes. Bon du coup Anthony, tu nous appelais parce que tu mangeais des trucs bizarres toi, c'est de ça dont on parlait. Ouais. Alors ben que tu manges? La mousse. Le lit. Ah mais toi aussi alors comme la meuf là qui mange ça, elle mange des matelas. Ouais mais moi j'avale pas, ça marche mais j'avale pas quoi. Mais ça doit être dégueulasse, ah ouais, c'est horrible. Déjà moi rien que le toucher ça me donne envie de vomir. Ouais, rien que d'imaginer que je suis en train de mâcher le truc, c'est oui, ça peut me faire. Ah non, gerber, moi je pourrais même pas le mettre dans ma bouche quoi, juste le toucher avec les doigts déjà. Bon, ça... t'as jamais des trucs dans mais ta bouche, mais plus dégueulasse. Hein. Toutes les merdes possibles imaginables ouais, tu as mis dans ta mais bouche. La mouche, je peux pas. Tout ce qui est en mousse, je peux pas. T'as bouffé des fions, t'as ouais. bouffé des pieds de porc. Mais c'est ça, et même par exemple la salade verte, ils mangent pas. Voilà. Non. Ni les tomates. Tout ce qui voilà. est propre, tout ce qui est sain. Voilà, c'est ça, ouais. Tout ce qui est bien, c'est. Ouais, c'est non, je mange ouais, que c'est du caca. Voilà, ouais. Moi je mange que la merde de la merde. L'horreur. Bon, il y a Harmony qui dit ma cousine mangeait de la crème Nivea étant petite. Ah non, mais faites pas ça, j'ai pas tout n'importe quoi non plus. Les trucs, ça peut être dangereux, donc faites gaffe quand même. Bon. Il y a un truc que j'aime bien manger, les gens ils trouvent ça bizarre à chaque fois, mais tu sais, dans les avions. Ouais. Quand t'as du lait en poudre. Ah oui. J'adore manger ça. Ah oui, non mais pourquoi pas après ça ouais. à la limite why not. Tout le monde s'en fout de moi. Ouais, complètement. Ah d'accord, pardon, moi je Et Anthony, comment c'était venu cette histoire de matelas, enfin ouais, de mousse? Comment t'as mangé un matelas pour la première fois? Et comment ça s'est venu la première fois? Parce qu'aujourd'hui que tu kiffes, c'est une chose, mais comment à un moment tu dis tiens, je vais goûter ça? Bah, j'ai voulu goûter, j'étais stressé, ça m'avait détendu, mais j'ai trouvé un autre truc maintenant pour me déstresser. Ah, ça t'avait détendu. Ah d'accord, ok, bah tu devais être bien stressé toi. Et ok, et t'as trouvé quoi? Mais je tue des gens maintenant. Non, écoute, c'est funny, ça me détend. Ah bah oui, mais c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est mieux. Tant que tu manges pas la radio. Ouais, voilà, c'est ça. Bouffe pas la radio non plus, hein. C'est mieux pour toi. Attends, il y a David également qui est avec nous là. Salut David, de Bruxelles. Salut David. Ouais, salut mec. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Bon, bienvenue à toi David. Alors toi, tu manges quoi toi? Des trucs particuliers? Moi, c'est pas particulier parce que je trouve qu'il y a aussi plein de monde qui pourrait manger ça. C'est. Enfin, en rangeant maison, tu vois, je les mange. Oh! Mais pas tout, hein. Juste. Oui, bah rassure-nous, non, pas tout. Juste ouais. le milieu, le tendre. Non, mais genre, t'arraches le truc qui est un peu plus. Je sais pas comment on appelle ça, gris, vert, enfin, je sais pas comment. Ah non, ça pas. D'abord, je l'ai vraiment. Qu'il n'y a pas de traces, tu vois. Ouais. Ah oui, il y a tout un cheminement, donc. Ah bah, bien sûr. Mais parce que, comme. Quand t'as pas de coupon ou quoi, tu vois. Et bah chez Zan. Et donc du coup tu les bouffes. Parce que moi qui me rongeais les ongles avant, maintenant depuis que j'ai arrêté, je suis obligé d'avoir un coupon sur moi. Parce que dès que c'est tu vois, si j'ai un petit truc qui part en couille sur un ongle, si j'ai pas le coupon pour remettre tout le droit, effectivement je vais le rebouffer. Donc mais j'avalais pas moi, hein, j'avalais pas, tu sais, je l'arrachais et puis je le crachais, tu vois, je le bouffais pas. Ah non, moi, c'est pas le complet, je dis dès qu'il manque un petit bout, tu vois, je l'avale mais pas. Dans l'extrême, mais bon. Bah si, maman, ouais. T'as qu'à le recracher. Ouais, voilà, mais bon. Note, bah, je crois c'est... que je préfère quand même encore avaler un ongle, enfin un morceau, que d'avaler crodonné comme teuf. Ouais. Non, c'est vrai. Non, les crodonnés, ouais, faut choisir, quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas dégueu, c'est un petit goût sympa, salé et tout. Non, franchement, je peux pas vous laisser dire que c'est dégueu. Putain, non, c'est dégueu. Quelle horreur. C'est pour ça qu'il mange pas de la salade. Ouais. Oui, il a des crottes de lait. Déjà, sa vergeture. Non, sa vergeture. Les vergetures, c'est dur, ma vergeture. Toi, t'es obsédé par le bois. Je l'ai toujours dit. Ta vergeture. Oh, pardon, Il a déjà sa vergeture. Attends, c'est quoi le vrai mot? La verdure. La verdure. La verge dure. La oh là là. Traumatisée, quoi. Non, mais complètement, ouais. Voilà. 10 ans de vous, voilà. 10 ans de notre faute. 10 ans de régime non abouti. 10 ans de vous bientôt. N'importe quoi. Bon, et donc, du coup, David, à un moment, tu t'es dit que t'allais arrêter de bouffer ces trucs dégueulasses. Parce qu'en plus, c'est les doigts, tu mets partout, donc tu sais, c'est toujours sale. Bah non, je t'ai dit, je les lave d'abord, donc tu vois, donc c'est ma main est propre, donc. Mes ongles aussi, donc... Est-ce que tu mets un peu de sel et du poivre? Un peu de mayonnaise aussi, non? Non, mais ce qu'il y a aussi de bizarre que j'ai déjà mangé, c'est les pieds de vache. De vache? Les pieds de vache? Les pieds? Ouais. Comme Toff? Les pieds de... Attends, les pieds ou les pies? Non, je sais pas comment t'appelles ça, les pieds, non? Les pattes? Les pattes, le truc avec lesquels ils marchent. Il y en a qui mangent les pieds de cochon. Ouais, moi j'adore. Moi c'est les pieds de vache. D'accord, ok. Voilà. Non, bah très bien, d'accord. Non, toi, les pieds de vache. Non, si je connais, mais moi j'aime pas. Non. C'est un peu élastique. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que c'est pas du tout pareil que le pied de cochon. Bienvenue dans cette émission culinaire. Jean-Pierre Coff est là. Nous vous expliquerons, et bon appétit bien sûr, nous vous expliquerons comment dans quelques instants cuisiner correctement le pied de porc. Ça c'est hyper simple par contre. Ça, oui, on s'en branle. Bon, il était tout content. Il avait des étoiles dans les yeux. Tu disais Sinon après les ongles, ça fait des M&M, ça fait passer le goût. Ah, donc tu prends l'ongle et puis après tu prends les M&M's. Pourquoi pas? Il y a El Chico sur le Twitter qui dit: moi je mange mes chaussettes. Prince Nadia qui dit: moi par contre j'ai bu du produit de vaisselle goût citron, c'était pas mal. J'étais petite, je découvrais la vie. Oui, bah t'as failli la finir sur toi. Stéphanie qui dit: moi petite je mangeais des croquettes pour chien. Ouais, je sais. Ouais, t'avais vraiment que ça. Normal pour chien, une quoi. Chienne. Et Morgan ou Morgan, je sais pas, qui dit: moi je mangeais mes cartouches d'encre et ma gomme en cours. Ah ouais, si. Ouf, c'est super mauvais. Ça je faisais aussi. En fait, tu mangeais le haut de la cartouche et donc elle se pétait. Ah. Et après bah tu buvais l'encre, quoi. Mais c'est dégueulasse, c'est super nocif. Ah oui, c'est mais t'es dégueulasse. Non, mais en même temps, j'ai goûté la colle, tu sais, la colle en bâton, des fois la HUHU là. Ah, celle, ouais. celle qui sent le l'amande. Non, le masque, l'amande, c'est non, ça ouais. C'est les trucs égyptiens, la petite boîte. Non, ah, ouais, bon, j'ai goûté ça. Mais c'est pour goûter, quoi. Ah ouais. Bon, moi je préfère attendre 10 heures et chercher ma gaufre alors. Plutôt que de bouffer de l'encre, tu sais, les mecs sont super fins là. Tu t'ennuies, quoi. Donc, ouais, bah ça trucs. C'est sûr. Ouais. Bon, bah David et Anthony, merci à vous d'être passés. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Hein. Avec plaisir. Oui, David. Mais sinon, j'aurais bien aimé apporter des M&M pour Sandro, mais bon, comme elle veut pas. Ah oui, non, elle est au régime, mais t'inquiète pas, tu peux lui redemander dans 2 jours, elle aura fini son régime. Arrête, donc, non, je suis motivée un petit peu là. Oui, elle est motivée. Un petit peu plus que d'habitude. Et la photo, on la voit toujours pas. Ah si, je l'ai mise là sur le Facebook de l'émission. Ouais, si, c'est bon là. Ah oui, facebook.com. Pas de profil là. Pas de profil. Non, elle l'a pas mise de profil, non. C'est elle qui a fait la photo. Ouais. Oulala, attention, parce qu'il faut, non, il faut la validation de la. Profil sur, ah non, c'est pas la photo de profil, non. C'est sur le Facebook de Mickaël. Ah, d'accord. Mickaël officiel. Voilà, parce que Sandro, c'est pire que la Maison Blanche, hein, pour la validation des photos. Hein. Oh là là. Oh là là. Bah non, ah ouais. Finalement, même pas. J'ai pas fait ma si, t'as fait ta chiante pour au final mettre la première. Je suis pire. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, bah, merci, super, David. Super émission. Eh bah, c'est gentil. Souvent. Eh bah, c'est gentil, David. Merci à toi, en tout cas. Tu reviens quand tu veux, ouais. Je te renvoie chez Sandro. Ouais. Salut, David. Salut, Anthony. Mickaël. Oui, Anthony. Je vais demander deux petites choses. Vas-y, toujours. Une dédicace. Ah bah ça tu peux faire à une seule personne, alors vas-y. Choisis la bonne. Écoute. Ah bah très bien, bon, on embrasse ton frère, pas de problème. Et la deuxième? Tu peux voir un personne? Oui, bien sûr, je vais te renvoyer chez Sandro, y a pas de problème, on va t'envoyer ça avec plaisir, sans problème. Salut Anthony, à bientôt à Charleroi. Bientôt. Ciao, à bientôt. Bon bah nickel, 2 heures tout pile. Oh bah on est au top. Oh, DJ Comac aussi, bah, qu'on a eu tout à l'heure là, qui était en Algérie, qui dit: moi je vais manger de la colle. Ah bah bon appétit. Stéphanie qui dit: enfoiré Polo. Et le prince Nadia qui dit: ah, Sandro qui a confondu le mot verdure et vergeture. On est pas bien même, là. Voire même verge dure. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu. Hein. Et Bamba Fall aussi qui dit: Jean-Pierre Toff en direct sur Fun Radio. Oui, Jean-Pierre Toff, Jean-Pierre Coff, hein. Ah ouais, Jean-Pierre Sauzet, rien à voir évidemment avec ça. Bon, on fait le top tweetos maintenant pour terminer l'émission. On aura le générique bien entendu également. C'est parti? C'est parti. Eh ben numéro 5. Alors, attends, je dis pas de bêtises. Ah ben, je dis pas de bêtises. Donc c'est Alexou. Alexou. Numéro 4, Magda. Qui a déjà gagné un sextoy. Oui. Voilà, donc je rappelle que c'est numéro 1 qui gagne, sauf si le premier a déjà gagné, à ce moment-là, ce sera le deuxième. Si lui-même a déjà gagné, ce sera le troisième, et ainsi de suite. Numéro 3, Félicia. Qui n'a jamais gagné. Ici, il me semble qu'elle en a déjà un. Si ? Bon, ouais. On va vérifier. Ah, Sandro me confirme. Numéro 2, Julien. Julien, qui a déjà gagné, lui, c'est Kinkin. Oui. Numéro 1. Non, c'est pas Kinkin, c'est Grégoire. Ah, c'est un autre. Ah, d'accord, ok. Bah, lui n'a pas encore gagné. Et numéro 1. Let's be free. Qui elle a déjà gagné. Pouf, elle a gagné toute la boutique. Elle a toute une collection là. Bientôt, elle pourra ouvrir son propre passage du désir. Voilà. Bon, bah, Julien, Grégoire, donc c'est toi qui repars avec le sextoy. Tu pourras l'utiliser comme tu veux. Offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Bon, et puis je vous rappelle également qu'on fera l'émission en direct de chez vous dans pas longtemps. Hein. On viendra faire l'émission chez vous. Donc si vous avez une grande chambre, un grand salon, ou je sais pas, un grand, au final on n'a pas besoin de beaucoup de place. Hein. Vous voulez nous accueillir, toute l'équipe, on est quatre, hein, vous emballez pas. On vient dans l'émission, on vient chez vous, pardon, on fera l'émission de chez vous. Si vous voulez venir avec vos potes, il n'y a pas de problème. Et puis par contre, si vous pouvez mettre 2-3 trucs à boire dans le frigo. Ouais, frais, hein, bien ouais, sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et une bonne machine à café pour Polo. Ah ouais, beaucoup de café, puis un peu d'eau fraîche quand même. Voilà, c'est ça. Bien qu'on se mette bien, quoi. Il y a Joss aussi, 971, qui dit moi, c'est des cure-dents que je mange. Ah, oh. Sympa. Morgan qui dit aussi, j'adore me faire une petite assiette de pâtes Nutella jambon. Ah bon. C'est trop bon en rentrant du boulot. Oh putain, mais c'est. Ouais, parce que c'est dégueulasse quand on part, hein, au boulot. Mais quand on rentre, c'est super bon. Il y a Emery aussi qui dit moi, je bouffais mes cols, elles étaient au goût pomme. Et Alexandra qui dit moi, j'ai déjà mangé des grillons. Oh. Oh là. Oh, c'est dégueulasse. Ma mère, son grand kiff, c'est de finir les de finir son fils, elle aura dû le terminer depuis bien longtemps. Mais ça, elle a jamais réussi vraiment. C'est quand, genre, quand on fait des pâtes, c'est de les finir avec du sucre. En fait, elle met du sucre dessus et elle les mange comme ça. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est conceptuel, hein, j'ai envie de dire. Pas chipoter, on va pas contrarier même maman taf. Hein, non, c'est mieux pas. C'est bien après, c'est. Oh là là, il faut après, que je lui explique. Toutes les, je passe le week-end à lui dire non, mais c'était pour rire, maman. Exactement, c'est ça, on a rien dit, on a rien fait, etc., etc. Avant de partir, on fait encore un petit appel. Allez. On y va ? Allez, vite fait. Bon, allez, bah on y va. Alors, c'est parti. On appelle direct. Ah bon, on a deux numéros encore. Bon, on va faire un. S'il est pas trop long, on en fera deux. On y va, on appelle maintenant, puisque Toff, c'était la galette des rois, etc., etc. Tu n'as pas été roi. Tu as fait un coup d'état. Ah oui, ouais, c'est vrai. Voilà, pour devenir roi. Et donc du coup, on appelle des gens depuis tout à l'heure pour parce que tu veux tondu, quoi. Bah, je veux quand même être le roi. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. On y va. On appelle depuis tout à l'heure grâce au numéro que vous nous envoyez sur le mail de toph@fonradio.fr. Cru que ça avait décroché. Allô. Oui. Allô. Bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que j'ai tiré la fève. Et alors? Et alors je suis le roi. Oui. Et c'est bien, je vous félicite. Merci. Et donc maintenant je voulais venir tirer la reine. Chez vous. Ah, c'est encore mieux. Oui. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. D'accord, mais à quelle heure je peux venir alors? Oui, non, elle a raccrochonné, donc on va la rappeler encore un petit coup là. Hop, c'est reparti, on y va, on rappelle. Et si c'est aussi rapide que cet appel-là, on aura le temps d'en faire un deuxième. Allô ? Oui, excusez-moi, vous avez raccroché un peu vite. C'est encore le petit con ? Mais non, madame, c'est le roi, on dit monseigneur. Bien, vous êtes un roi con. Allez, je laisse mon téléphone décrocher, comme ça vous ne sonnerez plus. Bonne soirée. Je vais laisser le prochain. Oui, mais si vous laissez décrocher, je suis toujours là. Ah, voilà, il est parti. Allô ? Non, elle est partie, ça sert à rien d'insister. Elle est partie, hein. Bon, du coup, on a le temps d'en faire un des petits derniers, là ? Bah oui, allez. On enchaîne avant de partir, avant de faire le générique de fin, là. On va être bien. Apparemment, c'est du lourd. Ah bon ? Je sais pas. C'est ce qu'on a dit dans le mail, avec le numéro de téléphone qu'on a envoyé. Allez. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, je vous appelle parce que j'ai tiré la fève. Ah ? Oui. Allez-y. Donc je suis le roi. Oui. Et donc voilà, donc maintenant je me disais que j'allais venir tirer la reine. Ah c'est bien, mais c'était hier ça. Bah oui, mais bon, j'ai un peu de retard, mais bon, je reste le roi quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah voilà. Et donc du coup, en tant que roi, je souhaite me faire honorer, madame. Eh bien, alors allez-y, dites-moi ce que vous proposez. Je sais pas, un petit 5 à 7 chez vous. Pardon ? Non, je dis un petit 5 à 7 chez vous. J'ai pas compris, j'ai compris chez vous, mais... Je viens chez vous, on fait l'amour, et puis je rentre chez moi. Oui, mais quand ? Quand vous voulez, demain. Donc, c'est le monsieur qui a la ceinture, hein. Donc, il l'a trouvé. Donc, demain, fin de matinée, ça vous va ? Oui, très bien. parfait. Ça va? Bah oui, parfait, bah je viens alors. Hein. Je sais pas, moi, vers 11, entre 11h midi par là. Oui, comme ça vous avez le temps de vous. Hein, vous êtes prête ça et va? Puis. Bah parfait. Ok. Hein, parfait. Et bah à demain alors. Hein. À demain, hein. Un grand merci au revoir. Oh bah avec plaisir, madame. Hein. C'est, merci à vous de m'honorer. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Non, monseigneur, voilà. Enfin, c'est pas grave. Oui, bah, mais c'est surtout sur le fil. Eh oui. Mais on a une acceptation. Mais oui, je vais enfin pouvoir être honoré. Comme quoi tout arrive. Eh oui, écoute, je suis le premier surpris. Hein. Bah, et oui, bah, j'imagine bien, effectivement. Ouais. Bon, on se fait le générique de fin là, avant de partir. Ouais. Allez, allons-y. Avant de se retrouver demain, évidemment, à partir de 23h, il y a un message du prince Nadia sur le Twitter qui dit: je pense que le fait de faire l'émission en direct de chez un auditeur ou une auditrice va avoir un grand succès. Ah bah, on verra bien après, hein. J'espère qu'on sera bien installé. Surtout, il y a Gogo4845 sur le Twitter qui dit: j'ai un mini frigo dans ma chambre, je le remplirai pour vous. Ah, ça c'est cool. Et Let's Be Freaks qui dit: ma Godotech n'est pas encore pleine, donc je veux bien encore gagner un God, Mickaël. Ah bah non, Let's Be Freaks, t'en as déjà gagné là, il faut laisser la chance à tout le monde. Bah oui, c'est quand même normal, la moindre des choses. Bon, vous êtes prêts pour le générique de fin, attention? 3, Polo est prêt? Oui, ça faisait longtemps. On l'a pas fait hier. Ouais, ça fait longtemps. On l'a pas fait hier. Comme je suis en direct de New York, je peux pas me permettre, etc., etc. Ça fait longtemps. Voilà. Non, mais on l'a pas fait en mode avec des auditeurs, en chantant, en mode gay, en mode joyeux. Voilà. On était triste, tu n'étais pas là, ça nous a manqué. Mais oui, mais je sais. On était avec Polo, on était dans le studio avec nos mouchoirs. Bah ouais, je sais. Parce que si on s'était branlé, toi. Ah oui, pardon. L'horreur. Allez, attention, c'est parti. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Du bout des viteufs te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, mon oncle. T'encules comme toi. Toi l'enculé. Ton oncle t'es un enculé. Dormir ou bien manger toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Viteuf, j'ai fait enculer sur le Mais oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Complètement canadiens. Toi l'enculé. Ferme ta gueule, merde. Toi l'enculé. Tu bouffes des bitops, te sucer, toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ah, mais oui, et Lilou, Ah oui, bah non, bah elle est pas là, elle est malade. Elle est malade, c'est vrai, pas. Ah oui, elle est complètement malade. Ah oui, complètement. Ah enfin, ouais. Malade de chez malade, enfin un drame, une angoisse totale. Ça, complètement, là. Complètement. Bon, et notre ami JB qui est avec nous, là, en pleine forme. Ah, d'accord. Je m'y attendais pas. Ah bah il est là, tant mieux. Hein. Il glandait. Et oui, complètement. Ouais, 2014. Un vrai gland. Normal. Et bonne année, JB. Ouais, bonne année. Ok, bah tu vois, rien que pour cette vanne de merde, on va directement mettre le titre et on va se barrer là. Tu vois, j'étais content de te revoir et puis. Mais moi aussi, t'es bronzé un peu. Et puis voilà. De quoi? T'es un peu bronzé. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ça va. En speed. T'as le teint, allez. Oui, exactement, ouais. Et bah d'ailleurs, allez, Berry. On va y aller. Hein. Allez, Berry. Allez. Pas mal. Oh là là, dur. Allez, ouais. Dur, ok, très bien. Il y en a plein de vannes, tu vois, allez. Ouais, c'est ça. Ouais, mais justement, on va y aller. Oui, on va se barrer, justement, ouais. Bon, bah 2h09, et bon courage toute la nuit, alors. Hein. Non, mais ça a bien se passer. On va se quitter avec des euros, c'est bon, ça? Si tu veux, très très bien. Parce que tu m'as dit en antenne que tu détestais le morceau, donc... Ah non, j'adore, ça dérange pas. Excellent titre. Non, t'as même dit que tu torchais avec le... Exactement. Il a pas dit ça avec la prog, Tof. Qu'est-ce qu'il a dit sur la prog? Que c'était de la merde. On a pas dit comment était Cry Me a River pour l'instant? Non, j'ai dit demain. Ah, demain, pardon. Ouais, j'ai dit demain. Cry Me a River. Exactement, ouais. Ouais, pas mal. Oh, genre, il aime bien maintenant. C'est l'autre chose. Je valide. C'est bientôt, on va dire Nirvana. Ah, ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ah non. Je sais même pas ce que c'est, je parie. Nirvana? Ouais. Bah si, les gars. C'est quoi? Culture musicale. C'est quoi? C'est un groupe j'aime pas. Méconnu. Méconnu. Méconnu. N'importe quoi. Non, c'est un bar à Charleroi. Bon, allez, on se quitte. J'avais une ex à Charleroi. Avec, bah tant mieux, ça m'étonne pas. Oh là là. Il est content. D'ailleurs, tu lui rendras son pull. Ça me rappelle ma jeunesse. Tu lui rendras son pull, hein. Connard. Allez. Mais t'es vraiment allé à Charleroi ou pas? Ouais, une fois, ouais. Oh là là. Ça t'a suffi. Non, c'était à côté, c'était à Mont-sur-Marchienne. Oh, c'est pire. Ah, Mont-sur-Marchienne, c'est très dur. Ah, Mont-sur-Marchienne, là, par contre, c'est violent. Bon, allez, bonne nuit, hein. Et spéciale dédicace évidemment pour notre ami JB. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Et bonne année. Et bah bonne année, hein. Santé. et bonne année. Exactement. Et toi, les enculés.